magnifique stade Vélodrome, merci. Bah oui, non, oui. Le stade est beau. Ouais, oui, merci. Là, il va te dire parce que le stade appartient à la mairie, dadadi. Il va te sortir tout ça, il n'y a pas non, de problème. Non, les gars, on ne sort pas là-dedans. Non, le stade est beau, le stade est beau, c'est une réalité. Vous avez un très beau stade à Marseille. Après, on ne parle pas de l'équipe tout de suite. On va attendre un petit peu, mais. Mais vous avez un très beau stade, ça, il faut reconnaître. Non, c'est cool. En tout cas, on voulait faire un concert, on voulait faire une planète rap là-bas pour terminer. Voilà, parce que justement il y a le concert, il y a la sortie de l'album, et voilà, c'était, et puis, c'était pour faire, ouais, bien. Voilà. Pour faire ce, le clin d'œil un an pratiquement avant le grand concert du 7 octobre 2017. Et voilà. Vous trouvez pas, enfin bon, en même temps c'est bon, c'est le 7 octobre. C'est 2017. Il y en a qui sont allés déjà le 7 octobre. Ouais, il y en a, je suis désolé, je voulais m'excuser auprès des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont venus partir au stade pour qui croyaient que c'était le 7 octobre. Non, c'est 2017. C'est 2017. Donc voilà. Prenez vos places, n'hésitez pas et dépêchez-vous, à s'arrache. Avant de se quitter et de retrouver Difool, on a un peu la bourse, pas grave, on fait tourner en speed, la roulette, c'est parti. C'est Jules. Skyrock t'offre Jules en concert dans la ville de ton choix. Un autre Marseillais, décidément, on est entouré cette semaine. Ouais, ouais, ouais, ouais. Morgane de Missilac, comment ça va, Morgane? Ça va très bien. Je te présente Morgane. Sopra. Salut. Salut Morgane, Zach, comment tu vas? Tu défonces, Sopra, j'ai été à ton concert et tout. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Super. Et a priori, Morgane, merci. Tu aimes bien les Marseillais sur scène, hein? Ouais, super. Il y a Jules, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, la roulette roule. Oh, Jules! Le sang. Le sang. Les seins. Les seins. Eh ouais, mon bon. Et ben voilà, concert de Jules au Zénith de Nantes. Il y a deux places contente. Au mois de décembre. C'est pour toi. Ça y est, ouais, c'est fini. Et tu repasses par Nantes aussi, toi, Sopra, pour avoir, ouais, en 2017 aussi. Ouais, on repasse par Nantes. Ah, bah, je retournerai la Skyroulette alors. Mais n'hésite pas, il y aura encore des places à choper. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Bisous, ciao. Je fais une dédicace. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Je fais une dédicace à Gwendal et Laura et à Louise et Clara aussi. Ouais. Un gros bisou. Gros bisou. Ciao, ciao. Bisous, merci, Sopra. Merci toute l'équipe. Merci, Mej. Merci à toi, merci, Frédéric. Zach. Merci à toute l'équipe qui était là. Toi. Et on revient demain. Un petit on peu revient demain avec, bien sûr, on va découvrir des nouvelles chansons. Il y aura un invité. Voilà. Il y aura un invité, c'est le sang, plus que le sang. Voilà, on en c'est on la, c'est l'ADN. Donc vous c'est pouvez l'ADN. Dire, je sais pas. Je, c'est l'ADN, je, voilà. Je peux pas dire c'est la colonne vertébrale. Voilà, tu peux rien dire. Tu c'est peux le rien dire. Tu peux rien dire. C'est ouais, j'ai une idée quand même. J'ai une idée. C'est Ned Dog. Difool est là. Oui. C'est Ned Dog. Non. Le pauvre, laissez-le, le pauvre Ned Dog. Rest in peace, bro. T'imagines tous ces bro. T'imagines, bro. Adi Poula, bien ou quoi? Adi Poula, comment ça va? Adi Poula, bien ou quoi? Adi Poula, tu fais quoi? Tu fais quoi, Adi Poula? Ils sont brillants, les Marseillais, vous avez vu. Ah, le bordel. Ça va, tout le monde? Je vais vous refiler Zach pour la semaine. Regarde-le un peu. Vous l'avenez entre 21h et minuit. Il faut le garder, je trouve qu'il ambiance bien planète rap. Salut Zach. Pète les plombs, Zach. Ah ouais, grave. Soprano, tu nous as fait une très belle imitation de Jules d'ailleurs. Ah ouais, tu as aimé? Ah oui, mais tu es le roi des imitations, hein, toi. Ah ouais, c'est ouais. C'est dingue. Ah ouais. J'adore. Ouais. La crise au Mike, mec. La crise au Mike. On aura d'autres places pour Jules à vous filer tout à l'heure avant minuit. Et puis, alors une petite question que se posent beaucoup de Marseillais. Pourquoi tu as appelé ton album L'Everest et non pas Le Mont Blanc ou alors La Sainte Bombe? La Sainte Bombe. La Sainte Bombe. Parce que c'était pas assez haut. Parce que voilà, dans la vie, tous les jours, on essaie de grimper, c'est toujours plus haut à chaque fois. Si tu n'as pas remarqué, ben c'est toujours comme ça. D'accord, donc c'est pas la Sainte-Baume. Ouais, les vrais Sainte-Baume, ça se voit pour ça. C'est les vrais. Allez l'appeler la Tour Eiffel. Et je pose une question. Oui. Vendredi, on va faire l'émission à Marseille au stade Vélodrome. Ah, j'ai réservé l'Euro Central déjà, moi. Samy, tu es là ou pas? Eh, Difool, il veut pas me laisser descendre. Oh, Difool, il a bon dos. Il va interdire. T'as vu, il veut pas. Le Stéphano, il veut pas. Viens. Je te ramène ton herbe, ne t'inquiète pas. Viens au stade Geoffroy Guichard, ce bras. En fait, je veux le rond central. Je te ramène, oui, le rond central, l'herbe. Tu vas, tu le découpes, gros. D'accord. Le mec normal. Donc, vendredi, ce sera pour terminer cette grosse semaine. Planète voilà. Rap spéciale. Et il y aura même une surprise en plus. Ah, qu'est-ce que. Je sais pas, Valbena. Qu'est-ce que. Nous sommes généreux, nous faisons des tonnes de surprises. Il y a des surprises, peut-être une victoire de l'OM ce week-end, peut-être. On sera là demain soir, 20h-21h. Ah, je sais, Planète Rap. Vous invitez McCormick. McCormick. Ah, McCormick. Eh, rigole pas, je crois qu'il achète ses 7 semaines. Lundi prochain, c'est le prochain président de l'OM. Ouais. Voilà. Ah, ben on verra bien. Hey, mais tous les lundis, c'est lundi prochain. Ah, ça y est, c'est lundi. T'imagines, Fred, tous les hamburgers qu'il a vendus pour acheter l'OM? Ah, bah, t'imagines, bro? Ah, il en a vendu un max. Tous ces cheeseburgers, bro. On est bro. On espère une superbe saison. Bien, on reste, on parle encore un peu, Difool. Qu'est-ce qu'il y a? On parle avec Samy tranquille. Vas-y, on va laisser Zach tranquille. Mais Romano, je l'ai pas entendu. Eh bien, je suis là. Ah, je suis là. Il écoutait attentivement. Ouais, ouais, j'écoutais. Tapis dans l'ombre. Romano, tu as besoin de quelque chose au Vélodrome? Qu'est-ce que je pourrais te ramener? Un siège? Un siège, ouais, tiens. Un siège, ouais. Ça, peut, chez toi. Ça peut toujours se vendre dans les conseils pas chers. Ouais, ouais, ouais, toujours servir, ouais. Non, mais sinon, si, je cherche partout. Si je trouve une glacière, je te l'emmène. Bien ça. Voilà, il est reparti avec Bielsa. Glacière, ah ouais, la glacière de Bielsa, la bleue. Ouais. Ah ouais, j'ai vu des auditeurs qui m'ont réclamé les filets des buts. Wow. Donc, je vais essayer d'aller découper un peu les filets des buts vendredi. Bon, il y a des gens qui m'ont demandé les filets des buts. Bon courage. En parlant de buts, justement, 0-0 pour l'instant entre le Pays-Bas et la France. C'est le match des bleus. On va suivre les bleus ce soir. On suit le Planet Rap demain soir, 20h-21h, avec toi, Sopra. Allez les bleus. Avec toute la bande et une Allez les bleus. Et on arrive dans 2 minutes, là, juste après la pub. Et on arrive pour la radio libre en direct. Bonjour. The Morning Show. Dans le Morning de Difool sur Skyrock, Skyrock t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Ouais, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une Suprette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 €, on n'en parle plus. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui le Soprano? Soprano Baba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le Morning de Difool tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres? Rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Après, par exemple, avoir fait une certaine période de service civique, je voulais savoir déjà ce que ça pouvait nous apporter. C'est une expérience et ça peut être l'occasion de la découverte d'un milieu professionnel. Mais ça peut être une expérience plus large. D'une manière générale, ce que nous disent les jeunes volontaires, c'est un moment où on a estimé qu'ils étaient capables de mener à bien une action, de prendre des responsabilités et donc ils sortent de là beaucoup plus sur deux, notamment pour affronter le marché du travail. C'est là que l'expérience acquise, l'enrichissement est la plus frappante pour eux. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Hé, oh, hé, oh, tu m'entends de l'autre côté du poste? Hé, fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Concert. Skyrock. Nouvelle tournée événement Skyrock. Skyrock. Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. L'année n'est pas finie. Non, moment au 71777. Des conseils, des idées pour bien aborder l'avenir. Envoyez moment, M-O-M-E-N-T, au 71777 et nos astrologues sauront vous guider vers la sérénité. Le meilleur des futurs, des réponses à vos questions. Moment au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Et hop, on est dans la BM et on en ressort tout de suite. On va vite dans la radio libre. C'est parti, en direct. Difool. T'as été long à répondre? Non, ta gueule. Romano. Ah putain, moi j'ai bien baisé ce week-end. Juste avant de ah ouais, j'ai eu de la faciale et tout quoi. Ah, Cédric. On nous a reconnus. On nous a reconnus. Marie. Non, mais j'en sais rien, je suis pas allé vérifier sa chatte, figure-toi. Samy. Tu sais, mais nous en France, dans les clips, on voit limite des chattes, tu vois. Et Karim. Le problème, c'est qu'il va pas tâter l'autre et l'autre, il va dire, mais non, c'est pas moi, c'est lui. Ouais, il va le faire. Difool Radio Libre. 1h minuit tous les soirs sur Skyrock. Et c'est parti sur Skyrock, juste après le Planète Rap de Soprano. On est en direct et on est avec vous au 01 53 40 30 20. Salut tout le monde. Salut, salut. Je vous donne le numéro parce que vous pouvez débarquer ici à n'importe quel moment. Vous nous appelez, vous tombez sur la Marie. Bonjour. Ouais, Marie. Bonsoir tout le monde. Sur Karim qui fait des snaps déjà. Ouais, je bonjour, snap. Salut tout le monde. Snap. Bonjour Karim. Skyrock FM, le snap de Skyrock. Bonjour Samy. Salut, bonsoir. Vous appelez donc au 01 53 40 30 20 et vous débarquez directement en direct avec nous. Et sinon, le 41 759 et l'appli Skyrock pour nous laisser des messages. Bonjour Romano. Bonsoir. Comment va? Ça va bien. Ça va. C'est quoi cette voix? Mais il prend une voix de séducteur. Et une voix de beau gosse, Marie. Et ouais, Cédric ouais, en direct ça. De son lit pour changer en parlant de beau gosse. Il est là aussi. Bonjour Cédric. Je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, gros vilain. Ça va? Comment allez. Ça va les vacances ouais. se déroulent bien, tout roule. Ah, il manque un peu de soleil, mais ça va. Manque sinon. Un peu de soleil, mais c'est pas désagréable, hein, dis donc. Hein on s'en soleil et un bras, quoi. Voilà, ça fait un mois qu'il est en vacances, un mois et demi presque, Cédric. Ça va la life, hein, dis donc. Hein. Il est malade. Ouais. Oh, il est malade. Ouais, ouais, il est malade et moi je suis. C'est Dion du temps que tu y es. Ah ouais, carrément, quoi. Ah ouais. Bon. Putain, elle a changé. Ah ouais, ah t'as vu Cédric? Ah bah ça c'est clair. Non, mais c'était une punchline. Ah, elle a changé, ouais. On a fait mieux en punchline. Elle a changé. Bon, content d'être avec vous. Bonjour à Sandrine, à Léo, à Tim, à Kirio. Bonjour Crio. Bonjour à Félix. Il y a Skyrock qui est là aussi. Bonjour Skyrock. On est là nous aussi. Et nous aussi on est Skyrock. Hein. Bonjour Jonathan, Théo, Carmelo et Konakri et tous les autres et le beau gosse et les bleus qu'on va suivre en direct contre les Pays-Bas ce soir. Pays-Bas, France, Hollande, France. C'est le match qu'on va suivre en direct. Et ben pour l'instant, 0-0 ouais. entre les Bleus et les Hollandais. Bah, tout à l'heure, il y avait des messages qui lui disaient que pour le moment, a priori, le match était chiant. C'est ça, ouais. Ah, t'as vu les messages ouais, aussi, ouais, pareil. Mais ils nous attendaient. Ah, ben, c'est bon, les gars. Vous pouvez jouer les Bleus, ça y est, on est là. On est à l'antenne. On est en direct. Enflammez-vous sur un peu. Là. Vous pouvez tout déchirer là, tout au long de ces 90 minutes. 90 minutes vient entamer depuis 20 minutes. Et donc, 0-0, on suivra le match en direct, évidemment, ce soir avec vous. Et puis, vous donnerez vos notes. On donnera nos notes aux Bleus tout à l'heure. Bah, d'ici 25 minutes, à la mi-temps. Dites mais non, d'ici quoi là d'ici, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, 25 minutes. Ah ouais? Ouais, dans 25 minutes, c'est la mi-temps. Ah ouais, déjà. Et oui, 20 j'ai fait un beau calcul mental, je suis très fier de moi. Hein. C'était beau. Donc, ça d'ici 25 minutes, on donne les notes des Bleus à la mi-temps, et puis à la fin du match, on donnera les notes aux Bleus pour tout le match. On leur souhaite bonne chance. Allez, les Bleus, match qualificatif pour le mondial, pour la Coupe du Monde de dans 2 ans en Russie. On suivra donc du foot ce soir. Bon, vous tous en direct, à n'importe quel moment, vous pouvez nous appeler. Tiens, on parle de foot, on aura du FIFA à vous filer. FIFA 17, toujours à gagner sur Skyrock. FIFA 17, avec une petite question que je vous poserai d'ici quelques instants. Si vous voulez votre FIFA 17, il sera pour vous, évidemment, ce soir. Bon alors Cédric, comment va la clavicule, les 4 cuts cassés et tout le reste, tout va bien? En gros, et ton cul. Et en gros, et combien de temps va durer ton cinéma? Oui. Normalement, là, dans la semaine, je vois le chirurgien, il me dit ce qu'il en est. Et il te refait la gueule. Enfin, putain, alléluia, quoi. Le chirurgien esthétique va s'y mettre, enfin. Vive la médecine. On pourra te regarder en face. C'est ça, ouais. Sans avoir une petite remontée gastrique comme ça. Comment va le trou de balle? Ouais, c'est ça. Ah, écoute, là, j'ai une petite diarrhée là ce soir. Oh là là, d'accord. Encore, photos, encore si le mec t'annonce ça comme ça, non? Oui, bon, ouais, tout va bien, a priori. Bon, tu diarrhée, pépère. Donc, à l'instant, des rapettes. À l'instant, pour nous accueillir, et c'est voilà, super. Elle est très chouette. Mmh. Magnifique, magnifique. Bon, vraiment, tu sais nous faire rêver. Une petite question à poser aux auditeurs. Une petite question à poser aux auditeurs. Un petit service à demander, Cédric. Ou pas? Non, pour l'instant tout va bien. Très bien, si ça t'arrive. On a déjà fait l'opération de la clavicule, ça te dit ou pas? Est-ce que tu veux que je te baise tout à l'heure? C'est moi, je vais te baiser, tu sais quoi. Ah bah ouais. Parler du clash? Bah ouais, évidemment. Ah, il parle du clash. Là, moi j'ai hâte que tu reviennes pour te baiser en face à face, tu vois. Et voir ta gueule de con. Parce qu'en fait, Romano m'a appelé ce week-end. On a discuté pas mal au téléphone ce week-end avec Romano. Et il m'a expliqué que si tu venais pas, c'est que t'avais peur de le regarder en face et t'avais peur de lui parce que. Bah déjà, il baisse les yeux. Il a peur. Et que tu baissais les yeux devant lui, que t'avais peur quand tu faisais des clashs. Ok, d'accord, on va voir ça quand je vais revenir, mon pote. Bah ouais, pour l'instant, tu reviens pas. Donc j'aurais tendance à croire Romano, moi, tu sais. Pour le moment, tu fais la baltringue, mon pote. En plus, Romano. Ouais, c'est ça, ouais. Les menaces. Est toujours très, très, très, très sincère, surtout quand on parle de toi dans le clash. Mais bien sûr. Bien sûr. Bon, si vous avez le moins de soucis, vous pouvez nous appeler. Faites appel à nous, vous pouvez débarquer ici, je vous le disais, avec le 41 759, avec l'appli Skyrock. L'appli Skyrock, vous pouvez nous envoyer des photos, nous écouter aussi sur l'appli. Et tout est gratuit, photos, messages, tout ça. On salue Kevin qui nous a envoyé une très belle photo de lui. T'as du beau gel, Kevin, et des belles lunettes. T'as des beaux cheveux. Et toi, tu as des cheveux, ouais, puisqu'il a du gel, Romano, oui. Ouais, des cheveux. T'imagines que les économies que tu fais en shampoing, en gel, poubelles, en séchoir, en électricité, tout ça, c'est énorme, cire, hein, énorme, ça, énorme, énorme, énorme. Ouais, ouais. En cire. Ouais, parce qu'il y a des mecs qui mettent de la cire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Romano, tout ça. Bon. Tu connais pas, mais c'est des trucs qu'on met sur les cheveux. Tu veux que je mette ça sur les pailles de bite? Moi, je mets du pento. Ouais, bah ouais. Comme les rockers. Ouais, c'est bien. Tu sais qu'il y en a encore qui mettent du pento. Comme ça, j'ai les cheveux bien gros. Ouais, bah Cédric, t'en mets trop. Les motards. Les motards. Bon, salut Kéria, tiens, qu'on parlait de problèmes que vous avez. Je sors avec un mec de 17 ans, j'ai que 14 ans. J'ai peur que mes parents trouvent ça chelou. Ah, Kéria, on va peut-être te rappeler. T'as pas laissé ton numéro, Kéria. Donc, dès que vous avez un petit souci, vous nous faites signe, vous laissez vos messages. Si vous voulez passer à l'antenne, laissez bien vos numéros de téléphone. Sinon, 14, 17. Bon, ça va, Kéria. Pour lui, ouais, ouais, c'est pas choquant. Pour lui, il va se faire traiter de pédo parce que les potes vont jouer avec. Ouais, mais sinon, ça va. Donc, pour lui, c'est difficile. Pour toi, pour toi ça va. Tu vas pouvoir te la péter, dire ouais. Ah, putain, je sens avec un mec. Putain, il est presque majeur. C'est un daron. C'est un, voilà, je sors avec un daron. Il a presque le permis. Bon, si tu veux passer à l'antenne, laisse ton numéro, Kéria du 31. Haute-Garonne. Bon, de la France entière, vous nous appelez, vous débarquez ici. On a François d'ailleurs qui est en direct avec nous. Les familles du double appel. Tiens, si vous avez des numéros à appeler pour ce soir, vous n'hésitez pas à nous laisser vos messages sur le 41-759 et sur l'appli Skyrock. Et on a nos envoyés spéciaux en direct avec nous. Ils ont gagné 1500 euros ce matin, Flavie et Julien. Et quand on les a eus au téléphone, ils étaient direction la Hollande. Imaginez la super journée. Putain, ah, ça va, ouais. Ouais, tu vas en Hollande, ouais, tu prends 1500, elle est belle. Voilà, tu prends 1500 euros en répondant Skyrock, facile. Après, t'es dans ta voiture avec ton mec ou avec ta meuf. C'est qui, c'est Julien ou Flavie qu'on a? C'était Julien, moi, que j'avais eu. C'est Julien que t'as eu, Julien et Flavie. Et juste après, tu te retrouves au stade et tu regardes le match ce soir. C'est pas beau, la vie. Salut Julien, salut Flavie. Salut, ça va, Titi? Salut la Hollande. Salut. Alors, on s'est dématé la gueule un peu. Ah ouais, ça s'entend. Non mais si, ça s'entend. Je vois que t'as profité des produits locaux. Spécialités locales, oui, des produits locaux de la Hollande, toi, ce soir. Pas encore. Ah ouais, déjà. Bah, putain, c'est l'air peut-être. Ah ouais, peut-être. L'air est plein de chichons alors. Attends, je suis à fond dans le match là. Bah ouais, j'ai Ah bah, excuse-nous. Hein. Bon, pour l'instant, ça se passe comment pour les Bleus? Oh, ça va. C'est un peu équilibré. Ouais, on m'a dit que le match était pas super. Enfin, c'est les messages que vous nous avez laissés, là. Ceux qui regardent le match et qui écoutent l'émission en même temps. Et bah écoutez, l'ambiance est bien. Tu salues les Hollandais. Ils sont grands, les Hollandais, hein, t'as vu, hein. Ouais, très grand. C'est hallucinant, tu vas dans ce pays, t'as l'impression d'être un nain. Ouais, même les meufs, elles sont super grandes. Mais tout est grand en Hollande. Romano, je suis sûr que tu n'es pas Hollandais. Non, ça c'est clair. Ça c'est... T'es déjà allé en Hollande, t'étais pas mal en Hollande avec tous ces gens que tu regardais comme ça en l'air. Moi, ça me dérangeait pas, va. C'est vrai, à part aller dans le coffee shop, j'ai pas fait grand chose d'autre. Après, t'as plus Dieu. Ouais, en fait, il a passé le week-end couché ou assis. Non, mais c'est vrai, franchement, les seules fois où j'y étais, si une fois j'y étais voir les fleurs, du marché aux fleurs. Oh, bah c'est super. Ah ouais, bah dis donc. On y restait sa vie. C'est dit, bon, j'ai pas fait de vélo, c'est fait trimballer par un mec. Par un vélo. Et après, il a fini dans un coffee shop. C'est ça, exactement. Ouais. On a dit, putain, il y en a un près du marché aux fleurs. Ouais, ok, bon, on va se poser c'est là. Bon. Bon, en tout cas, vous êtes heureux pour les 1500 euros, Julien et Flavie. Ouais, c'est... nickel. Bah, bravo. Elle est contente. Ah, bah oui, c'est elle qu'on a tiré au sort parce que toi, tu t'étais inscrit au 7-20-20. T'avais envoyé 1500 au 7-20-20. Faites-le, hein, envoyez 1500 au 7-20-20. J'ai envoyé, mais j'ai pas été tiré au sort. Et non, c'est elle qui a été tirée, c'est elle qui a récupéré l'argent, Flavie. Et comme elle nous a dit ce matin, elle ne te donnera rien. Rien. Non, chacun pas, pour rien. Sa gueule. Ouais, ou sois gentil. Ouais. Voilà, répondez Skyrock si on vous appelle. On vous appelle au radio, au téléphone. Skyrock, c'est 1500 euros. Et puis inscrivez-vous si vous voulez augmenter vos chances de gagner. 1500, c'est 20-20. On vous retrouve tout à l'heure, Julien et Flavie, en direct d'Amsterdam. Vous êtes au Sky Reporter ce soir. Ok, ça marche. Pour le match des Bleus, Pays-Bas-France, toujours 0-0 et 26 minutes de jeu là pour l'instant. Match à suivre, évidemment, en direct sur Skyrock. Et en direct avec vous tous et vous toutes, on a qui au téléphone? Il y a François. Ah oui, François, il a un petit souci, il a une chaîne YouTube. C'est lui qui a une chaîne YouTube. Ouais, c'est ça, ouais. Et un souci chez François. Bonjour, François. Bonjour. Salut. Comment ça va, François? Ça va. Bon, et pas très. Vous avez pas déprimé. Il a pas l'air très très heureux en ce début de semaine, alors que nous on est en pleine forme, mais on va te remonter le moral, François. Vous allez comprendre pourquoi il est un petit peu déprimé. C'est quoi votre chaîne YouTube préférée, chaîne YouTube sur laquelle vous allez le plus souvent? Skyrock FM, moi, la chaîne YouTube que je préfère. Ouais, c'est la seule que je regarde, ouais. Et ouais, elle est super, hein, cette chaîne. Mais sinon, j'y vais jamais. Qu'est-ce que tu vas mater sur Skyrock FM, Marie? Bah, les vidéos. Les vidéos. Bah ouais, c'est ce que je regarde. Ouais, qu'en même temps, YouTube, ça sert un peu à ça. C'est un peu logique. Bah ouais. Ça, à part des vidéos, hein, tu vas pas Mais sinon, je vais pas sur des chaînes YouTube, ouais. Je vais sur YouTube. Des chaînes IFI. J'adore aller sur des chaînes IFI. Ah, c'est pas mal, hein. Vous savez, je monte dessus chez moi. Et c'est génial d'aller sur des chaînes IFI. Et voilà. Et Marie, la révélation de ce soir, YouTube. Et des vidéos. Marie va voir des vidéos sur YouTube. Ouais. C'est assez exceptionnel. Elle est trop forte. Marie, tu me demandes comment on fait, Marie. Ouais. Donc c'est arrivé moi aussi. François, c'est bien un problème de chaîne YouTube que t'as toi. Hein. Ouais. Moi, c'est pas une chaîne YouTube que je préfère, c'est la chaîne YouPorn. Hein. Très beau message du Genius sur SMS. Salut à toi, le Genius. Bienvenue. Les génies sont évidemment avec nous ce soir sur Skyrock. Moi, je veux voir Monsieur Panormal. C'est un très bon YouTuber, nous dit le câble HDMI de la PS4. Ah. Dites-nous, hein, Cédric ne va que sur la chaîne YouTube de Jerem Star. Ben oui, je sais. Je sais, Cédric est, Cédric est amoureux en secret de Jerem Star. Certainement pas, non. Et... Pardon, Cédric ? Non, certainement pas, non. Allez, fais pas ta mijaurée, va. C'est pas toi qui pleurais la semaine dernière parce qu'il devait venir prendre un bain avec toi et qu'il est pas venu ? C'est ça. Ouais. Ah, vous étiez à l'écoute la semaine dernière, vous l'avez entendu ? Tu l'as entendu, François, Cédric pleurer parce que Jerem Star le refusait de prendre un bain avec lui. Ouais, ouais, je l'ai entendu. Ah, tu vois, regarde. Je ferais caca dans ton bain. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il est pas venu, Jerem Star. C'est peut-être pour ça, ouais. Non, mais on est toujours sur le coup, Cédric, c'est vraiment. Non, mais t'inquiète, hein, on est toujours en contact. Tu vois, il y en a qui aimeraient rencontrer Rihanna, Eminem, Soprano, je sais pas, moi, vous aimeriez rencontrer PNL. Ouais, par exemple. Drake, Jules, ou je sais pas, moi, Beyoncé, peut-être. Eh bien, Cédric, lui, aimerait rencontrer Jerem Star. Waouh! Waouh! On va réaliser ton rêve, mon beau copain. Oui, et oui, nous allons réaliser ton rêve parce qu'on est comme ça et vous serez tout nus tous les deux dans le bain. Ouais, mais c'est dit, il a une touche avec Samy. Non, mais Samy, laisse-toi en dehors de tout ça. Laisse-moi tranquille. Samy, c'est juste le sosie officiel. Oui. Non, mais casse-toi. Samy ressemble à Jerem Star, mais ne rentre pas dans son bain. Au pire, je remplace, on prend un bain ensemble. C'est la doublure. C'est la doublure, ouais. Alors, Prime Fut, c'est une dinguerie sur YouTube. Moi, je suis pas trop sur les chaînes YouTube, en fait. Parce que quand je regarde YouTube, je suis dessus, puis après, je regarde ce qu'ils me proposent comme, comme autre, toi, tu aurais regardé une vidéo, par exemple, je ne sais pas. Romano, tu as envie de regarder une vidéo de salon de coiffure. Ouais, bah, ça me passionne. Et ben, après, je vais passer le week-end. Ça te propose plein de trucs. J'ai regardé tous les trucs de coiffure, là, les connasses, là, qui font des trucs sur YouTube. Les tutos, ouais. Ouais, les tutos, ouais. Ah, les tutos, c'est vrai que ça mourir de rire, ça. Ah, Marie, excuse-moi, tu en as fait. Oui, Ouais, c'est vrai, Marie, elle a fait ça. Les filles, Romano s'excuse également. Hein. Je vais sur la chaîne de Steel Horse. Il faut nous expliquer ce que c'est les chaînes sur lesquelles vous allez. Parce que moi, je connais pas tout. Non, Steel Horse. Ah, c'est Steel Horse. Je sais pas du tout ce que c'est. Lorenzo sur YouTube, dit Brandon. Bon, bah, dites-nous si vous allez sur des chaînes. Romano, tu as des chaînes préférées sur YouTube à part Non, moi, je regarde. Les buts des bleus, bam. Les attendais. Ça y est, c'est bon. Pogba, il a mis une frappe, les gars. C'est Pogba qui a marqué. Ah ouais, une de cette frappe, ma gueule. Il est même surpris ou quoi? Parce qu'il a pas bougé après. J'ai fait une tête du style, mais c'est moi. Non, mais... du style, regarde ce que je fais. Ah ouais, c'est ça. Regarde, je me la raconte un peu. Regarde. C'est vrai qu'il avait un peu de mal en équipe de France jusqu'à présent, Pogba. Attends, je me la donne un peu là. Et là, il a marqué un beau but. Bravo, ah ouais, bravo, Polo. Bravo, Pogboum. Bravo Pogba, mais 1-0. Pourtant, c'était touché par le goal des Pays-Bas. Il a pas arrêté. Ah, mais belle frappe. Ouais, belle frappe. Bam. Ah ouais, putain, la frappe. Bon, c'est bien. 1-0 pour les Français. Ça fait plaisir. Ça nous donc, ça nous donne donc un avantage. Pas mal pour la Coupe du Monde dans deux ans. On est en train de se qualifier, j'espère. C'est pas fini, encore plein de matchs. Hein. Mais France-Pays-Bas, c'est ce qu'on suit ce soir. Pays-Bas-France, plus précisément. Ouais. Oh, les bleus. Bon, alors, explique-nous. Alors, écoutez bien le problème de François avec sa chaîne YouTube. Tu fais une chaîne YouTube sur quoi, toi, François? Sur des vidéos. Sur des vidéos. Des gameplays. Des jeux vidéo, des gameplays. Ah. Ouais, des gameplays plutôt sur Minecraft. C'est original. Non, mais c'est vrai. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que ça, il y en a des millions. Il y en a plein, ouais. Ah, mais dans le monde, ouais, il y en a des millions. Il y a des millions et de chaînes. Et Yann égalera PewDiePie. Plus du cul, plus des pieds. Plus des pieds en français. Enfin, la traduction, vous savez pas ce que ça veut dire, PewDiePie. PewDiePie. C'est plus des pieds. Ouais. Est-ce que tu aimes, c'est qui que t'aimes bien en chaîne, enfin, c'est quelle chaîne que t'aimes bien en chaîne YouTuber. De YouTube, YouTuber et jeux vidéo. Ouais, des mecs qui font des gameplays, ouais. Ouais. PewDiePie. Référence. D3. PewDiePie, non? Défroid, ouais. Mais le chauffage. C'est la saison, Romano, hein. Il y a plus des pieds, il y a Geoffroy également. Non, il y a qui d'autre en chaîne que t'aimes bien en chaîne de mais c'est quoi c'est excuse-moi, je ne connais pas là Geoffroy là. Geoffroy c'est pas chaud. Hein. Ouais, non mais c'est un français le mec. Ouais, c'est un français. Ah d'accord, ouais. OK. It's a French guy. Mais genre il a combien d'abonnés lui? 13. Il a plus de 100 000. Ah ouais, quand même. Ah, 100 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Et PewDiePie, il a combien d'abonnés, PewDiePie, là? Ouais, lui, il en a, des millions, des millions. J'ai parlé avec, avec des mecs en Italie. Va, et va fanculo, Romano. Non, bah oui, ils m'ont dit ça. Je dis, oh, grazie mille. Grazie mille. Va fanculo, bastardo. Même en Italie, ils connaissent PewDiePie. C'est mondial, PewDiePie. PewDiePie. Mais il fait quoi, PewDiePie? Il fait des gameplays. Je crois que c'est un Suédois, mais c'est un, ah ouais, les Suédois? C'est un des leaders du monde entier, hein. Ah ouais, ok. Mieux que Squeezie et tout ça, quoi. Ah ouais, ah non, mais ouais, non, mon ah, c'est dans le monde, c'est all over the world, my friend. Ah, ouais. Ah, Squeezie, non. Oh. C'est pas dans le Squeezie, c'est français. Non, c'est français. Non, le mec, il parle français. Bah, il parle français. En Allemagne, ils comprennent rien, par exemple, à Squeezie, aux États-Unis. Alors, ah ouais, c'est vrai. Pas, lui, il parle américain. Ah, ouais, il est pas con, il est plus des pieds. Mais il est suédois. Ouais, il est du nord, là. Ah ouais. Suédois ou norvégien, je crois qu'il est. Il doit faire des sous, lui. Il doit faire des sous, puis des pieds. Et alors, donc, ton problème de chaîne YouTube, c'est donc quoi, François? Ben en fait, j'ai pas assez d'abonnés, je trouve, parce qu'en gros, ça fait 4 mois que je fais une chaîne YouTube. Ouais. Donc tu joues, tu te filmes en train de jouer, tu donnes ton avis sur les jeux, tout ça. Pas trop, non, je donne pas trop mon avis sur les jeux. Tu fais quoi, tu filmes, tu te filmes en train de jouer, c'est tout? Ouais, voilà, je filme. Ouais. Je suis en train de jouer, mais le problème c'est qu'en fait, ma caméra, c'est une tablette, quoi. C'est pas un AVerMedia ni rien. D'accord, ouais, bon, non, on va dire que c'est une chaîne YouTube un peu expérimentale, old school. Non, mais même, c'est chiant de voir quelqu'un jouer, là. À la roots. Bah, il y en a qui, ça marche. Mais il faut donner ton avis sur les jeux, c'est ça qu'ils attendent, les gens, non? Bah, ouais. Ouais, je pense, ouais. Ouais. Ah non, c'est pas ça, chiant. Mais après, ça dépend, mais tu joues tout bêtement, mais tu fais des commentaires? Ouais, je fais des commentaires et tout. Je joue avec des potes. Et t'as combien de followers sur ta chaîne? J'en ai que 20. Ah ouais. Ah mais c'est un début, quoi. Ah oui. C'est un début, oui. Effectivement. Là, c'est effectivement, tu es loin de PewDiePie. Ah oui, tu es loin de PewDiePie. Tu m'en trottines en 4 mois, ouais, c'est, oui. Alors, c'est normal que ça ne marche pas, sa chaîne. Dis-nous, Brahms, pourquoi c'est normal? Parce que tu dis c'est normal, mais t'expliques pas pourquoi. Dis-nous, Brahms, pourquoi c'est, t'as qu'à les payer, conseille pas cher. C'est vrai qu'il y a plein de mecs sur tous les réseaux qui payent des gens qui sont des faux gens. Mais enfin, PewDiePie, non, lui, c'est des vrais, hein, parce qu'il a vraiment un succès mondial. C'est 45 millions, il a, lui. 45 millions, il a PewDiePie, on nous dit sur les messages. D'abonnés, ouais. Ouais, 45 millions d'abonnés, 45 millions de followers. Pas, là, PewDiePie. Ah ouais, ça envoie du large, là. Voilà, PewDiePie est suédois, il a 400 millions d'abonnés, nous dit Volnet, 17 ans. Mais je crois que, de toute façon, c'est le mec qu'on a le plus, en tout cas, dans ce domaine. Vas-y, il y a un auditeur qui disait ça, ouais. Il est suédois. Et lui, il fait quoi, à part se filmer en train de jouer PewDiePie? Bah lui il fait ça, hein. C'est gameplay. Il fait ça, mais ouais, il donne des, je sais pas, il donne des conseils, tout ça. Il y a des trucs en plus peut-être. Non mais pourquoi, je sais pas, à vrai dire, parce que je ne parle pas américain, Marie. Ouais. Par exemple, un mec comme Squeezie, tu vois, il fait des tests, mais il fait de l'humour, quoi. Ouais. Tu sais, il fait des trucs marrants, tu sais, il hurle, il se filme chelou. Mais par exemple, Squeezie, c'est le mec qui filme pas avec une caméra. Il y a au moins 3-4 caméras, quoi. Ouais. Là, il fait c'est genre un studio de télé maintenant. Il fait Squeezie. Des effets spéciaux et tout ça. Et PewDiePie est bien suédois, vous nous le confirmez là, depuis tout à l'heure. Avant ça, il a bien commencé tout seul dans sa piole, j'imagine. Bah, c'est comme ça qu'il te commence, toi, François. Non, mais il le fait dans sa piole, Squeezie. Sauf que maintenant, il a du matériel pour dire, ouais, voilà. Bah, au début, il a forcément commencé comme François. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment on fait pour booster la chaîne de François? Si vous avez des idées, vous nous dites. Donc, il fait une chaîne YouTube. C'est des gameplays. Vous nous laissez vos messages. Vous avez des idées. Moi, je pense qu'il faut différencier des autres. Parce que les gameplays, il y en a des millions. Donc, pourquoi les gens viendraient te voir toi plutôt que quelqu'un d'autre? Alors, comment faire un truc en plus? Ouais, mais en même temps, c'est ce qui cartonne. Toi, ouais, mais il faut trouver une idée de plus. C'est vrai, un plus produit, comme tu dis, Romano. Se différencier, c'est pas mal. Le plus produit. Ah, bon, si vous avez. Ah, bah ouais, si tu fais un truc basique, des mecs comme toi, il y en a dans le monde, il y en a des millions, des millions. Dites-nous ce que vous aimeriez voir, vous, sur une chaîne YouTube. Vous nous faites signe, vous nous dites les gameplays. Et tout le reste aussi. On vous attend en direct. Tu bouges pas, François, t'as 5 minutes, hein, tu restes avec nous. Ouais, pas de problème. Bah, pas de problème. Pas de problème. Tu restes là. François, il a la voix de mon petit frère. Ah ouais, mais donc toi t'es dans le 06. C'est Tino du 06 qui nous laisse le message. Non, toi t'es à Amiens, t'es pas le petit frère de Tino. Hein. Va voir Tino, hein, le petit frère, il doit être dans la chambre. Et François est à Amiens. Bon, on suit ça en direct avec vous. Du son à écouter sur Internet. J'avais pas parlé de ce qu'on écouterait. On écoutera du Alonso. Ah bien. On écoutera du Ghetto Phénomène et du Jul. Maria, Maria. Et on va même commencer avec. On écoutera du DJ Snake et du Justin Bieber. On écoutera du Travis Scott, rap US, gros son de Travis Scott. Du PNL. Rap c'est franc. Un petit PNL. Ouais, très bien. Un petit PNL tout à l'heure. Je sais pas lequel on va se mettre. Hein. Bon, on se mettra du PNL avant minuit. Puis si vous avez envie d'écouter un truc, vous n'hésitez pas. Et vous nous laissez vos messages. Et dans un instant, on vous offre FIFA. Et on va aller faire un tour en France du côté des familles du double appel. Tiens. Allez, ouais. Et le clash à suivre tout à l'heure avec Cédric en direct de chez lui. Et les bleus, 1-0 pour les bleus. Allez, les bleus. The morning. morning show. Dans le morning de Diffoul sur Skyrock, on t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné Fabien. Ouais Fabien. Bravo Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une... Une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. De les 200 euros, on n'en parle plus. Hein. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui me Soprano? Soprano Baba. Non mais vous êtes un détranqué ou quoi alors? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le morning de Diffoul tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. Tic-tac, tic, c'est l'horloge biologique qui s'emballe. Parents, au 71777, quand aurez-vous un bébé? Très bientôt? Pas tout de suite. Parents, P-A-R-E-N-T, au 71777. Nos experts vous diront quand, vous diront combien. Un bébé? Votre enfant? Parents, au 71777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Niska. Après le tube Mustapha Jefferson, découvrez le nouveau single de Niska, Elle avait son Joe, featuring Maître Gims. Niska, son premier album, Zifukoro, toujours disponible. Sont les caïds d'une cité. Ouais, je suis cool, ambiance. Lui est un sans-abri. Un clochard, frère. Tous les opposent. Un jeu va les réunir. C'est marrant, votre jeu. Jouer. La pièce, les derniers seront les premiers. Avec Dawala, Dry, Black M, Thibaut Viel, Fabi Gerba et Tony Life. Est-ce que t'en as une de pièces? La pièce, les derniers seront les premiers. La partie commence mercredi au cinéma. Avec Skyrock. Concert. Schoolboy Q. Il vient du collectif de Kendrick Lamar et 2 Chainz et signe un featuring avec Kanye West. Okay. Schoolboy Q. Le nouveau phénomène US en concert avec Skyrock. Viens découvrir Schoolboy Q le 29 novembre au Zénith de Paris avec Skyrock. Skyrock, premier sur le rap de Schoolboy Q. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Yax. Skyrock. Kanye West. Your love is fading. I feel it. Son nouveau single, Fade. Hold up. Kanye West, album et single disponible uniquement en digital. Quand on aime, on ne compte pas. Mais avec Miniservice, quand on aime, on compte. On compte sur le savoir-faire des experts, on compte sur la qualité des pièces et grâce à des prix bas, on compte les économies réalisées. Et ça, ça compte, non? Ceux qui aiment leur mini, choisissent Miniservice. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés mini participant à l'opération. Liste disponible sur mini.fr. Mene. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Mythique. Et Radio Libre sur Skyrock, c'est reparti avec Ghetto Phénomène et Joule. C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, Diffoul Radio Libre. Radio Libre en direct. Ouais, et en direct, on est là jusqu'à minuit. Et tout à l'heure, on vous offrira vos places pour aller voir Joule. Les concerts de Joule à gagner sur Skyrock. Premier sur le rap, premier sur Joule. Fais pas les données. La maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît. Fais pas les données. Oh, la maman maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît. Je reste fidèle au Paris, yo. Ils ont mis l'œil sur ma gari, yo. Je t'ai rien fait, tu me salis, yo. Oh, Maria, Maria. Qu'est-ce que t'as dans pour le marier? Oh, Maria, Maria. Mon chemin, je ne pense pas à demain. Tu es tout le temps là à te plaindre. Tu es comme moi, tu as deux jambes et deux mains. Qui t'a fait ça, je peux pas dire. T'inquiète pas, toi tu verras pire. Je sais même plus ce que je dois faire, mais je sais que tant demain je peux partir. Je sortais de la zone, je cabrais dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des. mis du Gucci. Fais pas les données, oh, de la maman maille, ouais, il m'en fout, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Fais pas les données, oh, de la maman maille, ouais, il m'en fout, tu le sais qu'on connaît. Oh, on connaît, connaît, connaît. Je reste fidèle au Paris, oh. Je reste fidèle au Paris, oh. Ils ont mis l'œil sur ma gari, oh. Ils ont mis l'œil sur ma gari, oh. J't'ai rien fait, tu me salis, oh. J't'ai rien fait, tu me salis, oh. Oh Maria, Maria, qu'est-ce que t'attends pour varier? Oh Maria, Maria, qu'est-ce que t'attends pour varier? Qui représente le ghetto phénomène? Skyrock Jul et le ghetto phénomène, on écoutait Maria Maria. Default, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, on est en direct sur Skyrock, on essaye de solutionner un problème, de résoudre une énigme. Pourquoi François et sa chaîne YouTube sur les jeux vidéo n'a que 20 followers? Une chaîne depuis YouTube pour les 20 followers, ce que tu peux faire, c'est envoyer les vidéos directement à tes potes. Hein. Ouais, et puis, t'as pas de non, mais déjà, tu pourrais dire à tous tes potes et tout ton bahut de s'abonner à toi. Déjà, bah, c'est ça ferait du monde. Eux. Alors, comment faire dans ces cas-là? François, t'es là? Ouais, je suis là. C'est bien, François. C'est alors, quoi ton nom de YouTuber? On demandait le nom de ta chaîne YouTube. Fais-lui de la pub à Skyrock, comme ça il aura plus de monde. C'est vrai que c'est une bonne solution. C'est une solution qui a été donnée par plein de monde. Il y a Mehdi qui nous en a parlé. Il y a PS4 Fan qui nous a laissé un message. Il y a Koud également qui nous a dit fais-lui de la promo sur Sky. On va lui faire de la promo sur Sky. C'est quoi ta chaîne YouTube, François? Bon, le nom est un peu compliqué. Ah, déjà, déjà ouais. Ça vient peut-être de ça. Ah, déjà, ouais, non, mais. T'accumules. C'est quoi le nom compliqué? Ouais, vas-y. Bah, vas-y, donne les noms. Moi, je connais pas le nom compliqué. Je ne fais pas encore partie de tes 20 followers, François. Non. Alors, ça s'appelle Creepy Cobra des 80 000. Je n'ai absolument rien compris. Donc il faut changer de nom. Faut déjà que tu prennes un nom plus simple. C'est Creepy quoi? Oui. C'est clair. Creepy Cobra des 80 000. C'est Creepy Cobra qui a fumé de la weed. Ouais, c'est un peu compliqué le nom, réduit. C'est long et tout. Ouais, un truc plus simple. Tu vois, déjà, crée une autre chaîne YouTube, de toute façon t'as 20 followers, c'est pas grave si tu les perds. Bah, sinon tu peux même changer de nom, je pense. On va t'en ramener plein. Tu peux changer de nom. Hein. Ouais, tu peux changer de nom. Ouais, c'est vrai. Bah, garde les 20 on sait jamais, hein. Des fois que t'en perds dans la bataille. Il y a Brandon du 80 qui nous donne plein de conseils. Il faut de la pub, varier les games. Ah, bah, la pub, il faut payer. Hein. Minecraft, c'est trop ennuyeux. Il faut de la pub, des directs Facebook, des tutos. Il faut donner plein de conseils. Et PewDiePie, il a du succès parce que c'est pas du tout, c'est pas seulement gameplay. Non, non, il fait tout. Il fait du monde, par exemple, il teste sa bagnole, tu vois, il a acheté une bagnole, il la teste. Il a fait des vidéos humoristiques sur les jeux vidéo, il fait plein de trucs. Lui, et ce qu'on nous disait, c'est que lui, bon, là, comme beaucoup, la chance qu'il a eue, en fait, c'est qu'il a commencé au tout début, quoi. Ça a été un des premiers à le faire, donc. Le problème, c'est qu'ils sont des milliards aujourd'hui. Regarde, il y a Yissou. Il a 26 ans, mais il a pas tort. Il dit arrête ta chaîne YouTube. Non, mais arrête. Tu perceras jamais des vidéos Minecraft. Il y en a des milliards et des milliards et des milliards. Non, mais bon, après, ça t'éclate, continue. Il y a eu des messages aussi en disant qu'il fallait au moins un an. Pour avoir du monde. Ouais. Ah, je sais pas. Et qu'il fallait pas filmer avec la tablette. Alors ça, je sais pas pourquoi. Ah, Océane. Ah, ouais, ouais, on a vu plein de messages. Non, mais c'est pour la qualité. Ouais. C'est la mi-temps pour le match. Océane nous dit achète une bonne caméra de qualité pour lâcher des vidéos de qualité. Hashtag investir. Ah, bah, c'est ça alors. Bah, c'est clair que si tu regardes une vidéo et que le machin il tremble dans tous les sens, bon. Ouais, c'est tiens, 30 secondes déjà, t'as le mal de mer. Ouais, t'as envie de gerber. Bon, c'est la mi-temps du match de foot là. Les Bleus gagnent 1-0 pour l'instant. But de Pogboum. Paul Pogba qui a marqué. Bravo Pogboum. Qui a marqué, qui a tiré une patate tout à l'heure. Bim. Ouais, et qui a marqué. Il mérite bien son nom de Pogboum. Eh bien, tout de suite, on va vous demander quelle est la note que vous mettez aux Bleus pour cette première mi-temps au 41-7-5-9 et sur la piste Skyrock. On met des notes aux Bleus, on met des notes à la mi-temps, on mettra des notes à la fin du match. Combien vous mettez pour la première mi-temps, et puis quel est le joueur qui pour vous a été le meilleur pour l'instant? Vous pouvez nous envoyer tout ça au 41-759 sur la piste Skyrock. On va mater vos messages et surtout on vous donnera les résultats de notre grand sondage express. Sondage express, la note des Bleus sur Skyrock pour ce soir. Quelle note vous mettez? 1-0 face aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont pas faciles, on les avait battus. Rappelle le dernier match, Romano. Exact. Mais effectivement, je me rappelle. On perdait 2-2 à la fin du match et ils ont réussi à marquer un troisième but. Les Français, on a gagné. C'est un match amical. Ouais. On a gagné 3-2, mais c'était limite. Moi, je mets 13. Tu mets 13. Ouais, moi 13 aussi. Et je dis Pogba parce que forcément, j'ai pas trop regardé. Ouais, c'est le seul aussi, qui a marqué. Bah, il a marqué. Donc vous avez vu sa patate? Ouais. Bon, donc le meilleur Pogba et 13 pour la Marie et Romano. Vous êtes d'accord tous les deux? Ouais. C'est mignon, hein, dis donc. Bah, hein. Bon, ça arrive quand même de temps en temps. Pas mal. Quelle note tu mets, Karim? Moi, je mets 12 sur 20. J'allais mettre comme toi. Pourquoi vous mettez que 12 tous les deux? Bah, parce que la folie, ouais, c'est pas la folie. Bon, il y a 1-0, ils font un bon match, ils tiennent bien. C'est les Pays-Bas en face, mais les Pays-Bas, c'est plus les jeune Pays-Bas équipe, d'avant, là. Tu vois. Ah ouais, ils sont en reconstruction. Ah bah, exactement. J'ai vu ça dans Téléfoot hier matin. C'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai. Ils ont eu quelques problèmes, les Pays-Bas, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout les vieux, ils sont partis. Ils sont partis, ouais. Les nouvelles générations, il faut le temps qu'il y ait des automatismes qui se mettent en place. Ils ont eu les mêmes problèmes que nous, on a connus quand il y avait Domenech, par exemple. C'est ça, ouais. On a eu un petit creux, hein, l'équipe. Non, mais on n'a pas eu les mêmes problèmes. Ouais, parce que avec Domenech, il y avait des joueurs expérimentés. Et là, les Pays-Bas, c'est vraiment une équipe jeune, hein. C'est un truc de ouf. Bon, on va mater ça. La deuxième mi-temps dans un instant. Et vos notes, là, pour le match de foot. Je mets 13 pour Ino. Eh bien, c'est noté Ino. Il y a Brad qui met 13 aussi. Ah, le 13 revient souvent. Et ma note à moi, tiens, je vais mettre un petit, je pense que 13, c'est bien. Et je vous signale quand même que les amis hollandais n'étaient même pas à l'euro, alors. Ouais, c'est vrai. Même pas qualifiés, c'est vrai. C'est vrai, les pauvres. Niveau, ouais. J'ai vu ça, tout ça dans Téléfoot. Bon, allez, un 13 pour, 13 pour moi et vos notes, et on vous donnera la note moyenne que vous avez laissée. Bon, faut faire de la pub, on nous disait à François. Tiens, j'ai les François, 5... on va mettre le lien à ta chaîne YouTube sur tous les réseaux de Skyrock, tu vas voir. Nous, on est à 2,5 millions sur Facebook, donc ça va te faire du monde. Normalement. Ah, t'es content, François? Si tu fais pas que de la merde. Il est content. Et l'année dernière, PewDiePie, là, en 2015, il a gagné 10 millions d'euros. Ça va. Ah, PewDiePie est riche. Ouais. En un an, hein. Eh ben, c'est pas mal. Parce qu'il y avait, vous savez, le magazine Forbes. Oui, le magazine sur les plus grandes fortunes du monde que Romano lit toutes les semaines. Ils ont sorti il y a quelques mois, là, le premier classement des youtubeurs mondiaux. Ah ouais. Deuxième, c'est Smosh. C'est Smosh. C'est Smosh, sponsorisé par Cédric. Cédric, c'est ce que j'allais dire. Ah, Cédric, tu es là. Eux, ils ont lancé des live action sur les jeux Pokémon. Ils ont quand même gagné 7,5 millions d'euros. Troisième, c'est les Fine Brothers. Les Fine Brothers! 7,3 millions d'euros. Eux, ils filment des gens qui commentent les youtubeurs, en fait. Je comme une merde et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Marrant, ça, ouais, c'est ensuite, il y a Lindsay Stirling. Ouais. 5,2 millions d'euros. Mmh. Alors, elle danse en jouant du violon. Et elle fait combien? 5,2 millions d'euros. Hey, tu sais pas jouer d'un instrument, tu te mets à danser, François, et à mon avis, tu vas te faire des. Non, mais en fait, elle est dans plein d'endroits différents et elle danse en faisant du violon. Et c'est la quatrième meuf qui gagne le plus de thunes sur YouTube. Bravo, ma chérie. Ouais. Et les deux derniers, c'est Rhett et Link. Ah, Rhett et Link. 4 millions d'euros. Et ils font quoi, eux? De l'humour. D'accord. C'est un duo d'humoristes. Et a priori, c'est parce que ça cartonne, a vu 4 millions d'euros. Mais il n'y a pas un français là-dedans. Non, c'est un premier. Je suis sur Snap, moi. Et sur Snap, vous laissez des messages. Il y a Emeline qui te donne un conseil. Les gameplays, tout le monde fait ça. Trouve autre chose, man. Essaye de trouver autre chose. Ou alors gameplay originaux. Hicham, il faut qu'il ait une bonne qualité d'image. Si c'est pas beau l'image, les gens y vont pas. Merci Hicham. Et Maxence aussi sur Snap, Skyrock FM. Le Skyrock FM pour Snap, pour Facebook, pour tout. Faire des vidéos très régulièrement, il faut tenir le rythme. Ah, une vidéo par jour. Et pour Squeezie, il tourne pas dans sa chambre, mais c'est dans un studio maintenant. C'est Dabber qui nous dit ça. Dabber, 18 ans. Ah ben nous, là, moi je l'avais croisé quand c'est on avait été au manoir de Paris l'année dernière là. Squeezie. Parce qu'il faisait une vidéo justement, lui pareil, il fait plus que des gameplays, il fait d'autres trucs. Mmh. Et il faisait une visite là, au manoir de Paris, la maison hantée dans Paris là. Oui. Le mec il était avec deux caméramans, lui il avait un matériel de ouf sur lui. Ah ouais, non, mais c'est un truc de pro. Hein. T'as l'impression que c'est une chaîne de télé le gars. Ah oui, non mais ouais, il est super bien équipé. D'ailleurs tu vois les vidéos, tu sais, il y a le montage et tout, c'est vachement bien fait. Hein. On le salue Squeezie d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, on l'avait croisé. Hashtag Squeezie, hashtag Skyrock, hashtag Radio Libre. Hashtag super soirée qu'on kiffe grave d'enfer sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale. Ça y est, t'as plus de caractère. Et Squeezie, Squeezie, c'est le troisième youtubeur français. Pas mal, c'est qui, Squeezie. Le premier, c'est qui? Cyprien. Cyprien, deuxième, c'est Norman. Ah. Ouais. Et t'as pas l'oseille qu'ils font, hein? Non. Mais eux, en fait, ils ont fait beaucoup d'oseilles l'année dernière parce qu'en fait, ils ont revendu leur boîte. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils ont fait. Et je crois qu'ils auraient récupéré entre 4 et 6 millions chacun. Ah, c'est pas mal, maintenant, hein. Norman, il joue sur scène, en fait. Ouais, puis il va être sur TF1 aussi. Ah ouais? Oui. Il avait fait un film. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il a fait une petite série sur TF1, Norman. C'était que Paranorman, c'était quoi? Je sais plus. C'était un film Sky, en plus, je me rappelle plus. Oui, mais c'était ça, c'était Paranorman ou un truc. C'était genre un truc Paranormal Activity, mais avec son nom à lui. Bon, en tout cas, ta chaîne, on va te faire de la pub, donc tu vas être content. On met un lien avec ta chaîne, François. Ouais, déjà, faut qu'on comprenne. Vous allez voir, vous. Et puis, soyez sympa, il a 20 followers, hein, qu'il en ait 25. Mais ouais, qu'on l'aide un petit peu. Non, mais tu vas voir du monde. On met son adresse, Romain, des réseaux sociaux. J'ai pas compris le nom. Bah, non, mais c'est ça. On va te passer François, et comme ça. Il va te le dicter. Oui, et sinon, trouve un nom plus simple, peut-être, François. Pour ta chaîne. Pas de problème. Bon. Ah, tiens, j'ai la thune. Ah. Alors, Romano a la thune. Alors, en fait, je vais te mettre une musique que t'aimes. C'est les conseils, pas chers. La musique bien de l'argent, cher, oui. Là, c'est bien cher. Ouais. Là, je vous disais, en fait, Cyprien, Norman et Squeezie, ils ont vendu leur boîte. Moi, je suis pas Norman. Oui, ça, on sait bien. Physiquement, ouais. Au niveau du visage. Et mon zizi non plus, il est pas Norman. Et ton trou du cul aussi. Oh, le trou du cou, il est pas Norman. Mais mon zizi va trop vite. Je suis précoce, en fait. Eh oui, c'est vrai. On présente les précoces. Eh oui, le zizi va trop vite. Tout est normal, t'inquiète pas. En fait, tout est normal. Ouais, bah, pour bien toi, voir, ouais. Bien. Mais ton trou du cul, non, il est normal. Il est pas normal, l'autre, ce connard m'a envoyé sa merde. Oh, ah, ça, c'est Cédric. Oh, je l'avais promis, ça va. Ah, t'es un sale. Pourquoi t'envoies ta merde à... T'as des problèmes avec ton caca, Cédric? Ah, dégueulasse. Non, mais il aime bien ça, lui. Non, mais regarde, en plus, il y a une explosion de trucs. Le caca, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a des taches de merde. Voyez le trou? La cuvette du chiotte, imaginez. Elle est tachetée. Ah, mais ouais, mais tu sais, genre, il y a un moustache, quoi. Non, mais c'est ignoble. J'en ai refait une autre, là. Ouais, bah vas-y, envoie. Non, mais tu chies toutes les 10 minutes. Et l'autre, envoie. Je suis encore aux toilettes. Tiens, les débiles, il faut les aider, ça leur fait plaisir. Envoie ta. Bon, attends, je voudrais passer à ma thune. Ouais, alors parlons d'argent maintenant. Allez. C'est quand même un peu plus intéressant, quoi. Oui. Bon, Cyprien, il a touché 6,6 millions d'euros. Mm-hmm. Squeezie, ah ouais. 4 millions. Ah ouais. Norman, 2,2 millions. Et après, il y a d'autres youtubeurs qui étaient dans la team qui en ont touché aussi. Il y a Hugo tout seul. Ah, Hugo. 221 239 euros. Mm-hmm. Natou, 221 239 euros. Et John Rachid. Ah lui, il s'est fait baiser dans le lot. 110 619 euros. Ah, c'est le pauvre. Moins connu, lui. C'est il le pauvre marrant, de la bande, John Rachid. On salue tous nos amis youtubeurs. Et en plus, ils en auront sans doute en plus de l'oseille. Eh ben écoute, j'espère pour eux tant qu'à faire. Hein. Bah oui, bah, c'est clair. Bon, ce qu'on va faire, donc tu nous tiens au courant, peut-être que dans un an tu nous rappelleras et tu seras millionnaire, François, grâce au lien qu'on va mettre sur tous les réseaux de Skyrock, le diffool.skyrock.com et tout le reste aussi. Donc c'est pour toi, François. Sinon soigne un peu les images, soigne un peu tout ça, c'est bien. Ouais, on lui disait qu'il fallait que t'aies il y a un nom, je sais plus comment c'est. Et le concept aussi. Professionnel. Oui. C'est genre que t'aies un jingle au début et à la fin, tu vois. Ah ouais. Il y a un nom, c'est comment ça s'appelle Attends, il y a Romain des réseaux sociaux, il veut te dire ouais. Des conseils. Alors vas-y. Mais non, mais c'est vrai que Norman, Cyprien et tutti quanti, ils ont tous commencé avec un iPhone 4 ou un iPhone 5. Ouais, donc ils n'avaient pas forcément du grand matériel au départ. Grand matériel. C'est le concept. Mais voilà, c'est le concept. Ouais, mais c'était là au début et aussi. Il faut que ça soit liché quand même. Il ouais. Faut pas que ça soit fait avec une webcam. Il faut quand même que ça soit beau. Que ça soit propre. Que ouais. Ça soit propre. Soit joli à regarder. Ah, il faut mettre une intro et une outro. Une outro et une intro. Intro, outro. Tout le monde et se. Ouais. Par copier en fait, aller dans son univers et se créer un univers. C'est ce que tous les youtubeurs font. Ah, pas mal. Se créer un univers. Se créer un univers. Non, mais ouais. Pourquoi pas créer des trucs originaux? Regardez, Obama qui vient nous laisser un message parce qu'il nous écoute, Barack. Salut Barack, on te salue. Pourquoi pas faire des jeux vidéo avec tes potes, mais complètement à poil? C'est original, ça n'a pas été fait. Oh bah super! Tu joues complètement nu avec tes potes, tu fais venir des copines, tout ça. Après, c'est YouTube, c'est un univers, ça passera ça. Pas. Ouais, ça c'est cool. Hein? YouTube, ça passera pas. Ah ouais, pas de nudité sur YouTube. Non, mais moi j'aurai un concept, tu vois. Tu vas sur YouPorn. Je devrais lancer une chaîne, bah ouais. Je ferai une chaîne un tuto maquillage mais par un travelo. Tuto maquillage Travelo, très bonne idée. Ça t'intéresse, François? Non, mais après, t'es maquillé comme un Travelo. Est-ce que ça t'intéresse, François? Bah. Non, mais au moins. Si c'est pour avoir des gens qui me suivent, il n'y a pas de problème. Et hein. Tout. Mais fais-le avec Pamela, gros. On vient de faire un travail. Non, mais c'est vrai. Plutôt que les Angel Phoenix et les ananas, là. Ouais. Les ananas. C'est quoi, ça, ananas? Ananas, là. Tu sais, les youtubeuses qui font des tutos maquillage. Ah oui. C'est des meufs, tu sais, bah, tu te fais faire travesti, moi, je trouverais ça marrant, tu vois. Et je suis limite, je pourrais regarder, moi. Bah ouais, c'est vrai. Moi, je danse sur ma chaîne YouTube. Mets le nom de ta chaîne YouTube, si tu veux. Je danse sur ma chaîne YouTube. Et j'ai déjà 1800 abonnés. Ah, c'est pas mal. Putain, c'est pas mal, ça, dis donc. Ouais. Donc, c'est l'inconnu. T'as même pas laissé ton pseudo, ni le nom de ta chaîne YouTube. Mais maintenant qu'on aille te voir danser, qu'on rigole un petit peu, là. Bon, bah écoutez, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis, faites-nous en part. On en reparlera à François. Merci, François, du coup de fil. De rien, pas de problème. Et tu nous tiens au courant, tu vas avoir du monde. Hein. Ouais. On te repasse Romain des réseaux sociaux. Oui, il va prendre ton. Le nom. T'es pas dans la merde. Ouais, c'est ça, ouais. Difool. Oui. Est-ce que je peux faire une dédicace? Allez, dédicace, vas-y, on t'envoie le t-shirt Skyrock et on va attaquer le double appel. Et pour les bleus, on est en pleine mi-temps et je vous donnerai la note que vous êtes en train de mettre au bleu. Il y a plein de messages. Kovano, il met 11, 13. Et le meilleur joueur, c'est Pogba pour la casette. Moi, je mets 15 pour les bleus, c'est Fredo. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Le branleur, il dit la France va gagner 2 à 1. Ah, mais t'as pas mis de note, le branleur. Ma grosse bite dans Marie, 15 ans, qui nous dit 15 sur 20 pour les bleus et Pogba, meilleur joueur. C'est bien normal. Je vais être original et dire Kurzawa, simple, efficace. Efficace à gauche, nous dit Dark Walls. Et 13 pour les bleus. Il a joué où, lui? Pour les bleus. À gauche. Ah, pour les bleus. D'accord. Il pense que c'était un Hollandais. Arrière-gauche, ouais. 11 et Payet, meilleur joueur pour anti-OM, anti-Paris, anti-OM. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? 12, c'est pour The Giant Team. Je mets 12 car il y a eu quelques erreurs défensives. J'aime bien quand vous mettez vos petits avis là. 11 pour Kev. On va voir la note que va nous sortir la moyenne de vos notes pour les bleus dans un instant. Petite dédicace, vas-y vite François. Alors je fais une dédicace à Charlotte. Normalement, elle doit m'écouter. Bonjour Charlotte, fais venir des copines sur sa chaîne YouTube. Vous êtes 20 pour l'instant. Il est en galère là. Ouais, il galère, il rame. Eh ben c'est noté. Alors, petite dédicace pour Charlotte. Bah, merci à toi, François. Ah, c'est fini. Okay. Et pour la suite, il y a Flo qui est en direct avec nous, qu'on va prendre. Et puis les familles du double appel, on y va. On va les mettre en contact. Merci pour les numéros que vous nous laissez tous les soirs dans la radio libre. Des numéros que vous voulez qu'on appelle en direct. Vous pouvez encore en laisser, là. On va les tester et on appelle dans quelques secondes. Flo en direct de Vannes. Bonjour, Flo. Bonjour, équipe. Salut Flo. Comment ouais, va Flo? Ça va quoi? Bah, écoute, ça va bien, Flo. Bienvenue sur Sky. Qu'est-ce qui t'amène, toi, Flo? C'était pour le foot. Ah, tu veux donner une note au bleu? Ouais, une note, ouais. Alors, tu mets quelle note au bleu, toi? Moi, je mets 14. 14. Ah ouais, bonne note, toi, pour les bleus, donc. Ouais, 14 pour les bleus. Pourquoi tu mets 14? Et le meilleur, Pogba, d'accord. Ouais, Pogba, ouais. Et pourquoi tu mets 14 pour les bleus? Ah, il a fait un beau but, Pogba. Ah, t'as le but de Pogba, t'as fait remonter la note des bleus, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, je vais vous donner la note d'ici quelques instants, la moyenne des bleus pour la première mi-temps, puisque vous avez voté comme des oufs. Eh bien, la moyenne arrive d'ici quelques instants. On rajoute ton 14 à la note des bleus. Et ton joueur préféré, c'est qui, toi, Flo? Moi, c'est Griezmann. Griezmann, Grisy, Grisou, Toujours. Grisy, Grisou, également appelé petit gros par sa copine. Ouais. Très bien. Bon, c'est noté, Flo. Et puis, reste bien à l'écoute, parce que dans un instant, on va vous faire rire FIFA 17, je vous l'ai promis. Petite question pour gagner FIFA 17. Allez, préparez-vous. C'est dans 5 minutes. Le temps de filer chez les familles du double appel. Ah oui, on débarque en France. Merci Flo, hein. Et on t'envoie le t-shirt Skyrock. A bientôt Flo. Salut Flo. À bientôt. Et ciao. La moyenne des bleus, elle arrive. Et les familles du double appel, ils sont là. Moi j'ai fermé tous mes volets et j'ouvre plus, hein. Ah non. Bah écoute, hein. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Après je vais devoir refaire tous mes carreaux, la zut. Le double appel de Difool sur Skyrock. J'ai vidé mes couilles là. Espèce de petit con, petite salope. Ah ouais Patrick, faut pas vider tes couilles sur les carreaux, ça fait des taches. Ah après. Bah ouais, après la dame elle est obligée de faire zut, hein. Bah oui, après il y a des traînées partout sur les carreaux et la dame elle est obligée de refaire ses carreaux quand elle ouvre ses volets. Bah oui. Alors j'ouvre plus les volets, ça doit être sympa. C'est marrant, hein. Marche, oui, ça va être sympa. Bon alors ce qu'on fait comme d'habitude, on prend des numéros. Les numéros que vous nous avez laissés, on les prend au hasard. Des numéros différents à chaque fois. Je vois que tu as des Victor, des Thibaut, des tantes de Linda. Appelle ma tante, c'est une folle. Très bien. Pourquoi pas la tante de Linda? Il y a des Cyril. Bon vas-y, fais les deux premiers. On va commencer par un Cédric. Un Cédric. Oh, un Cédric. Et un Yves. Un Cédric comme notre Cédric qui sent mauvais de la bouche. Non, je sens pas mauvais de la bouche. Ah bah si, Romano m'a dit que l'autre jour c'était ignoble. Allô. Allô. Autant que tu pues du cul. Allô. Et toi, je t'emmerde, espèce d'enculé. Ah, attendez, non. Attendez, bougez pas, ne parlez pas comme ça, madame. Je crois qu'on est piraté. On va avoir un problème avec notre ligne. Allô. T'as fait foraine double appel, Romano. Tu l'as dit pile poil. Ah bah ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la dame? Je sais plus avec toi qui parle. Toi, tu vas te faire enculer. Mais ouais, mais c'est pas gentil d'être. Bah, non, mais j'étais en train de parler à Cédric. Non, mais la dame, elle est pas gentille. Ah ouais, non, mais je rappelle du coup. On disait rien de méchant, qu'est-ce que tu disais sur Cédric? Bah, je disais qu'il pue de la gueule. Ah, elle est arrivée, donc on disait. Du cul. On disait plus de la gueule, plus du cul. Ouais, la dame, elle était gentille. Du cul. Bah oui, c'est des trucs qui. Ça l'a bloqué, là. Bon, on en rappelle deux. Vas-y. Allez, c'est reparti. On oublie la dame, là? Allô, oui, allô. Oui, c'est la dame. Allô. Oui, non, c'est pas la dame, non. Ah bah pourquoi vous nous appelez, monsieur? Bah oui, il faudra arrêter maintenant. Hein. Arrêtez de nous appeler, parce qu'on est plusieurs sur la ligne. Là, ça commence à bien faire. On regardait le match de foot. Et là, le téléphone n'arrête pas de sonner chez nous. Je sais pas ce qui se passe. Non, on vous appelle pas. Mais vous entendez pas une sonnerie qui sonne là derrière? Oui, j'entends une sonnerie, effectivement, mais on vous appelle pas. Bah écoutez, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe. Ça sonne. Et nous, on n'arrête pas d'avoir des coups de fil un petit peu bizarres ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Écoutez, je comprends pas la raison pour laquelle. Bienvenue sur la boîte vocale. Bah, vous entendez là? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est le monsieur qui nous appelle. Ah, il y a ma chérie qui est en train de dire que c'est vous qui nous appelez, monsieur. Non. Ah bah si, notre téléphone sonne, on décroche nous. Hein. Bah oui. Ma femme m'a perdu son sang-froid. Vous imaginez? Bah je sais que votre femme a insulté ma femme. Ah oui, quand même, un peu de tenue. Hein. Oui. Elle a traité je crois pas que c'était votre femme en fait. Ouais. Je crois que c'est vous qui avez eu au téléphone, non? Ah peut-être, je sais pas, mais là, en tout cas, elle l'a traité d'enculé et ma femme est en train de. Et ça, je l'ai très très mal pris. Et elle l'a très mal pris, elle est en train de pleurer. Donc. Vous savez ce que je fais. Moi, j'essaie de faire un maximum de pédagogie, même avec ma femme. Hein. Mais vous avez raison, mais les femmes sont pas faciles à supporter. La mienne, par exemple, est très pénible, elle est chauve. Oui, ah bah en plus, vous avez pas de chance. Non. Mais si votre femme est malade des nerfs, faites-la soigner, hein. Il faut que je la fasse soigner. Non, elle est pas malade des nerfs en fait. Elle est juste un petit peu sensible en fait. Si je l'entends derrière, elle est en train de glousser comme une poule. Ben effectivement, elle glousse comme une poule. Elle était complètement vautrée sur son canapé. Ouais. Effectivement, ça lui a pas du tout. Comme un baléno. Il a fallu que je sorte de mes toilettes pour intervenir et prendre le téléphone. Ah bah tiens, moi je vais retourner. Le caca fait bon. Très bien. Ma foi. Je peux vous passer ma femme si vous voulez, parce qu'elle n'en peut plus, elle est à bout de nerfs, elle est à bout de nerfs, elle est Mais votre femme a l'air d'avoir une voix assez grave. Ouais, mais ne dites pas ça, ça la vexe à chaque fois. Allô? Ah bon? Je vous la passe. Allô, oui. Monsieur? Oui. Oui, il faudrait cesser de nous appeler, s'il vous plaît. Hein. Oui, vous êtes une dame ou vous êtes un monsieur? Je suis une dame. Oui, c'est ah, d'accord. C'est ma femme chauve. Oui, je suis la femme chauve, mais j'ai mis ma perruque, je suis blonde et brune ce soir. Oui. Et vous êtes un couple exceptionnel. Ah, exceptionnel. Merci de me dire. Ça fait plaisir. Tu vois, ma chérie, je t'avais dit. Mais ne c'est pas la meilleure. De quoi? Mes trois doigts. Ah, est-ce que vous connaissez. En plus, à ce que je vois, très ouverte. Oui, elle est très ouverte, mais elle n'a que trois doigts. Trois, one, two, three. Ah, elle n'a que trois doigts, pardon, ouais. J'avais pas compris. Et trois doigts par main et pied. Oui, ça m'en fait six quand même. Six avec les deux mains et ça en fait 12 avec les pieds. Voilà, c'est des calculs à cet temps-là, c'est compliqué un peu pour moi, hein, c'est clair. Vous avez regardé le match de foot, vous? Mais vous êtes où? Non, pas le match de foot. Vous êtes où, vous? Ah bah, nous on est... Non, on est dans notre salon. Dans notre salon, en train de regarder non, la télé. Non, mais vous êtes de quelle région? Ah, nous, on appelle du Pérou. Ah, vous appelez du Pérou? On appelle du Pérou, et je suis avec mon pancho. Vous parlez très très bien français, alors? Oui, parce qu'on a fait des études, on est très intelligent dans la famille. Oui. Alors, mais est-ce que vous savez où vous appelez, là, exactement? Ah, pas du tout. Bah, nous, on n'appelle pas, je vous dis, c'est notre téléphone, il sonne à chaque fois. Eh ben alors, votre téléphone, il sonne à Ajaccio. Ah, vous êtes en Corse? Et on est en Corse. Oh, c'est magnifique, j'adore la Corse. Ah, ben voilà. Vous savez que ma femme adore la Corce? Ah, j'adore. Oui, oui, elle se met des 12 un petit peu partout dans tous les trous qui traînent. Ouais, j'adore. Ben écoutez, c'est l'île de beauté, hein, comme on dit effectivement. Hein. Ouais, comme je sais ma femme. Pas si vous connaissez, Ajaccio, mais... magnifique. Effectivement, on est... Et en ce moment, on a un bel été indien, quoi. Bon, ça s'est rafraîchi, mais enfin bon... Très bien, bah, comme ça, on a un petit point sur la météo. Bonjour à l'été indien. Ouh voilà, tout à fait. Bonjour à l'été indien, tout à fait. Voilà. Bon, ben vous êtes sympathique, mon bon monsieur, hein. Eh ben écoutez, hein... Par contre, vous essayez de ne pas rappeler? Je vais essayer, effectivement, de ne pas rappeler. On va essayer que mon téléphone ne puisse pas sonner en même temps que le vôtre. Et... Ouais, alors, je sais pas ce qui se passe. Il faudra qu'on porte réclamation, alors. En effet. Et puis, embrassez... On va porter réclamation. Embrassez votre femme, dites-lui que les enculés l'embrassent. Oui. Chérie, a priori, les enculés t'embrassent. Voilà. Elle est émue, elle est contente. Non, elle n'est pas émue, elle a dit moi aussi. Du coup, c'est mignon. Du coup, ça l'a détendu. Ah, bah, c'est bien qui finit bien. C'est magnifique. Voilà. Ah, je vais complètement me détendre. Ah, ma femme se détend. Ah, ça va mieux. Ah, elle est contente. Oui. Ah oui, c'est mal insonorisé chez vous. Hein. Non, c'est son cul. Et c'est ma culotte. Les vibrations. Ah, mais je suis détendu. Oh. Quel est détendu. Bon, merci la Corse alors. Hein. Viva ouais, Corsica. Ah, pardon, eh oui, vive Corsica. Ah, vive Corsica, Ajaccio. Ajaccio. Ajaccio. Bon, salut tous les Corses. Merci, allez, au revoir. Merci la famille. Et merci, hein, mais ne rappelez pas. T'es sympa lui. Ah, détendu. Vive la Corse. Ciao, ciao. Salut la famille. Eh ben, voyez que les Corses, ils sont sympas. Mais sympa comme tout. Vive la Corse. On salue tous ceux et toutes celles qui nous écoutent en Corse. Ah, vive la Corsica. Vive la Corsica. Le mec était beaucoup plus calme que sa femme. Ah derrière. Ouais. Bon, et on continue le double appel dans un instant. La suite, vous tous en direct, la suite du match et la note des Bleus dans un instant. La moyenne, ouais. C'est reparti pour les Bleus, justement. Allez, les Bleus. Et les questions foot. Gagner FIFA 17, c'est pour vous. Pays-Bas 0, France 1, 49e minute de jeu. À suivre sur Skyrock, même pendant la pub. Hein. On vous dit tout, vous saurez tout. Le temps d'écouter Let Me Love You, c'est parti. La saga des places de concert continue sur Skyrock. Je suis dans ma paranoïa. Après Maître Gims, et Soprano, c'est Soprano. Skyrock t'offre les 4 concerts de Jul. Jul, c'est Jul en concert Skyrock à Marseille, Amnéville, Nantes et Paris. Jul en concert avec Skyrock. Et écoute Skyrock toute la journée. Ouais, et envoie roulette par SMS au 72020 pour gagner Jul en concert dans la ville de ton choix. Je suis fier de mon parcours, je joue pas le brigandé. 200 places de concert Jul sur Skyrock. Vous déchirez, merci beaucoup. Skyrock, premier sur le rap de Jul. 65 centimes plus coût du SMS. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres, rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Avant toute chose, question basique, qu'est-ce que le service civique, monsieur Blanc? Comment nous l'expliquer le plus simplement possible? Le service civique, c'est une mission qui peut durer entre 6 et 12 mois, qui est effectuée par un jeune volontaire qui a entre 16 et 25 ans. Cette mission, elle doit porter sur un projet d'intérêt général. Elle peut se dérouler dans une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une association. Pendant cette mission, il touche une indemnité de 577 € par mois et il a toute la couverture sociale. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec Inanna. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat, CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat, CHAT au 62333. Concert Skyrock. Drake live. Drake en concert Skyrock pour le In The Boy Meets World Tour. 12 mars 2017, Accor Hotel Arena de Paris, Drake et des invités exceptionnels. Drake with special guests. Le numéro 1, Drake en concert Skyrock. Info et place sur livenation.fr et point de vente habituel. Drake en concert Skyrock. Oh, tu m'entends de l'autre côté du poste? Fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Travis Scott, le prodige du rap US. Découvrez son nouvel album featuring Kendrick Lamar, Kid Cudi, The Weeknd. Inclus Pick Up The Phone featuring Young Thug. Album déjà disponible. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes du niveau brevet à Bac plus 5 dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur r-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Mythique. Full radio libre, 21h minuit sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah, I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up. Zéro pour la France face aux Pays-Bas. Tiens, j'ai la note à vous donner. On va vous la donner tout de suite. Là. Skyrock, D-Fool. You speak English? Romano. Oh, allez, vous n'allez pas me dire que vous êtes honnête quand même. Cédric. T'as pas peur pour le clash, ça va aller? Non, mais ça fait 10 fois que tu me poses la même question. Ça y était lourd là. Marie. Est-ce qu'elle est épaisse ou pas? Samy. Là, il y a un aéroport qui fait délirer, c'est à Gibraltar, dans le sud de l'Espagne. Et Karim. Ostracisé, ça déjà, ça vient du mot racisme. Voilà. D-Fool Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Voilà, on apprend plein de trucs nouveaux dans la Radio Libre. Merci à vous d'être là tous les soirs, 22h sur Sky, depuis 21h, on est là. Et c'est pas fini, on a du gros son, on a le résultat de votre note pour les Bleus. Allez là, la note pour les Bleus, vous avez mis 12,5 sur 20. Ah ouais. C'est moins que Romano, moins que Marie, moins que moi. Top que Samy. Juste un peu plus que moi aussi. Et plus que Karim aussi. C'est au milieu. 12,5 pour la première mi-temps des Bleus. C'est. Oh que vous êtes sévère. C'est bien noté, vous êtes sévère, mais c'est peut-être pour donner. Non, mais après, peut-être que le match était à Chine, on le voit pas non plus dans les détails. Ouais, on regarde quelques petites actions. Quelques actions. Les actions les plus importantes, je les ai à l'œil. j'ai les télés sous le pif. Très bien. Et je regarde tout ça là. Pour l'instant 1-0 là pour les bleus, 57e minute de jeu. Et on suit le match jusqu'au bout. Tout à l'heure on mettra la note définitive du match. On compte sur vous à la fin du match, à la fin des bleus. Donc vous regardez le match, vous écoutez la radio, ou vous regardez pas le match et vous écoutez la radio, on est ensemble. Merci à vous d'être là tous les soirs. Bon, on va retourner chez les familles double appel. On aura le clash de la drague aussi, puisque Cédric est avec nous en direct. Si le mec ne répond plus, parce que là, il a déjà fait le coup il y a quelques temps. T'as peur qu'il abandonne? Ah bah moi j'ai peur pour lui surtout. Ah ah. Tout à l'heure, vous en saurez plus. Prépare ta méthode de drague, t'en auras besoin de toute façon. Non mais elle est là, elle est là. Cédric Romano, le clash. Cédric en direct de son lit ou des toilettes, ça dépend, parce que ce soir c'est une petite soirée toilette chez Cédric, ça va être sympa. Ouais, c'est sympa, il envoie les photos à Romano de ce qu'il fait. Mais c'est abominable ce qu'il sent de son cul. Non mais c'est dégueulasse. Non mais il a des explosions de trous du cul. En fait, il fait des crottes qui sont aussi grosses que, je sais pas, qu'un gosse quand tu l'as. Non mais c'est surtout ça que je comprends pas, c'est que le mec arrive à retapisser tout le bord quoi. Ouais, parce qu'il est sale. Il y avait du papier dans la cuvette parce que du coup il s'est levé avec de la merde dans le cul. Non non. Ah ouais, il y avait même pas de papier. Non, pas de papier. Oh, donc dingue. T'imagines, c'est le mec avec la merde dans le cul. C'est un sale. Bon. Ça devait goûter par terre avec ses poils de cul. L'enfer. Des gouttes de caca. Oh, merde, il y en a par terre. Bah oui, t'en as mis par terre, Cédric, ça coule. Oh là, c'est joli sur mon carrelage. Quelle horreur. Ah, c'est une porcherie chez Cédric. On y allait avec ça, avec Karim, on y allait avec la Marie. Moi, j'y suis allé aussi. Romano, Cariole, on est tous allés le voir. C'est sale. Putain, qu'est-ce que c'est sale. Ah ouais, c'est clair. J'ai vraiment vu une porcherie pareille. Dommage qu'elle n'existe plus, l'émission des porcs là sur M6. C'est du propre. Voilà, c'est un du peu propre. Le bordel quoi. Ah ouais, parce que là on aurait pu. Ils auraient pu faire une semaine non-stop tous les soirs. Hein. Ah c'est clair. Ah, c'est du propre chez Cédric. Avec les deux vieilles là qui nettoyaient là. Non mais c'est dingue d'être sale comme ça. Il s'en rend pas compte en plus. Hein. Non non, mais lui je crois propre. Tiens hein. D'ailleurs, on va vous demander. Parce mais que moi vous... depuis le début je vous le dis. Hein, preuve que je n'ai jamais menti hein, quand je vous racontais quand j'avais été chez lui et c'était pas prévu avec les plaques vitrocéramiques qui n'étaient plus noires brillantes mais blanches. Tu veux que je te dise franchement Romano? Au début, je te croyais pas. Ah ben bah non, mais moi. Et bah depuis que j'y suis allé. Ah non, mais c'est vraiment hashtag Cédric est sale. Tiens, envoyez le hashtag. Ce serait bien qu'on le place en top tweet mondial. Pour que le monde entier soit au courant. Top trend. Vous allez donc sur Twitter et vous envoyez hashtag Cédric Skyrock est sale. Voilà, je pense que c'est Cédric. Il y a quand même Skyrock dedans là. Tu veux qu'on enlève Cédric est sale. On va mettre Cédric le Belge. Ouais. Ou Cédric de Skyrock. Non, Cédric est sale. Allez, on repart sur Cédric première est idée. Sale, ouais. Hashtag Cédric est sale. Ça y est, c'est parti. Ça y est, ça arrive. Faites-le monter dans le monde entier, number one. Lui aussi, il monte, il est énervé là. Pourquoi il est énervé? T'es énervé, Cédric? Allô, ça veut dire quoi, ça? Je suis sale. Non, mais tu vois, il s'en rend pas compte. Non, mais tu vois, il s'en rend pas compte. Non, mais c'est ça qui est bien triste. Ah, Marie, t'as vu ça? Bah ouais, je vois bien. Non, mais Cédric, là, dans les toilettes que tu m'as envoyé, il y a du papier ou pas? Bien sûr qu'il y a du papier. Ouais, bah écoute. Alors, je vais montrer la photo à l'équipe. Voilà. Ah non, je veux pas voir, merci. Ah, mais Marie, si, Marie, c'est pour. Je fais confiance. C'est pour la vérité, Marie, maintenant. Je fais confiance. Je confirme, Romano, il n'y a pas de papier sur la photo que tu me montres. Ah non, mais regarde. C'est normal, j'ai pris avant mes suivis. Mais c'est dégueulasse. Ah, j'ai vu. Mais tu fais. T'as fait caca sur le truc. Non, mais regarde. Le truc qu'on rabat, comment ça s'appelle? Le truc qu'on rabat sur la cuvette. La lunette. Non, mais c'est rien. Si, il y a du caca dessus. Non, l'abattant. Voilà, la lunette. L'abattant. La lunette, c'est où tu poses tes fesses. C'est là, regarde. C'est là, il y a du caca en haut. Moi, ce que j'hallucine, c'est que t'arrives à en mettre partout. Ah ouais, c'est ouf ça. Oh, c'est-à-dire que. C'est comme ça, c'est la diarrhée. Hein. Au lieu que ça tombe direct dans le trou, toi, il y en a un peu partout autour. C'est ouf. Et puis, il y en a des kilos là. Ouais, des kilos. Ah bah là, il t'a rempli de chiottes. Je vais pas diluer dans le trou. Je vais chier un nouveau nerf, j'ai un qui va chier. Ouais. Ah bah c'est ça. J'ai plus d'eau. Je veux dire, j'ai pris un peu de poids, je me suis pesé. Ah bah écoute, c'est bien, comment tu fais? Bah là, je suis tout nu, je suis à 87 et quelques. Ah, attends, tu retrouves ton poids de forme, Cédric. 87. Ah, il était à 91.1 la dernière fois. Ah, c'est pas mal, hein. Non, Marie, il était à 85. Ouais, mais à poil, hein. Rhabille-toi. Voilà, oui, rhabille-toi parce que. Rhabille-toi parce que pour le clash, tu risques pas d'y arriver en étant à poil. Hein. Savoir que t'es à poil au téléphone, ça va te faire perdre des voix, ouais. Bon, le clash, 88, on se prépare, vous êtes prêts? Ouais, ben je suis prêt en tout cas. Bon, est-ce qu'on aura le temps de faire un... Est-ce qu'il est prêt? Faire un double appel ou est-ce qu'on attaque direct sur le clash? Moi je pense qu'on va clasher là tout de suite et puis le double appel. Bon, on s'est bien marré il y a un instant, mais c'était pas du tout un double appel qu'on a fait en fait. Bah non, on a parlé avec... Non, on a discuté avec un mec. Avec un Corse là. On a appelé deux familles. La femme du Corse nous a insulté. Direct. On l'a rappelé parce que on sentait qu'il y a un bon contact avec elle. Ouais, et lui il faisait caca, il est sorti des toilettes pour discuter avec nous. Et on a discuté avec sympa monsieur Corse aussi dans les toilettes. T'es sympa. C'est vrai. Bon, double appel à suivre. Les numéros que vous avez laissés, les gardes, Samy les tests, si on a le temps avant minuit, on se les fait. Sinon demain soir dans la radio libre. Ouais, parce qu'on a le clash à suivre. J'espère que t'as une bonne méthode, Cédric, pour battre Romano, enfin peut-être. Ouais, t'inquiète, j'ai plusieurs méthodes là. Mais c'est vrai que depuis la rentrée, tu m'as pas battu. Il est remonté hein, vendredi. Hein. Putain, mais vendredi, t'as remonté. Là, j'ai une bonne méthode. Ce soir, je vais être charcutier. T'es charcutier, pourquoi? Pour faire plaisir à Karim. Que pour moi, ouais. Non, parce que j'ai créé un nouveau boudin. C'est Cédric. Hein. Comment tu l'as appelé, voilà, ton boudin? Ben, au prénom de la femme du mec qu'on va appeler. Et je voulais venir lui présenter ce soir. J'ai fait créer un boudin en hommage à la femme que je vais appeler dans l'appel. Et je voulais venir lui présenter pour faire la photo et après faire du sexe, évidemment. Et l'essayer dans son cul. Pourquoi pas? Le boudin. Bah, ouais. Écoute, Marie, ça peut te faire plaisir. Je lui enfoncerai dans le cul. Oh. J'adore. Je vais avoir un gros boudin dans mon trou du cul. On va s'occuper de ça, Marie. J'adore. J'en garde un bout pour toi. Tu vois, c'est une bonne méthode. Magnifique. Et sinon, Cédric, et ta méthode, c'est quoi? Moi, c'est la méthode du touriste. Ah, putain, j'ai cru que t'allais encore faire les bleus, parce que j'allais crier au scandale. Non. Au scandale. Non, je me balade, je visite un petit peu les régions de France, et ce soir, j'aimerais bien découvrir les femmes de la région, quoi. Ouais, t'es en galère, quoi. Bah non, je suis pas en galère. Non, mais t'es un galérien, quoi. Les régions de France. Non, mais t'es un galérien. Bah non, je suis en vacances, je me balade. C'est noté. Je visite un petit peu la France, et j'aimerais bien découvrir. La méthode du touriste contre la méthode du charcutier. J'accepte les deux méthodes. On va y aller dans un instant. Ça va clasher. Préparez-vous. Vas-y. Préparez-vous. Il y a R d'ailleurs qui te passe un petit bonjour. R, 15 ans, qui dit bon courage, le Belge, pour ton accident. Je viens d'avoir le mien aujourd'hui en scout. Ça fait bizarre. Dis-nous ce que tu devais. J'espère que tu t'es pas cassé la clavicule. Pas le jour, non. Ah, j'espère pas non plus pour toi, mon pote. Ouais. Bah, oui. Ça, mais là, t'as toujours aussi mal, Cédric, à ta clavicule. Il a mal mon cul. Non, ça dépend. Des fois, j'ai mal, des fois, j'ai moins mal. Un peu quand même. T'as fait quoi ce week-end? Vous faites de la merde. Ce week-end, j'ai bouffé. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas un moment dans le week-end où Cédric était disponible pour me recevoir. Ah bah moi non plus, tu sais, Romano, je l'ai appelé tout le week-end, le mec était ou pas joignable ou répondait pas, ou alors il y avait un problème, je sais pas. Mais il voulait pas squatter chez vous à la base? Non, mais ça c'était hors de question, Marie. Ah ouais? Non. C'est ça à la base. Non, mais j'ai mis le hola direct. Monsieur Cariola m'a invité samedi midi, j'ai dit on ne peut pas recevoir ce personnage chez nous. Donc vous vouliez des nouvelles de Cédric, vous en avez, vous entendez, il va mieux. Il a juste un petit problème, je sais pas, il a une crise de mal à la clavicule tous les soirs entre 21h et minuit et le matin entre 6h et 9h. Ah, je ne sais pas pourquoi il a des crises qui remontent comme ça. C'est ballot. Fou, hein. C'est ballot. Ouais, hein. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Nous on t'attend, Cédric, il faudrait que tu reviennes à un moment quand même. Bah oui, on t'attend. Bon, le clash. Pas en panique, hein, je te casserai le cul, mais t'as l'habitude. T'inquiète pas, mon pote, le 12, je vois le chirurgien, je vais te raconter. S'il me dit que c'est bon, je reviens, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, je vais devenir faire un gros câlin. Attends, moi je pense au pauvre chirurgien qui va... Mais admettons qu'il te dise, faut t'opérer, mais on te voit pas avant 2017, quoi. Non, si, t'es fou, toi, quoi. Yeah, mais il y en a pour combien de temps, après? Bah, s'ils opèrent, apparemment, il y en a au moins pour une semaine de plus. Mm-hmm. Oh bon, on n'est plus à ça près. Non, mais le mec est normal. Depuis juillet jusqu'à fin octobre, le mec, on l'aura pas vu. Non, mais c'est bien. Tu t'es pris des sacrées vacances, mon enculé. Tu sais que j'ai reçu les derniers sondages d'audience, Cédric. C'est encore en progression. Hein. Tu sais que depuis que tu es parti, on a multiplié, je vous disais vendredi, l'audience par 3. Plus précisément, depuis ce soir, l'audience a été multipliée par 4 pratiquement. Et voilà. Bizarre, hein. Hallucinant. Hein. Grâce à toi. Grâce à ton absence. Admettons, si t'as de la rééducation, tu pourras quand même venir entre temps. Non, ça ouais, oui. Ah oui. Ouais, donc en gros, dans une semaine, t'es là, quoi. Maximum. Ouais, voilà. Sauf s'il se fait opérer, gros. T'as quoi, pas faire chuter les audiences avec ça. Parce que là, c'était pas mal, ça marche bien. Cartonne, vraiment. Tu sais, c'est un truc de ouf. Hein. Ne dis rien. Ouais. Bon, écoute, Cédric, on se prépare pour le clash de la vague. Je vais piner, puis on en parlera plus déjà. Dans un instant, on va clasher. Il y a le petit message de Camille que je voulais vous lire. Camille en speed. Camille, d'ailleurs, qu'on a appelé, parce que t'as laissé ton numéro, Camille. C'est une fille. Oui, c'est une fille. Et donc, Camille, elle veut pas passer à l'antenne parce qu'il y a sa sœur dans la même chambre. Elle veut pas que sa sœur, qui est une pipelette, rapporte tout à la famille. C'est souvent ça. Et le hashtag Cédric est sale est en train de monter. Hein. Hashtag Cédric est sale. Envoyez si vous avez Twitter pour faire monter ce bordel. Tiens, je vais aller tweeter aussi. Ça monte, Cédric. Ça monte. Tu vas être connu dans le monde entier. Hashtag Cédric est sale. Et non, pas hashtag Cédric me dégoûte, parce que je vois Emma qui a envoyé le hashtag Cédric me dégoûte. Ah, non, c'est hashtag Cédric est sale. Allez-y. Et je t'offre du gel douche, Cédric, quand tu reviendras dans l'émission. Milo, du 57, qui nous envoie le message. Noix de coco, il m'envoie un gel douche. Il y en a qui veulent voir son caca, là. C'est dégueulasse. Noix de coco. Non, mais je ne la mettrai pas sur mes réseaux à moi. Ouais, c'est clair. Pourquoi, Romano? Non, mais c'est ignoble. Ah oui, c'est ignoble. Ouais, c'est dégueulasse. C'est de la merde, quoi. C'est pas de la merde, c'est une bouse. Bah, c'est de la merde. Cédric, t'as un trou du cul de vache, dis donc. Non mais attends, il y a 4 tonnes dans les chiottes. J'ai une petite diarrhée là. Non mais t'as vu la gueule du truc. Comment tu fais pour remplir les... On voit même plus l'eau. Il y a plus d'eau, il a rempli le truc et ça monte jusqu'à la moitié de la cuvette. Vous imaginez le machin? Et je mens pas. Non mais c'est vrai, on ne voit plus de flotte au fond. Il n'y a plus de flotte, le truc est... T'as asséché ton chiotte de merde. C'est une purge en fait. Hashtag Cédric est sale, pas hashtag Cédric est propre pour James Texera, il s'est trompé. Hashtag Cédric est sale. Et non, hashtag Cédric gros tas de merde pour Jean-Mich. Non plus. Bon, c'est le hashtag de la soirée, hashtag Radio Libre aussi. Allez, vous pouvez envoyer tout ça et hashtag Skyrock, bien sûr. Donc pour Camille, rapidement, pour Camille, elle a 18 ans et dommage qu'on n'ait pas l'antenne, Camille, mais en tout cas, elle était sympa. C'est Samy qui a discuté pendant une demi-heure avec elle. Grave. T'as eu un bon contact avec cette Camille. Elle est de quelle région? Écoute, Camille, elle est super cool, elle est du 13. Comme par hasard. De toute façon, si vous appelez du 13, on parle une demi-heure. Si vous appelez d'ailleurs, on parle 20 secondes. Et voilà, je vous raccroche à la gueule si vous êtes parisienne. Le téléphone il a coupé. Pareil pour tout le monde. Bon, alors, Camille, donc du 13, tu vois. Je savais pas. 18 ans, qui dit comment me débarrasser de mon ex qui me harcèle. Il m'appelle jusqu'à 10 fois par jour. Ce matin, il m'a appelé, il a dit qu'il allait se suicider. Porte plainte, c'est l'enfer. Porte plainte, toi, tu fais un chantage affectif, ton ex. C'est ça, exactement. Tu l'as largué, bon, tu l'aimes plus, c'est la vie. Romano hurle derrière, il a raison. Porte plainte! Ah ouais, ouais, au bout d'un moment, si t'emmerdes jour et nuit. Bah, déjà, bloque ton. Mais porter plainte, vous savez que c'est relou porter plainte. Ah bah ouais, c'est relou. Ah, c'est relou, tu vas au commissariat, porte plainte. Ouais, ouais, c'est vite fait quand même. Il te rappelle, hashtag Cédric est sale, ça cartonne. Hein, ça y est, on est en train de monter. Ouais, quoi, pour moi. Il te rappelle, ça n'est pas des fois. S'il trouve quelque chose. Ouais. Donc en gros, il te rappelle quasiment jamais. Non, mais c'est la semaine dernière, dans le morning, on parlait des stars qui sont harcelées. T'as Rihanna par exemple qui s'est fait harceler, qui s'est fait harceler par un mec qui lui envoyait des vidéos devant chez elle. Donc il était devant chez elle, il envoyait des vidéos de lui devant chez elle, dans lesquelles il se masturbait. C'est flippant. Il se branlait la queue. Et donc Rihanna, elle a eu peur, flippant. Elle a fait oh my gosh. Non mais encore, elle a des gardes du corps et tout ça, donc ça oh va. My god. Big dick. Non mais forcément, oui, ça attire des glingués. Hein. Quand tu as Marie, les gardes du corps, regarde Kim Kardashian. Hein. Ouais, sont efficaces. Ouais, bon là, ouais, c'est vrai. Ouais. Faut bien le choisir. Ouais, t'as pas tort. Ouais. Ouais, t'es la garde du corps, le mec est pas là, elle se fait taper 10 millions de bijoux, donc. Ouais, être normal. Marie, comment tu réagirais si tu recevais des photos d'un mec devant chez toi, devant ta maison, et le mec il sort sa queue et il se branle la queue? Est-ce que tu te dirais, le mec est un peu dérangé, un peu dangereux? Non mais moi j'aurais peur, j'appelle les flics et j'en parle à Yovan de la sécu parce que je sais que lui, il me réglerait le problème. Ah bah c'est bien Marie, parle-lui en maintenant, il est parti en vacances. Ouais c'est clair. Voilà, idiote, je suis en Serbie. D'ailleurs il doit être sur la route en train de nous écouter, bonne route Yovan. Bonjour Yovan, voilà, cassez gueule à tout le monde, parti en Serbie. Ah bah oui, lui il faut pas le faire chier. Et après cassez gueule, défoncez gueule tout le monde. Je te fume. Bim bam bim. Non mais les flics direct, ouais c'est clair. James, qu'elle fasse une main courante plutôt que de porter plainte. Elle peut faire ça aussi, c'est un peu pareil. Ouais, c'est pareil, c'est emmerdant pareil. Hein. Dave, si tu veux porter plainte, va chez Casto, ils en ont des plaintes. Oh. Ah, merci Dave, 23 ans, premier sur les punchlines. Changer de numéro, c'est vrai que c'est pas con. Salimette, 28 ans, qui nous envoie un message. Changer de numéro, le bloquer, oui. C'est vrai qu'il se suicide, ce con, comme ça, après, il n'y a plus de problème. Non, mais non. Non, arrête. Ouais. Jérémy, RTC du 83. Salut le rugby, salut Jérémy, salut le Toulon. Non, mais tu sais, des fois, de porter plainte, les gens, ça les remet les idées d'aplomb, comme on dit en Bourgogne. Ça les calme. Ouais, après, si ça fait longtemps qu'il est. Enfin, si elle est restée longtemps avec le mec, elle peut peut-être en parler aux parents ou quelqu'un en disant, voilà, il est complètement déprimé, faites attention à lui, et puis elle disparaît de la circulation. Oui, non, mais c'est pas parce que t'es déprimé que t'es censé emmerder le monde. Oui, non, mais vrai, je suis d'accord avec toi. C'est pas une excuse pour faire chier la terre entière. Il peut déprimer tout seul dans son coin, quoi. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Moi, je m'en bats les couilles. Franchement, je suis peut-être sans cœur, mais une meuf, par exemple, que je largue, et la meuf, elle me fait tout son cirque. Me là. Et elle m'appelle jour et nuit, tu vois. C'est marrant, là, j'ai l'impression que tu penses à ta gothique. Tu penses à ta gothique. Non, mais en l'occurrence, elle m'a pas fait chier derrière. Et tu penses à elle? Non. Ouais. Oh, c'est mignon. Non, mais ça, je suis d'accord. T'entends, Cédric, Romano, il pense à sa gothique. C'est beau, l'amour. Parce que Marie, elle nous avait mis dans de beaux draps avec Carriole. Marie nous avait présenté une copine à elle, un peu amochée sur les bords. Tête de gorée. Non, une autre meuf. C'est copine à Marie, amochée, oh, surprenante. Non, mais elle... haute gamme de la mochage. Là on était high level. Ah ouais. Pas loin du sommet du sommet, quoi. C'est et la donc, copine. La meuf, on tape genre deux soirées mais en boîte avec elle. Donc tu vois les discussions étaient quand même limitées avec ça. Ouais, c'est clair. T'es en boîte, il y a du bruit, tout le monde était bourré, bon, étonnant avec Marie, n'est-ce pas? Allez. On était bourré. Ouais, genre. Et un jour la meuf, s'il te plaît, à 4h du matin, elle avait récupéré le numéro de Carriole, elle l'appelle et lui dit "Ouais, je vais me foutre en l'air." Genre une meuf la bonne soirée. Tu ne presses pas, tu l'as vu deux fois, ouais, elle t'appelle. Sans déconner, on l'a vu deux fois, pas plus. Hein. Mais quoi, en pleine nuit, elle l'a appelé. Ouais, genre à 4h du matin, mais en général, c'est en pleine nuit. Oui, c'est. Putain, mais 4h du matin, toi, t'as dit quoi? Tu l'as dit, mais qu'est-ce que foutre? Non, mais pas loin, attends. Et là, Carrie, elle coupe le micro, elle me dit, ouais, il y a l'autre taré, elle veut se foutre en l'air. Et tu sais, moi, j'étais dans le cul, je suis, ah putain, vas-y, qu'elle nous casse pas les couilles, qu'elle se foute en l'air, qu'elle nous laisse dormir. Et Carrie, elle a eu la même réaction de Marie. Carrie, elle fait, ah non, mais je peux pas, je fais, non, mais elle est gentille, Cariole. Je fais, non, mais elle nous casse les couilles, elle est en pleine nuit, on l'a vu deux fois, je lui dis, ouais, vas-y, t'occupe d'elle, je fais, va, déjà, va dans le salon, moi, je vais dormir. Et je fais, t'es gentil, tu la calmes, histoire qu'elle nous casse pas les couilles toutes les nuits. Et bon, effectivement, la meuf, ça allait pas du tout, bon. Ah ouais, t'es en dépression. Oui, non, mais bon, tu vois, dépression. Oui, oui, non, mais bon, moi, je vais pas appeler un mec que j'ai rencontré une fois en soirée complètement torché. Non, mais elle appelait Cariole parce que moi, je répondais pas, quoi, en fait. Ouais. Et hop, non, mais là. Alors, il l'a quand même vu deux fois, quoi. Ouais, ouais, ouais, tu ouais, vois. Ouais. C'est pas sa copine, c'est comme quoi. Si Karim, il me présente un mec, et que, dans une semaine, j'appelle le mec, et je lui dis, ouais, écoute, ça va pas, ouais, ça va pas, je me fous en l'air. J'ai perdu 2 euros, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout de ma life. Au bout de la life. Tu sais, ton pote, Karim, il va halluciner, quoi. Il va m'appeler déjà, il va m'insulter moi en premier, gros. Donc, les harcelés, les harceleuses, les harceleurs, les harcelés ES, vous nous laissez vos messages. Il y a Salima qui nous dit, j'ai l'habitude qu'on me harcèle souvent, et des fois, je menace, car j'ai 4 frères, et ça aide. C'est pas con. Si t'as des frères, Camille, et qui sont courageux et un peu vénères, n'hésite pas, n'hésite pas. La main courante, c'est bien pratique, ça permet de porter plainte, de porter plainte. Non, tu signales, en gros. Et ouais. en signalant, sans porter plainte. C'est pas clair ton message, mais c'est à peu près ça, ouais. Non, en gros, par exemple, moi, j'en avais fait une, quand j'ai, un immeuble où j'habitais, le mec m'avait, défoncé la boîte aux lettres en marquant salope dessus. Oui, salope, Romano. C'est vrai que ça le fait rire. Salope, Romano. C'est sûr que c'était pas toi, le mec? Oh là, j'ai écrit salope. Ah, non, Cédric, ça se serait vu parce qu'il aurait écrit salope. S-A-L-A-U-2-P. Non, mais tu sais d'ailleurs que le mec avait fait une faute, il a mis 2P. Bon, passons. Ah ouais, pourquoi il y en a qu'un? Bah ouais. Karim. Bah ouais, moi je mets 1P à salope. Ah, moi j'en mets 2 moi. Non, non, ah, non, les 2P. Bah, oui. Les 2P c'est pour les grosses salopes. Ah, ok, c'est pour ça que je le mets alors. Et tu sais, j'étais chez les keufs parce qu'en fait la boîte aux lettres, sinon il fallait que je la paye, tu vois. Et ça c'est trop. Ouais, je suis trop cher. Et en fait j'ai fait une main courante. Comme ça. Alors attention, la main courante, si elle court trop vite, faut la rattraper. Merci Tinjan, 14 ans. Très bonne punchline, Tinjan, j'adore. Et ça veut dire que si j'avais un autre problème de ce genre là, ils étaient déjà au courant, il y avait déjà un dossier d'ouvert, donc ils intervenaient plus vite, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Mais t'as remboursé ta boîte aux lettres ou pas? Non, parce qu'entre temps, j'ai déménagé, donc je l'ai laissé en galère, j'ai foutu 2-3 coups de marteau pour la redresser. Pour l'état des lieux, et je fais, t'as nettoyé. Et oui, j'ai nettoyé, puis je me suis barré. Alors, en parlant de nettoyer, Cédric, ton hashtag cartonne. Hashtag Cédric est sale. Pour l'instant, on progresse, on promesse, on est en train de rentrer dans les 10 premiers. Mais ouais, top tweet, tu vas être top tweet ce soir. Eh ouais. OTT, Cédric. Hashtag putain. Cédric et Sal, ça marche. Merci Cricri, merci Laurie, merci Kino, merci Aubert qui a envoyé le hashtag. Y a Gabal Capoteur aussi. Faut avoir Twitter pour envoyer le hashtag, on nous dit. Ouais, faut avoir Twitter pour envoyer le hashtag. Hashtag Cédric et Sal, ça marche. Donc pour les harceler, tiens, on a le témoignage. Y a qui au téléphone? Sabrina qui est en ligne avec nous. Ouais. Bonjour Sabrina. Bonjour. Coucou, Sabrina. Bienvenue à toi. Salut. Merci. T'es à Paris. Bienvenue à toi, donc amie parisienne. T'as 24 ans. Ouais. Voilà, tu as envoyé le hashtag Cédric est sale. Non. Et il faut l'envoyer. Ah bah il faut. Ouais. Il faut mettre Cédric parce que après il va être triste. Déjà que la semaine dernière on l'a déçu puisqu'on lui a fait croire qu'il allait prendre un bain avec Jérémy Star. Ouais, c'est vrai. Et ben bah, c'était une blague. Il a été très déçu. Il a pleuré pendant toute une soirée l'autre jour. Vous l'avez entendu dans l'émission. Ah il était en bas. Déjà qu'il a été déçu par le non bain avec Jérémy Star. Mais Cédric, je te rassure, on est toujours sur le coup. J'imagine pas, je suis en dépression. Si en plus ce soir tu n'es pas top tweet mondial avec ton hashtag Cédric est sale, ouais. Tu vas être triste. Eh bien, ça va être le bad. Ça va être le bad. Donc pense bien à l'envoyer juste après le petit coup de fil, hein, Sabrina, d'accord? Oui. Très bien. Pas de soucis. Donc toi, t'as entendu Camille, donc elle nous a dit comment me débarrasser. Ah oui, c'est pour ça que j'avais des messages, faut l'enfermer dans un coffre et tout. Non, débarrasser. Non, oui. Éloigner de toi, hein. Quoi. C'est vrai que ça peut marcher aussi, mais c'est peut-être un peu trop violent. Ça peut faire des emmerdes. Oui. Comment me débarrasser de mon ex qui me harcèle? Il l'a appelé jusqu'à 10 fois par jour, etc. Il menace de suicider maintenant. Tiens, en parlant de suicide, il y a le prisonnier du 06 qui dit « Une ex, elle m'a fait le coup, elle a fugué. En fait, elle était dans le bâtiment d'en face. » Elle a fugué pas bien loin. Elle était pas trop loin. Elle lui a fait le coup. Sacré fugue. Tiens, ma femme, elle a prévenu son ex... Non, elle a prévenu les parents du gars qui la harcelait. Voilà, c'était son ex. Bah ouais, ce que j'aurais fait moi aussi. J'ai fait une petite traduction du message du chiotte du 35. J'espère que tu n'es pas le chiotte de Cédric, sinon tu en as pas pour longtemps. Reste mon ami. In peace. Ouais. Mais Moshita, elle a pas été aussi harcelée, non? Par Cédric. Mais ouais. Bien sûr que oui. Je crois d'ailleurs que tiens, on va lancer un appel. Je crois qu'elle nous écoute. Si tu nous écoutes, Moshita, passe-nous un coup de fil. On te prend en ligne juste après Sabrina. Alors Sabrina, dis-nous toi, qu'est-ce qui t'est arrivé pour être sérieux un peu avec les gens qui te harcèlent, parce qu'on en rigole, mais pour Camille. Ouais, à vivre, c'est un peu chiant. Ça doit pas être rigolo cette histoire. Hein. Bah ouais, c'est un peu relou parce que moi ça m'arrivait avec un collègue de taf en fait. Ah, c'est même pas un mec avec qui t'es sorti? Bah non, en fait, c'est un mec qui a kiffé sur moi. Ah, il voulait peut-être sortir avec toi, ouais. Ah putain, le ouais, mais moi je voulais absolument pas quoi. Pourquoi il te plaisait pas physiquement ou Oh, je déteste. D'accord, il était comment physiquement? Je déteste, c'est clair. Décris-le nous. Bah j'aime pas en fait, c'est quelqu'un qui était grand et tout maigre et je déteste les mecs tout maigres. Oh, pourquoi les grands tout maigres ils ont le droit de vivre? Mais t'aimais ouais, bien sa gueule. Ils ont le droit, mais pas bah, avec droit, moi quoi. T'as le droit de pas les aimer, oui. Oui, oui, c'est pas ton genre, on va dire. Je veux dire, les gars, soyez un peu comme moi, pas maigre, musclé sec. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pas trop grand. Ouais, plus sec. Mais enfin, il y avait un regard de psychopathe aussi. Absolument, oui, je te regarde. Bonjour. Je suis grand et sec. Ah ouais, c'était un tout, quoi. Tu sais que ma bite est grande et maigre aussi. Ah. Et oui. Elle est bien dure. J'ai une bite grande et maigre et toute dure. Je bossais en fait en job étudiant dans un supermarché. Ouais. Et enfin, des fois, ils me regardaient dans les rayons entre les étalages et tout. Oui, regarde. Et puis, j'avais réussi à choper mon numéro. Oui. Donc il m'appelait souvent et puis moi un jour il y a un chef qui vient me voir et il me dit Sabrina vous passez super bien en fond d'écran et tout. Moi je comprenais pas. Il t'a mis en fond et en fait et bah j'étais en fond d'écran de sa tablette et de son téléphone portable. C'est mignon. Ouais, mais ça fait flipper. Quoi. Non, enfin tu tombes sur des gens au boulot. C'est mignon. Au bahut d'ailleurs des gens que t'aimes pas. Là au moins des gens qui t'aiment pas aussi. Là au moins t'as quelqu'un qui t'aime. Ouais, mais ça fait flipper. C'est une photo volée en plus. Ça fait flipper. T'aurais peur. Ouais, tu dis ouais c'est un dingue. Il avait volé mes photos sur Facebook. Ah, ouais, c'est ça. Il n'avait pas sur Facebook. Je t'ai volé. Romano, il avait plein de photos de moi. Ouais. C'est limite, hein, je me disais, je vais aller chez lui, à un hôtel à mon effigie, en fait. C'est marrant, je prends une photo de toi et que je te mets en fond d'écran, t'as peur? Non, bah toi non. Bah tu vois, c'est pareil, on a collé. Non, bah moi je trouverais ça chelou. Si, Romano, si je prends une photo de toi et que je te mets en fond d'écran, tu trouverais ça chelou? Ah, je sais pas, ouais, ça me gênerait. Ouais, ça ferait pilouche un peu. Tu dirais pas, oh, il est gentil, dit fou, il m'aime bien. Ouais, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et t'as quoi en fond d'écran d'ailleurs? Moi, rien. Moi j'ai la mère de la mère que j'aime. Ah ouais, t'as la mère. T'as quoi toi Romano? Moi j'ai mon chien. C'est pas ma mère, hein, c'est la mère. Oui, la mère. La mère méditerranée. Oui, T'as quoi ta Samy? Moi j'ai moi et ma meuf. Moi j'ai un ballon de l'OM. Ouais, voilà. Et le vélodrome. Non, un truc classique, tu vois. Des fois je mets des photos de vacances aussi. Ça ouais, moi aussi, mais ma meuf remet toujours un chien. Ça donne le nôtre en l'occurrence. Et toi, Cam, t'as quoi? Moi j'ai une enfant, moi. Ah ouais, moi j'ai un enfant. C'est pas bien de voler le téléphone de Cédric. Cédric, il doit avoir du quelqu'un. Il faut lui rendre. Non. Même qui fait flipper. Voilà, j'ai une photo de classe de maternelle, moi. C'est bien, Cédric. Non. Oh, je kiffe trop. Non, moi, j'ai la photo du ciel quand j'ai pris dans un avion, en fait. T'as quoi en fond d'écran? Dites-nous ce que c'est intéressant, ça, on n'a jamais parlé. Qu'est-ce que vous avez en fond d'écran? Enfin, c'est intéressant, c'est marrant. Ouais, oui, c'est marrant, ouais. C'est marrant ce que vous avez en fond d'écran. Pour les trucs que tu vois, ouais. T'as quoi en fond d'écran, toi, Sabrina? Un paysage. Mais t'as pas la photo de ton. Ah, non, la photo de ton collègue. Oh, ah bah super. Non mais ne fais pas ça, sinon le mec va y croire quoi. Ah ouais, t'imagines. Ah non surtout pas. Parce que là il m'a encore envoyé un message il y a pas longtemps, ça, je t'aime encore et tout. Alors ce type il t'envoie des messages, ça fait 3 ans. J'ai demandé il t'envoie des messages, je travaille encore là-bas. 3 ans. Oh là là. Non, il a été viré parce qu'il a volé de la salade et du poulet. Il voulait peut-être t'offrir à manger. Non pas. Non merci. Non merci, attends, tu veux pas. Et donc comment donc le mec en fait il travaille plus là et il te lâche pas quoi. Comment tu fais avec ce gars, tu fais comme plainte quoi. Bah je réponds pas, l'enfant il m'a dit c'est quand qu'on se marie. Ah ouais d'accord. Je lui ai dit non, il m'a dit je t'aime encore et tout. Mais t'as jamais flippé de le retrouver en bas de chez toi? Absolument oui, je regarde. Moi en fait des fois il m'attendait, enfin je sais que je bossais des fois le dimanche et bossais pas le dimanche et il m'attendait devant le magasin pour me fait flipper quand même. Il m'envoie des messages, Théo, vas-y, je te ramène chez toi, nanani. Et tout, des fois, il me raccompagnait. Non, mais flic direct. Il y a Jamel qui nous laisse un message et qui nous dit, pourquoi il lui envoie pas son mec? T'as un mec, Sabrina? Ouais. Voilà, tu lui envoies ton mec, à mon avis, ça peut être pas mal, ça. Bah, tu sais, je peux déjà menacer, enfin, de lui envoyer mes 4 frères, en fait. Je suis la seule fille, j'ai 4 frères. Ah, toi aussi, t'as 4 frères, putain. Mais envoie-les, peut-être, direct. Ah ouais, on voit tout le monde. Pour lui péter la mais gueule. En fait, pour lui faire peur, pas peut-être lui péter la gueule. Ouais, peut-être lui faire peur. Moi, en fait, pas de violence, Romano. Pression, on va dire. Par contre, quand le mec est à fond, et vraiment à fond, et entre guillemets, je peux faire ce que je veux de lui, et je l'ai menacé plein de fois de le frapper. Et alors? Et en fait, il est cotorette. Donc. Ouais, donc c'est un monsieur qui a des problèmes en fait. Ouais. Voilà. Donc oui, déjà dit, tout de suite. Vas-y, frappe-moi. Ah ouais, mais là, bon, le mec il fait un peu de peine quoi. Donc, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, Romano. Tout de suite déjà, tu vois le gars. Non, mais bon, s'il a pas toute sa tête, bon. Ouais, si c'est un cassos. Donc c'est vrai que t'as moins envie d'être. Oui, bon, après c'est pas une raison pour qu'il t'emmerde non plus. Après, c'est vrai qu'il est pour rien toi non plus dans l'histoire. Ouais, c'est ça. T'as tiré gros lot quand il a des problèmes. Bon, c'est bien triste pour lui, mais ouais, c'est après il a pas le mec, il a pas te saoulé non. non plus. Et ce qui revient, ça excuse rien. Ce qui revient le plus souvent là pour Camille, c'est d'aller porter plainte ou au moins de faire une main courante. La main courante, c'est marrant, ça revient souvent, souvent. Ouais, ouais, de toute façon, signaler, oui. Je pensais que ce serait porter plainte qui reviendrait plus. Ah, main courante, depuis que vous avez proposé, c'est pas mal. Et sinon, le hashtag fonctionne bien. On y revient dans un instant. Cédric est sale, ouais, toujours au top. Hashtag Cédric est sale. Et bon, bah ça peut être une idée, ouais, de se débarrasser ou alors envoyer quelqu'un pour lui expliquer clairement entre quatre yeux que ça se fait pas ce genre de choses. C'est le message de ma bite dans ton cul. Bonjour ma bite dans ton cul, bienvenue. Mais c'est une on parlait des stars la semaine dernière, je vous disais Rihanna avec le mec qui se branlait devant chez elle et qui envoyait des vidéos à Rihanna directement. Je sais pas comment elle a chopé son numéro d'ailleurs. Mais on parlait également de la semaine dernière de Andy Murray, vous savez le tennisman. Andy Murray, le tennisman qui s'est fait harceler lui par une femme de chambre, il était dans un hôtel. Ça écoute ça fait flipper. Tu connais l'histoire Sabrina? Sabrina, es-tu là? Tu as une absence, oui. Oui, parce que je pensais trop à mon harceleur. Bon, ben, on en a un autre qui s'est fait harceler, donc le tennisman Andy Murray, qui s'est fait harceler par une femme de chambre. Alors, lui, il dormait dans sa chambre d'hôtel, tranquille. Et à un moment, il s'est retrouvé avec une femme qu'il ne connaissait pas, juste à côté de son lit, parce qu'il dormait, en train de le caresser. Normal. Oh. Vous avez quelqu'un, vous êtes dans votre chambre d'hôtel, tranquille dans votre lit, puis non, mais vous, ça, tu dois flipper, vous vous réveillez, vous avez quelqu'un qui vous caresse la bite. Quelle horrible, quelle horreur. Comment vous réagissez? Quelle horrible. Il dit, elle était horrible, et priori. J'avais la pancarte ne pas déranger sur la porte, mais elle est rentrée, elle s'est assise sur mon lit, a commencé à me caresser, alors qu'il était aux alentours de 7 du matin que je dormais encore. Oui, je vous caresse. Et c'est une folle qui l'a suivi dans plein d'hôtels à Rotterdam, ouais, c'est à, cinglé, ouais. À Barcelone. Mais c'est aussi, moi, comme ça, les gens comme ça, ça me fait flipper, moi. Ah bah, c'est clair, ouais. Ouais. Mais même si elle est super bonne, moi, je me retrouve avec une. Non, mais c'est une cinglée. Ah non, hein. Sur le bord de ton lit. Quoi. Tu vois, je sais pas, que Sabrina, un mec super beau que tu retrouves au bord de ton lit. Genre Diffoul. Ah, par exemple, moi, oui. En train de te caresser. Comment tu réagis? Mal? Ah oui. Bah oui, même c'est si normal. C'est moi. Non mais même ça fait flipper parce que la meuf c'est une vraie cinglée. C'est-à-dire que imagine, aujourd'hui elle te caresse chez toi, mais c'est-à-dire dans une semaine t'es à l'étranger, à l'autre bout du monde, la meuf elle est là aussi quoi. Tu te dis, ah non, c'est elle est là tout le temps. Ah ouais, une folle aussi qui poursuivait Justin Bieber et qui le menaçait de lui couper les couilles. Parce qu'en fait, elle en avait marre de voir qu'il avait des relations sexuelles avec d'autres filles qu'elle, tellement elle était fan de Justin Bieber. Ah, c'est cool. Tellement qu'elle était amoureuse de lui, elle voulait ses couilles, mais rien que pour elle. Et donc, elle s'était dit, je vais lui couper les couilles, comme ça je les garde, et plus aucune fille ne verra les couilles de Justin Bieber. Troll time. Ah, bah, elle est ouf, ouais. Ouais, c'est vrai ce que nous dit Ben de Haras là. Bon, c'est à l'ancienne, John Lennon. Ouais. C'était un fan qui l'a buté. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Ouais. L'ancien Beatles. Ouais, c'est ça. Avec les images. Mais pourquoi il l'a tué? Parce que c'était un ouf, ouais. Faut attention au dingue là. Et Justin Timberlake, lui, c'était une cougar de 48 ans qui était folle du corps de Justin Timberlake, qui s'était infiltré plusieurs fois dans ses résidences chez lui. Donc lui aussi, il a flippé. Ah ouais, il y en a, ouais. Il a des gardes du corps, la police est venue, tout s'est bien passé. Putain, mais il aurait dû. Non, mais le service de sécurité aux Américains, il est quand même à chier parce que les mecs payent des gardes du corps. Mais c'est-à-dire que les mecs arrivent à se retrouver chez la star, tranquille. Oui, c'est vrai, ouais. Ils me posent un peu dans le salon. Ouais, il y en a eu deux, il y a eu Madonna. Non, mais il y en a eu plusieurs. Hein. Pour harceler Madonna, faut avoir envie. Hein. Ouais, ça c'est clair. Il faut aimer la viande un peu rance. C'est ça. Le mec était allé se coucher dans son lit, je sais pas quoi. Le truc qui a un peu traîné. Bon, on va mater les messages que vous nous avez envoyés, puis les fonds d'écran que vous nous envoyez sur l'appli Skyrock. Vous nous envoyez vos fonds d'écran, vous nous dites qu'est-ce que vous avez en fond d'écran. Tiens, il y a 42 qui a PNL en fond d'écran. Bah moi j'ai PNL aussi, tiens écoute. Les deux frangins, PNL. On écoutera dans une heure, on se fait le son de PNL, même pas dans une heure. Qu'est-ce qu'on va écouter d'autre? Ah, on va écouter Alonso. Bah tiens lui, on va le mettre tout de suite, Alonso et Binta. Alonso, un Sopra qui est en Planète Rap toute la semaine, à paloter. Soyez là entre 20 et 21, un nouvel album de Soprano qui s'appelle L'Everest. Et on vous a d'ailleurs passé le tout nouveau Soprano en exclu ce matin dans le morning. Ouais. Donc Alonso, Soprano, La Famille, on retrouve Binta Binta dans un instant. On écoutera également Travis Scott et du Drake. Drake, ça y est, concert avec Skyrock. J'ai entendu la pub. Et ouais. Oui, il est avec nous. Il a choisi Skyrock pour ses concerts en France. Vivement Drake. Allez, on vous en reparle très vite d'ailleurs de Drake et on l'écoutera avant minuit sur Sky. Merci Sabrina, on t'embrasse. Hein. Dans le morning de Diffoul sur Skyrock, on t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné Fabien. Ouais Fabien. Bravo Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une suprette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. Vous me donnez 200 €, on n'en parle plus. Eh ben

pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes ton portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Sur Skyrock, c'était Binta Binta. Tifoul, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et fini pour le match de foot, fini pour les Bleus et c'est gagné 1-0 et on passe en tête du classement de notre poule devant la Suède, les Pays-Bas 3e, la Bulgarie 4e, les Biélorusses 5e et les Luxembourgeois qui sont 6e et qui le resteront a priori. Donc pour l'instant, enfin on sait pas, hein, mais ouais, bon, c'est pas l'équipe du siècle. Mais quoi, on a égalité avec la Suède en fait. Égalité, c'est ça, avec la Suède, sans Zlatan d'ailleurs. Eh ouais. Mais tiens, bon, c'est que les premiers matchs, il en reste un paquet encore. Bah Zlatan, il a fini ses sélections nationales. Ah, ça y est, il est retraité. Retraite internationale. Retraité international, Zlatan. Oui, maintenant, pendant les pauses, il va faire de la chasse. Voilà, ah, super. Tiens, je vous pose une question, puisqu'on parle de Zlatan. Bah, je vous pose la question pour gagner vos places. Non, pas vos places, votre FIFA. FIFA 17. Les places pour Jules, c'est tout à l'heure. FIFA 17 à gagner. Tiens, question facile. Si vous étiez à l'écoute du Morning ce matin à 7h20, vous êtes déjà au courant. Qu'est-ce que voulait faire un entraîneur norvégien avec Zlatan ou à Zlatan? Qu'est-ce qu'il voulait lui faire? Zlatan, on parle de toi sur Sky. Merci, Skyrock. De rien, Zlatan. Tu as vu, Cédric est encore malade avec sa clavicule. Salut, Zlatan. Je crois qu'il est en train de se foutre de ta gueule, Cédric. Ouais, j'entends ça, ouais. Donc, que veut faire un entraîneur norvégien avec Zlatan? Si vous avez, il veut le faire aussi avec Ronaldo. C'est la même réponse, ou avec Ronaldo aussi. Si vous avez la réponse, eh ben c'est parti, au 41-759 et sur l'appli Skyrock, vous l'envoyez, vous laissez bien vos numéros de téléphone et le premier ou la première gagne FIFA 17, on vous l'offre n'importe quand dans l'émission, début, en fin, au milieu, partout, vous gagnez votre FIFA 17 dans la radio libre tous les soirs sur Skyrock. On vous l'a offert en exclu il y a un mois et on continue de vous l'offrir parce que ça vous fait plaisir. C'est bon ça. Ben oui, c'est bon. Alors, la question, elle est là, tu connais la réponse Samy? Ah ouais, c'est bon ouais. Bon, Karine, c'est là ce matin, idée, là, je dis, ouais. Très bien, ouais, c'est pas con comme idée. Moi je pense qu'il est un peu amoché. Non, mais il va pas bien. L'entraîneur suédois. Mais ouais, j'avais déjà entendu parler de ça, je crois, avec Zidane quand il jouait. Ah, ouais, ah bah déjà. Une histoire comme ça, on vous dit tout dans un instant là. Bon, ah bah vous êtes plein à avoir écouté le Morning, t'as le nombre de réponses. Arrêtez pour les réponses, ça y est, on a les bonnes là. A priori, on a même en centaines d'exemplaires, peut-être même en milliers. Mais pas autant d'ailleurs de messages que le hashtag du soir qu'on a lancé. Cédric est sale. Cédric est sale. On vous donne des nouvelles dans un instant parce que Cédric, tu montes en top tweet, hein, je peux te le dire. J'entends ça. Mais c'est la folie, hein, Cédric. Envoyez, faites tourner hashtag Cédric est sale. Envoyez ça tout de suite, vite. Et on vous tient au courant d'ici minuit, hein, il faut qu'on fasse monter Cédric devant les Américains sur la première radio urbaine mondiale, ça serait normal, Cédric. Ah ouais. Autrement, bien, ouais. Ça veut dire que ta popularité est en baisse. Ah ouais, ça c'est pas bon. Et ça c'est pas bon. Avant un clash de la drague, on va faire dans quelques secondes là. Eh oui. Je crois que t'as pas l'air bien, mec. Non, il est mal. Hein. Ah, t'as pas l'air bien. Il est mal, le man. Tiens, on parlait des fonds d'écran parce qu'on a reçu, un nombre. Tiens, c'est quoi ton fond d'écran, toi? Le message sur le fond d'écran, c'est ouf. Cédric, t'avais dit quoi, toi? T'avais pas dit. Moi, c'est une photo que j'ai prise d'un avion, en fait, c'est le ciel. Ah oui, le ciel, c'est vrai. Voilà, j'ai pris le ciel avant. J'avais une école maternelle. J'avais pris une photo. J'ai des photos avec Karim, apparemment. Voilà, une photo de toute l'école maternelle. Ah ouais, les photos de classe. Dégueulasse. J'avais fait un petit montage. Ah ouais, bah, j'imagine, tu vois quelqu'un, il a une photo de... Ah non. Ça peut être son gosse, une photo de la classe de son gosse. Ouais, peut-être, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, il y en a pas mal partout. Non, mais il y en a pas mal qui ont des photos de leurs petits frères, de leurs petites sœurs, même de leurs petits. Non, mais souvent, la leurs famille, enfants ouais. aussi. Vous nous avez envoyé des petits, là. Des photos de la famille aussi. Tiens, qu'est-ce que vous avez en fond d'écran? Enfin, rapidement un tour sur le standard. Tiens, appelez. 01 53 40 30 20. Juste après, on fait le clash. On vous donne la réponse à la question foot. Et on aura des conseils pour faire fonctionner une chaîne YouTube. Ah. Comment faire une chaîne YouTube qui cartonne? On a eu un petit problème avec François tout à l'heure. Ouais. Il a une chaîne YouTube sur des jeux. Minecraft. Ça fait 4 mois, il a que 20 abonnés. Il a 20 abonnés. Non, Marie, pas 20 abonnés. 20 abonnés, pardon. 20 abonnés. Ouais. Toi qui putain, nous la fais nana si souvent qui me fait chier, plus parler, quoi. L'autre... Avec la langue française. Oui, c'est vrai. C'est pardon. Vrai elle, nous reprend dès qu'on fait une faute, alors qu'on n'en fait pas. Enfin, ouais. Moi, bah, ouais. Okay. Jamais. Je viens d'en faire une. Donc, très jolie la veste de Lisa Razou à la télé. Magnifique. Petit pied de poule. Ouais, et encore. Oh, putain, mais il a une gueule, Lisa Razou. Est-ce qu'il a fait l'après un mur, non? Elle est très large, son visage. Ouais, ouais. Il s'est écrasé la tête. Je pense que c'est comment c'est filmé, parce que d'habitude, il n'a pas la gueule aussi dilatée. Ouais. Non, mais là, il a une gueule, mais c'est trop gros. Non, c'est vrai qu'il a une grosse tête. Regardez TF1, regardez. Et Marc Gauthon, à côté, il est tout fort. Ouais. Allez, TF1. Samy, je pense que tu ressembles à Marc Gauthon. Marc Gauthon, en plus, là, avec Lisa Razou, non? Non, c'est fini. Mettez plus la télé, c'est fini. Lisa Razou verra pas. Mais il est rentré dans un mur. Non, je pense qu'il était filmé. Non, mais je pense qu'il est mal filmé. Ou alors sa femme lui a foutu un coup de poil. Ouais, je sais pas. C'est un coup de poil à frire. Ou alors il fait, je sais pas, il fait une allergie à la weed d'Amsterdam. Peut-être. Il y a un truc. Ouais, il a les yeux chelous. Non, mais surtout, mais tout, il est gonflé de la gueule. Ouais, il est c'est gonflé, vrai. Le mec. Il est, Parce qu'hier, il était dans Téléfoot, il avait pas cette gueule-là. Il était moins gonflé. Bah, il était, ouais, il avait sa gueule normale, quoi. Voilà, je l'ai gonflé. Pum, bam, bum. Voilà, je l'ai monté en l'air. Pas crédible, Cédric, tu es claviculé, je rappelle. En fait, non, ouais, là, pas montant, là, non. Là, je pourrais te mettre une baffe dans ta gueule, tu peux pas répliquer, quoi. Non. En gros, je t'ai mis une patate de la main droite. Patate dans la gueule. Tu dis ça, l'animal. Voilà, patate, je te monte en l'air. Ah oui, les coups de pied. Voilà. Tu ferais tellement mal, gros, que je vais te faire mal derrière. Bon, on met les notes pour les bleus aussi, tiens, j'ai pas lancé. Les notes pour les bleus, on fait les notes, on a mis 12,5, la note moyenne de nous, ouais. De vous. Enfin, on a fait un petit mix tout à l'heure, on a fait un sondage express. 12,5 pour la première mi-temps. Combien vous mettez sur l'ensemble du match? Moi, je reste à 13. Tu restes moi à 13. Aussi, je reste à 13. Moi, je monte à 13, du coup. Moi, je monte à 13 aussi. Alors, attends, vous êtes bizarres tous les deux, parce qu'ils étaient à 12 tout à l'heure. Et ouais, mais le foot, c'est pas qu'une mi-temps, gros. Bah, ouais, mais il y a pas eu de but. Il y a pas eu de but. Pourquoi vous mettez moins la première mi-temps avec un but beau de Pogba? C'est plus important de faire 1-0 sur l'ensemble d'un match. Parce que je pense que vous êtes des nazes. En ballon, surtout, tu connais rien, gros. C'est des gros nazes, regarde. On parle pas mal, je regarde téléphone. Mais le plus important, Romano, c'est de gagner 1-0 sur le match, pas sur une mi-temps. Oui, ouais, c'est vrai. Le but, il a quand même été marqué en première mi-temps. Mais moi, j'aime bien quand il y a des buts. Bah, moi aussi, après, je suis comme Romano. Bien joué. Là, moi, je mets 12,5. Voilà. Je fais baisser la note de 13. Ah, bah, je reste à 13. Ouais, je descends à 12. On a gagné. Marie, pareil. À 13, oui. 13 aussi. En plus, les Hollandais, ils ont poussé à la fin, donc ils ont plus eu de mal à France à tenir. C'était plus dur. Justement, donc c'était plus dur à deuxième mi-temps, ils ont eu du mal et vous mettez une meilleure note. Mais non, ils ont tenu. C'est logique. C'est des nazes. Il y a plus d'enjeux dans la deuxième mi-temps. C'est les pucelles du clash, les deux Karim et Samy. Les deux sont vexés. Mais les deux sont le ballon avec Karim. C'est dingue. Ah, moi, je regarde téléfoot. Ah, bah alors, c'est la référence, mon pote. Je me couche. Merci. Je peux rien dire. Merci. Bon, donc voilà un peu de. Je vais remettre les. Un peu de respect en place à tout le monde. Excuse-nous. Les notes du foot. Regardez Christian Jean-Pierre. Excuse-nous. Ah, dans ce cas-là, tu connais tout. On recommence plus. Bon, alors, on fait les fonds d'écran rapide, on fait les familles. Allez, on prend les familles. Mais du double appel, ouais, parce qu'on va galérer. Il ouais. y a l'anus qui frétille, non, puis après, on va galérer pour les joindre. Il est minuit. Non, il est pas minuit. Il est 11h moins quart. Ouais, exactement. Il est minuit moins 1h15, on va dire. Allez, 22h45, clash en direct. Et après, on prendra Noan avec nous, Elder, pendant que vous laissez vos notes pour les bleus. Bilal qui a des conseils pour faire fonctionner une chaîne YouTube, pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne. Montrer sa bite, on nous avait dit tout à l'heure. Ouais, mais YouTube, tu peux pas, ça saute. T'as pas de bite sur YouTube. Non. Et puis j'aime pas le cul YouTube. Et puis attends, juste la réponse à la question foot. Ouais. Allez, pendant qu'on prépare les familles du double appel, pendant que tu te prépares Cédric avec ta superbe méthode. On est en train de charger le standard là. Comment Cédric ? Du clash de la drague. Bah, c'est ce qu'a dit Diffoul. J'ai dit quoi ? T'as dit double appel. Non, t'as dit clash de la drague. Ah, merci Romain. Quel mytho, tu l'as, super. C'est hallucinant de répondre. Ah, c'est toi qui suis des tubs. Ouais. À force de prendre de la morphine. Ça y est, ça commence. Bon, alors Ali est avec nous en direct. Allô Ali. Allô. Bonjour Ali. Salut Ali. Comment tu vas Ali? Coucou. Ça va très bien et vous? Ah, je vois que t'es lyonnais toi. Ça va Ali, bien. Mais t'es un mec ou une fille? Ouais. C'est un mec. Un mec. Bah oui. Ah non, mais il y a des Ali filles. Bah oui, Alison, Ali. Ouais. Bah là c'est Ali. Ali McBeal. Ah ouais, exact. Voilà, c'est Ali de Lyon. Alors Ali, ouais. Qu'est-ce que t'as écouté ce matin, toi? Un entraîneur norvégien. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Zlatan et Ronaldo et même d'autres joueurs? Mais Zlatan... C'est un peu le savant fou, le mec. Oui, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Ouais. Il veut prendre leur sperme. Eh oui, il veut prendre le sperme de Ronaldo et d'Ibra. Donc c'est une équipe de Norvège, il est entraîneur, il s'appelle Ole Vidar Tunslund. Un nom merde, simple. Hein. Ah, quand même un nom de merde, lui. Hein. Entraîneur de l'équipe de Nordstrand, okay, en, ouais. Nordstrand en Norvège. Et donc, lui, il veut récupérer le sperme de Ronaldo, d'Ibra et même d'autres grands joueurs de foot. Et non, pas les mélanger. Il veut les mettre dans les femmes des joueurs de son équipe actuelle. Ah ouais. Inséminer les femmes. Leur faire faire un gosse et dans 20 ans, il a la meilleure équipe du monde. Ah, pas mal, ouais. Voilà, donc le mec est complètement amoché. Mais je pense que ça marche pas comme ça. Ben écoute, pour l'instant, Zlatan et Ronaldo n'ont toujours pas répondu. Ce matin, ils n'avaient pas répondu, ce soir non plus. Mais tu gagnes FIFA 17, Ali. Bravo. Est-ce que je peux plutôt avoir un maillot, s'il vous plaît? Tu veux un maillot de quoi, alors? Real, je veux bien Real. Ouais, ça va. Du Real de Madrid, allez, on va te faire un maillot du Real, alors. Mais tu as le droit de vendre ton sperme? Parce que s'il veut se faire de l'oseille, Ronaldo, par exemple, il vend son sperme. Dans certains pays, ouais. En France, t'as pas le droit. En Belgique, ça se vend, le sperme. Dans certains pays, en fait, il faut voir la législation du pays. Mais je sais que ça se vend en Belgique, parce que Romano, il avait appelé pour vendre son... Ouais, les banques du sperme, parce que là-bas, ils en manquaient, ouais. T'avais appelé pour le conseil pas cher. Ouais, il s'était branlé toute la nuit, il avait récupéré une petite fiole et il voulait le vendre. Et il l'a vendu. Bah ouais, je l'ai vendu, mais c'est vrai qu'il a bu entre temps, j'ai pas pu le rendre. Ah merde. Il s'est assoiffé. Ah ouais, Cédric, pourquoi tu as bu le sperme? Voilà, j'avais cru que c'était du lait. Du yaourt. Il s'est assoiffé. C'était trop bon, ça. Ah ouais, un régal. Oh, j'adore. C'est Marie qui le dit, ça. J'adore. Bah écoute, je sais pas moi. Moi aussi j'adore. Non. Bon, aimerais goûter le sperme de Cédric. Arrête. Bah non mais bon. Attends. Il est bien collant comme t'as. T'as le droit d'avoir du désir, Marie. Non, Cédric, il a du sperme jaune. Pas de désir. Comme lui, jaune marron, non. Jaune marron. Non, dégueulasse. Vous avez dit, on avait parlé dans l'émission de son sperme, vous avez dit. Ouais, des grumeaux. Bon, alors. Il est tellement excité. Non, tu ne peux pas parler, Cédric. Je vois que tu bouges, mais tu n'es pas à l'antenne. Énerve-toi tout seul. L'enfoiré. Non, il y a le sperme marron. Il fallait être là. Tu sais. Allez, c'est parti. On t'envoie ton maillot du Real à la maison. Merci. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, fais ta dédicace et nous, on va faire le double appel. Le clash. Tu vois, Cédric, tu me fais me tromper, dis donc. T'es vraiment con, Cédric. Bien sûr. Bah si, c'est ta faute. Alors, c'est parti. Big up à vous. C'est gentil. Merci, allez. Après, Gos, pensez à Momo et tous ceux qui m'ont reconnu et aussi un gros... Enfin, une dédicace au collège Pertani. Eh ben, t'es sympa, Ali, on t'embrasse. Et salut, bravo, Ali. Ton maillot de foot. Bon, on offrira un autre FIFA avant minuit, là. Ah, ouais. Romano, d'ailleurs, t'as une question à poser. À propos de Zlatan. Encore? Eh ouais. Mais ce Zlatan, alors. Mais il ne nous quitte pas. Il ne nous quittera jamais. Nu. Zlatan, tu es toujours. Moi, je l'aime bien, Zlatan, il me fait rire. Nu. Tu es le bienvenu à Skyrock, Zlatan. Merci, Skyrock. Voilà. Merci, Skyrock. Très bien. Oui, merci, Marie, pour l'imitation. Tu l'imites super, Marie. Vraiment. C'est Marie Conteloup. Elle imite bien. Je fais bien, non? Ah, grave, vas-y, de rien. Oh, bah, dis donc, ouais. Mais Zlatan, tu es là, non? Eh oui. Zlatan is the best. Zlatan is the best. Marie, un conseil. Les imitations. Arrête, ouais, c'est pas mon truc. Arrête. Stop tout. Merci, Romano. Ouais, je m'en doute. De rien. Bon, autre question foot avant minuit. Et avant minuit, bon, il va se passer plein de choses. Comment faire fonctionner une chaîne YouTube? Ok, on va gérer ça. Vos fonds d'écran aussi. Ouais, super. Ah oui, oui, oui. Vous envoyez, là. Alors, les fonds d'écran d'équipe de foot, il y a des fonds d'écran de paysage. Bah, il y a Ben du 59, lui, c'est le LOSC. Les fonds d'écran de moi et ma meuf quand on s'embrasse, c'est le message de Kirito, 15 ans. Salut Kirito. Moi, une équipe de foot américain. Tu vois, des trucs originaux, féminins. C'est le message de Ramdam, 18 ans. L'équipe de Sky pour Joachim. Ah, c'est gentil. C'est gentil, Joachim. Le drapeau Kabyle pour Hugo, 18 ans. Moi et mon chien pour Trèfle du 69. T'as des chiens, j'en ai plein. Des chiens, des chats. Exceptionnel. Ah ouais, normal. Moi, j'avais mis une photo de femme à poil, mais ma mère m'a engueulé. Bah oui, non mais ça oui. Ah bah ouais, tu poses ça sur si une table. T'as mis un truc porno, ouais. Tu m'étonnes que ta mère elle est bloquée. Ouais, imagine, c'est normal, ouais. T'as une meuf, jambes écartées, et là tu as posé ton téléphone sur la table, puis un de tes potes qui t'appelle. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ça m'est arrivé une fois avec une copine. En fait, j'avais son cul en photo, tu sais, pour l'appel. Oh. Tu sais, j'ai ah, quand mis la photo. Tu vois, quand je m'appelais. Et comment t'as fait une photo de son cul? J'étais en partouze. Non, bah non, mais on était en soirée, voilà. En partouze. En soirée partouze, oui, d'accord. Et du coup, il y a son cul qui s'affiche quand elle m'appelle. Et j'étais à table avec mon père, en fait, au resto. Et il y a le truc qui s'affiche. Et mon père a hurlé de rire. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je lui dis, je te dirai pas le cul de qui c'est, parce que forcément c'est une copine à moi. Et ton père t'a répondu, sinon je l'aurais bien baisé, cette non, non, petite. S'il te plaît. Hein? Non, après je lui ai dit, il était mort de rire. Très mais bien. Bon, j'étais mal à l'aise au départ. Ouais, il y en a qui peuvent moins bien le prendre que ça. C'est quand ça. Même. Moi j'aimerais bien un zoom de la chatte à Marie pour. Non, problème, je vais lancer un kit. La ouais, PA 26 ans, TMZ, moi et ma meuf, on a plein des couples hein, aussi qui se mettent en fond d'écran. C'est marrant d'ailleurs quand tu vas sur les. Sur le. Je sais pas, sur le WhatsApp, le Facebook de. Et que tu vois les photos. Ouais. Quand les couples se séparent, tu vois. T'as deux. Ça change. Ouais, c'est vrai, ouais. Déjà, les photos qui disparaissent bizarrement. Bah, ouais. Bizarrement, ouais. Quand ta photo de profil, c'est toi et ta meuf, et qu'après, c'est plus que toi tout seul. Ouais, ouais. C'est qu'il y a un truc. Ça y est, c'est mauvais signe. Les autres, ils peuvent se douter de quelque chose. Mon fils en fond d'écran nous dit Ophélie, 22 ans. Normal. Salut à toi, Ophélie. Moi, je n'ai pas de fond d'écran, car je n'ai pas de téléphone. Linux du 59. La photo de la femme que j'aime. Pour Rui du 85, concert d'Eminem en fond d'écran, photo de son concert pour Chris. Bon, on vient au fond d'écran, allez, on est prêt là. Ouais, on est prêt. Cédric d'un côté. Le standard est chargé. Moi, je suis prêt. Romano c'est de bon. L'autre. C'est bon. Et les familles au milieu de tout ça, c'est parti, le clash de la drague. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Attention. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Alors, c'est Romano le petit charcutier ce soir. Ouais, c'est ça, moi j'ai fait du boudin à l'effigie de la femme. Oui, en fait, tu as fait un boudin et tu veux lui donner le nom de la femme qu'on va appeler. Ouais, c'est ça, c'est, je trouve ça beau. C'est assez mignon. Imagine, on te propose ça, je sais pas, Difoul. Le boudin Difoul. Non, mais imagine, il y a une. Ah, marque. J'entends un gros boudin qui rigole. Qui c'est? Ah, Cédric! Non, mais honnêtement, dans l'équipe, il y a une marque, elle vous appelle, elle dit bon, voilà, bonjour, on est la Boudin Compagnie. La Boudin Compagnie. C'est la compagnie qui fait des boudins. Et on vous donne 10 000 euros pour que vous soyez l'effigie de la marque. C'est-à-dire qu'on vous met sur nos camions. Ah non, 10 000 euros, comment ça? Mais jamais de la vie. 10 000 euros, tu tapes là. 10 000 euros, non, jamais. Karim, tu le ferais? Pour 10 000 euros, non, t'es fou, quoi. 100 000. Eh, Karim, 100 000, ouais. Tu préfères ces boudins compagnie ou genre un truc, tu sais, cochonou? Cochonou. Pour 100 000 euros, gros, cochonou, boudin. Mais boudin, c'est pareil, le boudin, ce que tu veux, gros. Le boudin, c'est du sang de porc, hein. Ah ouais, ouais. Ah bon, puis les intestins de porc. Ah, je savais pas que c'était du sang de porc. Donc, boudin compagnie. Ah si, c'est du sang coagulé. Ça, je savais que c'était du sang coagulé, mais je pensais pas que c'était de porc. Et le truc, la membrane autour, c'est l'intestin. Exactement. Le boudin Karim. Avec un petit groin. Pas mal. Cédric est jaloux. Non, moi, je suis un gros boudin. Ah, moi, je ferais des gros boudins bien gros. Non, je te jure, ça va aller tranquille. Donc, on est les charcutiers, toi, t'es touriste, c'est ça? C'est ça, ouais, je suis le touriste. Hein. Ouais. Là, il faudrait le département de là où on va. Oh, tu fais chier le monde, on les a pas les départements. C'est non, c'est là, j'ai pas. On va en France. On va en France. On va dans le 76 et autour. Voilà. Mais c'est peut-être pas dans le 76. C'est la Normandie, allez. À vue de nez, comme et ça. Et on va chez qui? C'est quoi? Je parle prénom, moi. Le mec va se retrouver à Lyon. Ouais, tu vas voir. On va chez Laurent. Allez. Allô. Allô, bonsoir, c'est la femme de Laurent? Oui. Oui, comment vas-tu, ma belle? Oui. Ça va, nickel. Dis-moi, je t'appelle parce que je suis en vacances, là, dans la région, là. Et j'aimerais bien faire l'amour avec une femme de la région, parce que j'ai jamais fait, je voulais connaître un petit peu. J'aurais aimé te faire l'amour ce soir, ma chérie. Elle s'est barrée, t'as raccroché la gueule, Cédric, hein, comme ça. Le touriste, il va galérer. Il va dormir dans sa bagnole comme un connard. Eh bien, le touriste est un petit peu en galère pour l'instant. On fera un deuxième tour, je te rassure. Bah, il vaut mieux, hein, sinon il va dormir à la belle étoile. D'ailleurs, j'annonce tout de suite, pour pas avoir de réclamation après, on ne fait que deux tours. Ah, pourquoi? Parce que je l'annonce. De toute façon, Romano, tu es tellement fort au clash de ouais, la mais drague. J'aime bien parler aux familles, moi. Que tu devrais y arriver du premier coup. Oui. Ouais, mais bon, j'aime bien parler aux familles. Ouais, mais moi. Prendre des nouvelles, tout ça. Mais moi aussi, j'aime bien. Si connaître leur vie. C'est sympa, les gens, ouais. C'est qui, là? C'est Bruno, mais il répond pas à Bruno. Bon, bah, on va passer à un autre. Allez, on passe à un autre au cas où. On appelle de la fois si Bruno répond. Vous êtes bien chez Bruno. On est bien chez Bruno. Ah. Allô? Bon, ça fait deux fois que t'appelles. Eh, hop, ça hop, fait hop. Deux fois que tu te trompes de numéro. Non, je me trompe pas de numéro, c'est toi que je voulais appeler. Allô? C'est qui, là? C'est Jean-Louis, le charcutier à l'appareil. Et en fait, je t'explique. J'ai vu ta femme, j'ai été inspiré et j'ai fait un boudin pour lui rendre hommage. Est-ce que je pourrais passer à la maison ce soir avec le boudin pour faire une photo avec ta femme? Et mon poing dans ta gueule, tu le veux, connard? Bah écoute, sinon moi j'avais prévu de niquer ta femme derrière le boudin. Putain, je me tâte si je prends pas un rappel sur lui. T'as le droit. Je prends un rappel. T'as raison. Ouais, attention, il y a que deux tours. Ouais, je prends un rappel maintenant. Romano, prends un rappel. Cédric, je note un rappel pour toi dans le deuxième tour. Ouais, ouais, pas de problème. Pas mal. Et ma main dans ta gueule. J'adore la punchline. Allô? Eh, écoute, fils de pute. Ouais, mais c'est à couper, donc je viens ou pas? Parce que bon, il faudrait que je sache, moi, à un moment donné. Écoute, fils de pute. Oui. Continue, je te dépouille la gueule. Bah, moi, je vais venir, là. Puis je pense que tu vas moins faire le malin en me voyant. Est-ce que, bon, est-ce que tu reprends un appel? Ouais, mais bon, Attends, l'appeler combien de fois avant pour le tester? Attends, là, une fois pour le tester juste. Une fois? Ouais. Deux fois, trois fois. On peut, t'as un dernier. C'est bon. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez, envoie. Allez, t'auras même deux rappels, Cédric. Ouais, c'est quoi ces rappels à gogo, là? C'est, bah, c'est mais il est sympa, le mec. Bah oui, il est sympa. Mais j'espère prénom, surtout qu'il va répondre. Autre chose que fils de pute. C'est quoi son. C'est le mec de Christelle. Ouais, mais le mec, il veut plus décrocher. Pourquoi? Je veux la battre. Il est vénère. Bah, mais non, il est pas vénère. Le mec, il est en train de se chier dessus. Oh, bah, évidemment, on va parler. Allô? T'as pas compris, espèce d'enquête. Bah, attends, c'est bon, t'excites pas. Christelle, on la connaît tous, hein. Elle est sympa. Voilà, elle est pas farouche, hein. Mais comment tu sais qu'elle s'appelle Christelle? Ah, bah, parce que je sais tout, mec, parce que je me la suis tapée déjà. Easy. Et, donc, je viens avec le boudin ou pas? Allô? Quoi, c'est délire? C'est quoi, ça? Allô? Allô? Allô, chérie? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, le charcutier. Oh. Jean-Louis Charcutier? Le Jean-Louis Charcutier, ma belle! J'ai fait un boudin pour te rendre hommage, tu m'as inspiré. Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais comme. Mais il fait quoi comme connerie là? Et qu'est-ce que tu me fais là? Ben, je voulais venir vous voir là! Attends. T'as sauté, non? Mais calme-toi. Mais non, c'était pour rire. Eric. Allô? Mais oui. Non, mais en fait, j'explique. Moi, je suis charcutier. Mais non, mais je me la suis pas tapé. Je comptais le faire ce soir. Avec toi aussi, hein? Ah, bien sûr, je comptais faire un plan à trois. Et Jean-Louis, qu'est-ce qui t'arrive là? Bah écoute, j'ai picolé un peu. Oui, bah pas qu'un peu, tu dois être plein comme un boudin et je sais pas qui c'est qui rigole derrière toi. Oh bah c'est un collègue. Attends, on sortait du bulot et puis je me suis dit tiens, on va aller boire quelques canons. On peut passer à la maison. Et puis on va appeler la Christelle, tiens, pour lui faire une blagounette au téléphone. Bon, Jean-Louis, une blagounette au téléphone. Oh, il est nerveux. À 11h. Oh, à 11h. Alors que je travaille. Oh bah attends, eh, ça va, on en a vu d'autres, hein. Sacre bleu. Puis à la voix que t'as pas dû sucer que de la glace ce soir. Ouais. Hein? Hein, Christelle? Non mais. On a chopiné un peu ce soir aussi. Non mais attends, Jean-Louis, tu te rends compte de ce que tu me racontes là? Mais c'est l'alcool, folle. Bon, de toute façon. Il y a quelqu'un là. Oui, il y a quelqu'un qui. Bon, d'Ivoire, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter mon copain là et je vais vous rejoindre chez vous à la maison. Parce que t'es où là? Au bistrot là, d'à côté, au café des sports là. Il nous fout dehors là. Là, ça ferme, j'arrive tout seul. Ah, il est 11h, ça ferme le bistrot. J'arrive avec la biroute à la main là. Non mais Jean-Louis, tu veux que je téléphone à Yann pour qu'il écoute ce que t'entends là? Non, déconne pas. Elle appelle pas. Non. Non, Christelle, s'il te plaît, n'appelle pas. Bon, ce que je fais, c'est que je viens, j'amène le bout de boudin, tu fais une photo avec, et puis après, si on se sent bien, ben, je caresserai un peu le sexe de ton mec. Jean-Louis, je te préviens, j'appelle Yann tout de suite. Non, Yann. Non, pas Yann, je t'en supplie. Mais Tu vas trop loin. Non, mais ton. Oh non, attends, sois sympa quand même. Non, mais ton mec, je lui caresse la nouille vite fait. Ah, vite fait, entre nous. Allez, Bon, attends, quitte pas, prends-le, Samy. Repasse-moi voir le mec, là. Tu veux le mec, toi? Repasse-moi, machin. Appelle Yann. Dépouiller la gueule. Hey, vas-y. Machin, reprends dans le téléphone. Bidule. Je te préviens tout de suite, j'appelle Yann. Non, mais j'ai envie de lui. Moi, j'ai envie de lui caresser la nouille, moi. Ouais, vas-y. Arrête, Jean-Louis, t'as suffi. Crie pas. Dis donc. Je te dis un truc. Stop. Eric, il t'entend, là. Eric, il t'entend là-haut. Tu crois qu'il doit être fier de toi, là? Ah bah ça va, on a bu un coup, c'est pas... Oh, on a juste bu un petit coup. C'est lundi, on vient reprendre le boulot. Samy, reprends-la, explique-lui quand même. Bon, il va y avoir un drame dans la famille. Bravo, Romano. Alors là, vraiment... Bon courage, Samy, hein. Samy est fini. Ah, le t'es la pété de Joey. T'as suffi, Yann. Bon, tu lui dis que c'est pas. Non, non, mais y a pas. Je pense qu'on a fait l'erreur de numéro. Bah, bien sûr. Ça l'est rendu compte un peu tard. Ouais, tu dis, c'était pas le bon. Bon, en fait. dans un instant. Et voilà, bonne Christelle. On met la pub, on revient juste derrière. Tout de suite après la pub, avec les résultats. Ah non, pas le clash, t'as encore un appel, Cédric. Ah, bah, et deux rappels. Et deux ou trois rappels. Deux. Deux rappels derrière. C'est noté, Cédric, fini le clash de la drague et vous pourrez voter. Attention, on est en plein clash, c'est la folie. Vous aurez la note des bleus aussi, la note que vous avez laissée. On se fera du PNL dans une demi-heure. On écoutera du Drake tout à l'heure, du Travis Scott pour finir la soirée. Et attention, attention, à n'importe quel moment, tout peut arriver. Vous tous aussi en direct, vous pouvez arriver sur Sky. 41759 et l'appli, vous laissez vos messages, vos numéros et on arrive. Dans le morning de Diffoul sur Skyrock, on t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock. Eh ben c'est gagné. Bravo. C'est gagné, Fabien. Ouais, Fabien. Bravo, Fabien. On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une. Une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. De les 200 €, n'en parle plus. Eh ben tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui me Soprano? Soprambaba. Non mais vous êtes un des tranquilles ou quoi? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le morning de Diffoul tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. Envie de t'engager, de vivre une expérience au service des autres? Rejoins le service civique et trouve une mission à ta mesure. Le service civique, une mission pour chacun, au service de tous. Après, par exemple, avoir fait une certaine période de service civique, je voulais savoir déjà ce que ça pouvait nous apporter. C'est une expérience et ça peut être l'occasion de la découverte d'un milieu professionnel. Mais ça peut être une expérience plus large. D'une manière générale, ce que nous disent les jeunes volontaires, c'est un moment où on a estimé qu'ils étaient capables de mener à bien une action, de prendre des responsabilités et donc ils sortent de là beaucoup plus sur deux, notamment pour affronter le marché du travail. C'est là que l'expérience acquise, l'enrichissement est la plus frappante pour eux. Le service civique propose des missions toute l'année aux volontaires entre 16 et 25 ans. Plus d'infos sur service-civique.gouv.fr. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1 Tera Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur Micromania.fr sous condition de réservation. Skyrock. Eh hey. Oh. Eh hey oh. Tu m'entends de l'autre côté du poste? Eh hey, fais pas semblant de pas m'entendre. Oui, je m'adresse à toi, mec, nana, célibataire. Lâche tout et télécharge Smax. S-M-A-X. Smax maintenant pour faire de nouvelles rencontres. En plus, avec tes photos de cet été et ton super bronzage, je suis sûre que tu vas faire un carton sur Smax. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW. Jusqu'au 25 novembre, profitez de l'expertise du réseau après-vente BMW à prix préférentiel sur les pièces de freinage, la vidange et les balais d'essuie-glace. L'entretien de votre BMW mérite un expert BMW. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 25 novembre sur une sélection de modèles chez les réparateurs agréés BMW ou sur BMW.fr. Allez, c'est reparti tout de suite, on est en plein clash. Skyrock, Romano. Excuse-moi de te déranger, man. T'aurais pas un petit. J'ai des kilos, moi. Diffoul. Tu racontes. Cédric. Ta gueule, Cédric, t'es pénible. Mais quoi, ta gueule? Mais c'est quoi ta gueule? Il est fou. Oh là. Le mec, il respecte même pas les règles, c'est un fou, lui. Marie. Bon, bah, c'est la folie, quoi. Samy. Ah ouais, en Allemagne, j'ai même pas, je coupe les données, je suis en 3G normal. Et Karim. Non, moi, je suis un arabe sexy, gros, donc. Diffoul Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Mais une équipe sexy hein, tous les soirs. À mort. À mort, à mort. Cédric, toujours en direct de tes toilettes ou t'es sorti? Non, je suis sorti. Ah bah t'as l'air, ouais, tiens. Ouais, t'as l'air. Il est en train de pousser là. Oh, je suis sorti. Ouais. Ah non, ça sort. Je dirais que si t'es sorti, retourne-y parce que là tu vas chier par terre. T'es en train de chier par terre ou sur ton canapé, Cédric? Fais attention. Dans ton lit, je sais pas où t'es là d'ailleurs. Non, là je suis dans mon lit là. Dégueulasse. Un verre de grenadine. Un verre de grenadine. C'est bien pour le poids ça. Ah oui, c'est bourré de sucre, oui. Ah mais ça passe bien ça. Cédric, ouais, ça va, il y a pire. C'est quoi, c'est du truc à diluer, la Tesser? Ouais, caissière. Ah, c'est bon ça. J'adore ma grenadine. C'est bien Romano. Un point commun de plus avec Cédric. En plus de votre beauté et de votre charme. Ah non mais Daniel, ta gueule. Attends, je me trouve vachement plus beau que lui. Lui c'est un monstre. Bon alors Cédric, on m'a dit que tu faisais du boudin au téléphone parce que t'avais trouvé excellent le coup de fil de Romano juste avant. Et, voilà. Et d'ailleurs le nombre de messages qu'on a reçus, c'est un truc de fou. Hein. Non mais je vois pas pourquoi le mec il a un rappel. Bah parce que j'ai le droit, tu sais, t'en prends jamais, t'es de con. Drôle, gros. T'en auras des rappels, Cédric. Des rappels, bah faut attends, t'es toutefois toute une hein. D'accord. T'as vu les restes pour la fin. Alors poète. Ça va bien. Regarde, tu veux que je te lise des messages ou tu les veux pas? Alors Xobite. Tu veux pas que je te lise le message de Xuev qui nous dit trop fort ou le message de Vince qui nous fait il est mythique, le meilleur depuis un bout de temps pour le clash de la drague. Elle était pour mal, Olive. Ouais. Olive 30 ans. Meilleur clash de la drague pour Maëlle. Mythique ce double. La famille était exceptionnelle aussi. Mythique ce coup de fil. Tout est grâce à eux. J'en pleure de rire. Cédric, ça sonne pour toi. Allez, le Belge. Tu arrêtes, Jean-Louis. J'appelle Yohan. C'est Bruno. On appelle Bruno pour toi. Allez, vas-y. Il est vers où? Il est vers où? Mais on n'en sait rien, Cédric. Mais tu nous casses les couilles à poser des questions. Mais j'ai besoin de savoir, moi. Mais on en sait rien. Il est en Rouen. Vers Rouen. Hein? En Normandie. Ah, c'est ça, bien sûr. Oui. Bonjour. Voilà, de toute façon, il veut pas te parler, Cédric. Ah, tu veux que je continue les messages? Le meilleur clash pour Toto, 14 ans. Une bombe, le clash de la drague, mort de rire pour le poteau. Romano, mais tu es un génie. Ouf. J'arrête pas. Du 72, Louison, Cédric, 16 ans, qui te dit que t'es un génie. Quel tir au cul, pourquoi il dit ça? Bah alors, Cédric, putain. Tu lis des messages intéressants, Cédric. Allô? Allô, on est chez qui? Allô? Allô? Allô? Gérard. Ouais, bonsoir, c'est la femme de Gérard? Oui. Comment ça va, ma belle? À l'air commode. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Alors? Ah ben, ce travail-là, je t'explique, ma chérie. Je voulais venir te voir ce soir. Ferme ta gueule et puis va te coucher. Attends, ça va, oui? Allô? Et voilà. Rappelle-la. Bon, bah voilà. Bon, t'as ton rappel, Cédric. T'en as même deux. Vas-y, rappelle-la, ben, je vais la rappeler deux fois. Bah, tu as bien raison, Cédric. Allez. On va voir ce que ça va donner. Pareil qu'elle va pas répondre. Ça, à mon avis, ça va pas donner grand-chose, Marie, pour répondre à ta question. Mais il faut lui faire plaisir. Il n'est pas tout à fait comme nous. Non. Ouais, ta gueule, toi. Et après, on lance les votes. Hein. Parce que vous avez dit que ça vous a plu tout à l'heure, mais il va falloir voter maintenant. Parce que tout peut arriver, vous le savez. Putain, pour ce que j'ai. Cédric, un mec pas comme les autres. Ouais. Oula. Ah, comment ça va, Gérard? Hein? Ça va, tu vas bien? Je comprends pas le bouilloule, ta gueule. Bah, je parlais avec ta femme il y a deux secondes, là. Et voilà, mais là, tu parles avec plus personne, malheureusement. En tout cas, il y a un truc qui connaît pas la crise en France, c'est l'alcool. Parce que si bien la famille que j'ai eue et la tienne, ils ont quand même, ils ont l'air bien avinés. Tu as encore un rappel? Non, mais là, les deux, ils sont ronflés comme dit que de faire. Un mec, c'est incompréhensible ce qu'il dit. Là, ta gueule. Non, mais là, je sens bien que s'il décroche, il va être à bout de l'air, là. Non, mais je crois qu'il l'était avant. Non, mais le but, c'est de séduire, Cédric. Ou alors, il est mort sous. Enfin, Romano, il a rien séduit du tout. Il a une invitation, Arrête. Allô, allô. Allô, Gérard. Oui, bon, bah écoutez, vous arrêtez, sinon j'appelle la police. Ah, bah voilà. Je voulais venir à la maison, madame. Oui, vous n'allez pas venir chez moi, j'appelle la police. Ah, je voulais voir Gérard, moi. Bah, passe-moi Gérard, ma chérie. Non, j'appelle la police. Voilà. Ah bah, je vais venir à la maison. Non, je là, la comment maison. Ça se termine? J'appelle la police. Le mec, Cédric, qui gâche l'ambiance. Bravo. Tout se passait bien. Et là, il nous appelle les keufs. Ouais. Allez, top. Bravo, Cédric. Ah, pourquoi putain de merde? Vous votez, c'est parti. 41 7 5 9, skyrock.fm et l'appli Skyrock. Romano, déclaration pour toi. Eh bien ce soir, mes amours, faut voter Romano, R-O-M-A-N-O. Magnifique famille, Christelle et son mari qu'on a eu en ligne. Enfin, je suis invité, tout va bien. Elle a pété quand un câble. Ça, tu fais des, il fait des yeux de séducteur. Il me regarde et ouais, il c'est a des vrai, yeux ouais. Non mais j'ai mal aux yeux un peu. Non, ah c'est moi. C'est ma beauté. Non, c'est la lumière. Ça te brûle. Je t'ai pas la lumière de ce t'éblouis. Studio. Je t'éblouis, Romano. Ça doit être ça, tu m'éblouis par ta beauté. Pour raconter un petit peu avec Romano, on a un différent dans l'équipe. Ah ouais, des tocs même. C'est-à-dire que moi, il faut que la lumière, elle soit à fond. Au-dessus de moi, parce qu'on a des lampes. On a quatre lampes. Une lampe au-dessus de Marie, une autre au-dessus de Samy et moi. Ça tombe bien, avec Diffoul, on est d'accord pour la même lumière. Nous, on veut de la lumière à Londres. Et Romano, lui, il veut faire l'émission dans le noir. Non, c'est pas ça. Mais toi, c'est éteint, gros. Ouais, mais parce que je vais te dire pourquoi. Vous voyez la lumière qui est chez les dentistes? C'est les mêmes qu'on a. Moi, ça, je supporte pas, ça m'abîme ma rétine. C'est vrai, c'est vrai que t'as une phobie des dentistes, donc on m'a arraché 13 dents. Ouais, et puis il y en a deux qui sont en suspens là. Tu vois, nous on n'a pas ça avec Samy, la phobie des dentistes. Ah ouais, non. Non, mais je te dis, ces lampes, elles sont pas agréables. Ouais. Elles sont pas vilaines, divines. Bah, c'est de la lumière blanche en fait. Ouais, moi j'aime pas. Et puis chez moi, j'aime bien, pour faire des économies, je suis dans la pénombre. Voir dans le noir. Et donc voilà la déclaration. Bon, faut voter Romano ce soir, de toute façon Cédric n'a rien fait. Ce soir, moi, magnifique famille, magnifique serrage, envoyez Romano, R-O-M-A-N-O. I love you. Et Cédric, ta déclaration. Ce soir, n'écoutez pas Romano, il dit que c'est de la merde, il l'a pas serré, c'est juste fait jeter en l'air. Faites comme le père, votez Cédric ce soir, Cédric, t'es saboté. Tu captes non. mal le Belge, hein. Non, ça passe mal, c'est la radio. Bizarre, ça. Tu passes sur un tunnel, Cédric. T'es saboté. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. Non, mais c'est pas bien, Romano. Non, mais il y a un problème technique, hein, Romano. Bah, attends, non, mais Marie, j'ai les mains en l'air. Ouais, genre je t'ai pas vu, tiens. J'ai les mains en l'air. T'appuies avec ta bite sur les boutons. C'est ça, ouais. Vas-y, parle vite, Cédric, il va recommencer. Allez, top vote jusqu'à 23h15, vous votez. Il est 23h11, il vous reste 4 minutes pour voter. Votez Romano. Moi, je vote pour Romano et son nouveau copain, Yann. Ouais, Yann et sa femme, Christelle. Christelle. Bon, allez, votez pour qui vous voulez. Votez Romano, mes amours, je compte sur vous. C'est plus simple, la famille. 4 minutes pour voter en direct et on te retrouve Cédric pour les résultats du clash de la drague. Les résultats des Bleus, tiens, on va vous donner le résultat du match, c'est 1-0, ça vous le savez, si vous avez suivi l'émission. Les Pays-Bas. Et on va vous donner la note que vous avez mis aux Bleus. Alors, en première mi-temps, 12,5. Moi, j'ai baissé un peu ma note en deuxième mi-temps, on va voir si vous la baissez ou si vous la montez. Samy et Karim, ils font semblant d'y croire en foot, d'y s'y connaître en foot, ils s'y croient un peu. Donc eux, ils sont Ils font n'importe quoi. Non, mais j'étais en train de lire une interview de Deschamps après match, même lui, il a reconnu que c'était pas un super match. Hein. Ah, vous les avez montés un petit peu, nous on les a descendus les autres. Non, nous on est resté pareil. Ah ouais, Romano et Marie. Ouais, moi je suis resté à 13, ouais. Bon, votre note pour les Bleus, la question FIFA aussi, avant minuit, on offre un autre FIFA, et puis on était sur les fonds d'écran, on va voir ça là. On a perdu, il est où d'ailleurs, Bilal, il est là. Bilal, t'es là? Ah, Bilal. Ouais. Ouais, Bilal. Ah, c'est le professionnel de YouTube? Oui, on vous a demandé tout à l'heure, c'est François qui a 20 followers sur sa chaîne YouTube. Ouais, c'est pas énorme. Il fait une chaîne YouTube sur des jeux, Minecraft, tout ça. Et donc, mais c'est chelou parce que je demandais pourquoi il y avait que 20 personnes. Juste avec tes potes ou avec tes connaissances, déjà, je sais pas, t'es au moins 50-100, quoi, non? Bah, oui, faut que tous tes potes viennent te voir. Après, il y en a peut-être qui en ont rien à foutre, hein, de Minecraft. Oui, non, mais bon, moi, je sais pas, Ah, t'as un pote qui fait un truc, ouais, tu vas voir. Ouais, voilà, tu, même si tu vas voir qu'une fois, tu likes son truc, quoi, et tu le suis, quoi. Donc, comment faire pour avoir une chaîne YouTube qui cartonne? Si vous avez vos chaînes YouTube et qu'elles cartonnent, n'hésitez pas à nous donner des conseils. Toi, Bilal, t'avais une petite idée là-dessus, hein. Ouais. Ouais. Ton fond d'écran, c'est quoi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Vous avez quoi en fond d'écran sur votre téléphone? Moi, c'est un fond d'écran abstrait. Abstrait. C'est-à-dire, t'as pris un fond d'écran de l'iPhone ou de ton portable ou du Samsung? Ouais, un truc comme ça. T'as quoi comme téléphone? Un iPhone. Un iPhone, lequel? Ah oui, alors attendez, bougez pas, parce que j'ai un bon conseil si vous voulez gagner plein de trucs. Ah, c'est vrai ça. T'as quoi comme, comme iPhone? iPhone 5C. Eh, pas bon, pas bon. Il faut avoir l'iPhone 2G. Parce que ce matin, on vous donnait le conseil. On a fait... Ah oui? Eh oui. T'as entendu ce matin? L'iPhone. Ah, mais à bloc. Ah ouais, non. T'en as un? Ouais, j'en ai un. Ah, tu sais combien tu peux te faire? Ah ouais, non, c'est vrai, je sais pas. Entre 750 euros. Si, si, plus qu'un iPhone 7. Ah, parce que c'est une collection. Entre 750 euros et 8000, attends. 500 et quelques. 8500 dollars, ça a été vendu le plus cher. Mais t'es sûr, parce que sur le bon coin, j'avais regardé, il y a encore genre 6 mois, ça valait rien. Tu vas sur eBay et il y a des mecs qui font des collections de ces vieux téléphones. Moi, je crois que j'en ai un aussi. Moi, j'ai même le tout premier iPhone. Donc, vous avez l'iPhone 2G. Comment? Putain, moi, je me suis mis un pied. Très très rond les bords. Mais il faisait pas internet. Il y avait pas de 3G ni rien. Il faisait que du wifi et la puce téléphonique. Ça coûte combien, t'as dit? Tu peux le vendre sur eBay. Sur eBay que les mecs ont vendu les ça. Les graphiques sont trop moches, gros. Mais tu imagines, tu vends bien cher. C'est trop laid. Entre 750 euros et 8500 dollars. Et c'était 4 gigas, je crois, le premier. Non ouais, putain, moi je l'ai prêté à un pote, il me l'a jamais rendu. C'est normal, il l'a vendu, Marie. Il nous écoute et il le vend. C'est lui qui l'a vendu, 8500 dollars. Doudou ramène le bordel. Comme quoi, il faut garder les vieux trucs. Moi je garde tout. Ouais, c'est clair. Là, on arrête pas de me faire chier avec ça parce que je garde tout. Mais et les vieux Nokia, tout ça, ça marche pas? Non. On a demandé ce matin, non. Les Nokia, 70 balles et encore. Ouais, mais tu vois, maintenant que tu me dis ça, je sais pas du coup si je vais pas le garder pour le vendre plus cher encore dans quelques années. Peut-être. Peut-être ça va prendre de la valeur, ces trucs. C'est vrai, hein. Non, mais moi, s'il y a des cons, attends, je vais aller voir sur le bon coin. S'il y a bien un con, comment un prix pas cher. Au courant. Oui, alors moi, je vends mon iPhone 2G à 1 euro. Ah bah ouais, bah je le prends direct. Donc, un petit conseil pour te faire de l'argent, Bilal, ça peut marcher. Mais c'est pas une série particulière ou quoi que ce soit? Officiellement, bah pourquoi ça genre les premiers. Je sais pas, s'il y avait peut-être un. Non, celui à 8500 dollars, oui. Celui à 750. Et il avait quoi? On sait jamais, hein. Il avait quoi de particulier? Celui à 8500 dollars. J'en ai un à 6009. C'est les premiers qui sont sortis? Je sais pas, Romano, tu me demandes des trucs. Siri, je sais pas, c'est écrit en américain. Apple iPhone First Generation 2G 8 GB at TT. Voilà. Ah, ATT, c'est le réseau américain. C'est-à-dire, c'est un iPhone américain. C'est les premiers qui sont sortis, en fait. Voilà. 8 GB. Ouais, 8 gigas. Gigabit. Gigabyte. Yeah, gigabyte. Gigabyte. J'ai une grosse byte, Marie. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais? J'adore. Vive les grosses bytes. Ah, 180 euros, il y a un enquillé qui le vend. 300 balles, un autre. Ah ouais, quand même, ils se font pas chier. Bah, tu le vends, tu l'achètes à 180, tu peux le vendre beaucoup mais plus cher. Mais en fait, ça, je suis sûr que c'est des mecs qui nous écoutent aujourd'hui, parce que. Ils l'ont mis vite en vente. Ouais, mais ouais, les annonces, elles datent toutes d'aujourd'hui, tu vois. Bah étonnant, ouais. On en a parlé ce matin. Ouais, ouais. Bah ouais, bah ouais. Bah, notez bien le conseil, en tout cas. Bon, Bilal. C'est ça. On finit les fonds d'écran là. Tiens, il y a Noan pour les fonds d'écran et après tu nous expliques comment faire une chaîne YouTube qui cartonne. Alors Noan, okay. En direct du donc Bilal, toi t'es en 93. Noan, Théo, toi t'es en direct de Rouen et t'as 18 ouais, ans. Ouais, c'est ça. Alors et on a Elder aussi parce qu'on a dit qu'on fera un petit tour. Salut, au standard Elder. Au 01 53 40 20 pour voir vos fonds d'écran et merci pour les photos que vous nous envoyez. Alors t'as quoi en fond d'écran toi, Noan? J'ai un fond d'écran avec Kendall Jenner. Alors, Kendall Jenner de la famille Kardashian. C'est une des sœurs. Voilà, c'est celle que tu trouves la plus bonne dans la famille. Franchement, elle est pas mal. C'est lequel? C'est le mannequin, elle? C'est ça. Elles sont toutes refaites, non? Ah oui, oui. Un peu, oui. Franchement, non, elle est jolie. Non, elle est un peu refaite, quoi. Non, elle est refaite à bloc. Les deux sœurs, je crois qu'elles le sont. Elles sont peut-être même plus passées sur le billard que Kim Kardashian. Ah ouais? Franchement, non. Ah si, en vrai, franchement, ça va comparé à ses sœurs. Alors, moi, j'ai essayé de mettre Kim Kardashian sur mon téléphone, elle rentre pas. Il y a un problème. Le haut rentre, le bas ça rentre pas. Ouais. Mon iPhone est pas assez large sur le bas. Mais autrement, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'ai la mère, parce qu'il y en a encore plein qui me demandent qu'est-ce que t'as, Difool. J'ai la mère. La mère de Kim Kardashian. Ouais, voilà. Mais non. Non, j'ai la mère où j'étais en vacances cet été. Elle est belle. Ça te rappelle l'été, quoi. Mais à chaque fois que je regarde mon téléphone, ouais, ça me rappelle l'été. Mélancolique. La mère toute. Non, je te confirme, hein. Elle est bel et bien passée sur le billard. Ah, qu'est-ce qu'elle s'est fait faire, cette dame? Bah, un paquet de trucs. Elle s'est fait affiner le nez, les dents. Le menton, je pense les pommettes, les yeux. Bah regarde un peu tout quoi. Avant après. Oh, putain avant elle était monstrueuse. Ah non mais oui, non mais je sais, bah j'avais oh vu là déjà. Oh là là, elle était vilaine. Oh elle était vilaine. Fait, avant. Ah non, t'as pas vu avant après. On va vous le mettre sur les réseaux. Tiens. Ah ouais. Bah on la reconnaît pas. Noan, je crois que tu vas changer de fond d'écran, tiens. Tu vas prendre avant. Tu vas la mettre avant les transformations. Tu vas voir qu'elle a bien été refaite. Ouais. Le truc le pire que vous avez eu sur vos téléphones, Marie, c'est quoi? Comment ça, le pire? Une photo, une photo de ton mec, la bite de ton mec. Ah non, j'ai jamais eu. Ah quoi que. Ah. C'est bien. Ouais, si, ouais. Enfin, c'était il y a un moment, ouais. Ouais, mon mec à poil qui dormait, mais comme. Voilà. En fond d'écran, tu l'as mis? En fond d'écran, non, moi j'avais pas mis en fond d'écran. Non, tu dis dans le téléphone. Non, en fond d'écran, j'ai jamais eu de truc dégueulasse. Hein. Ouais, genre. Non, vraiment. Donc le mec à poil de Marie en fond d'écran, c'est pas non, mal. Non, jamais en fond d'écran. Ou genre, et il bandait, comme un âne en dormant. Non, il dormait, il était assez bizarre, c'était assez moche. Ou genre en photo de contact, genre quand ton mec il t'appelle, tu sais, il y a sa bite qui apparaît. Ouais, mais c'est pas sa bite. Non, mais ça, c'est mes ex. Ah oui, d'accord. Non. En fond d'écran, non, j'ai toujours mis des trucs sympas, moi. Là, sur Twitter, il y a Manon, elle nous a mis nous en fond d'écran. Ah, oh, c'est mignon, Manon. J'ai mis Difool et son grand nez. Et il rentre le nez. Il a pas cassé l'écran. Trop drôle, King Romano. Tiens, il y a Elder aussi qui est en ligne avec nous. Elder de Paris, 16 ans. Salut, Elder. Ouais. Bienvenue à toi, Elder. Comment va? Ça va très bien, et vous? Écoute, ça va bien. Tranquille. On a gagné, on est content. On attend les résultats du clash de la drague. On va voir ce que ça va donner. Et donc toi en fond d'écran, qu'est-ce que t'as, Elder? Bah j'ai le Portugal qui soulève la coupe. Ah, Portugal. Elder, tu nous rappelles des mauvais souvenirs, le Portugal. Donc t'as le Portugal qui soulève la coupe. Et chaque fois que t'as, je sais pas, un fan de l'équipe de France, tu lui montres ton téléphone et tu regardes. Ouais, bah non, c'est vrai que bon, la France aurait gagné la coupe. Peut-être c'est un bon fond d'écran à avoir. Ça te rappelle des bons souvenirs. Mais on va gagner. Nous, tu sais pourquoi on a perdu l'euro? Non, mais tu vas nous le dire, Difool. Parce qu'on va gagner le mondial. On peut le gagner? Bien sûr que oui. Bah, ouais. C'est en Russie, c'est évidemment ça. En Russie. 2018, il y a moyen. Et oui, Vladimir Poutine, il va droguer toutes les autres équipes. Vous allez voir, c'est la Russie qui va gagner. Ouais, c'est possible. Voilà, mettre Polonium, tuer tout le monde. Oui, non, du calme quand même. Tuer tout le monde. Saloperie de joueur, Griezmann, pas beau. Ah, tuer Ronaldo aussi, parce trop fort. Trop fort, Ronaldo, tuer comme ça, quick. Mettre de l'acide dans sa bouche. Oui, non, mais du calme, monsieur Poutine. Écraser avec un char d'assaut. Oui. Ah bah. C'est capable. Oui. Ouais. Prendre Messi, il sera. Ah, si, Messi, il sera. Ouais. Oui. Messi, il sera. Bon, pas mal l'idée du Portugal, même si ça nous fait un peu de mal. T'as raison d'en profiter, Elder. Ça te rappelle des bons souvenirs. C'est vrai, hein? Ouais. Dis à moi, c'est la photo en fond d'écran, c'est moi tout nu. On parlait des gens à poil. C'est la tour qui nous envoie ça. Salut la tour. Moi, c'est ma meuf en fond d'écran. Pas, la photo de la meuf. Putain, la photo des meufs. Les filles, vous êtes sur plein. Les gars, vous avez vu comment on est romantique. Vous entendez ça, les filles? Bah, c'est les meufs ou les chiens. Non mais c'est vrai, les deux trucs arrivent le les enfants. Romano, t'es en train de bousiller mon truc romantique que je faisais. Non mais les, non en mais disant que les auditeurs de Sky imitaient leurs photos de leur chérie, toi tu mets les meufs et le chien. Non mais c'est vrai, les messages, les deux messages qui reviennent le plus, c'est soit vous mettez votre meuf, soit votre animal de compagnie. Et souvent c'est un chien. Ouais. Un écran de veille chez mes nièces en fond. Et en fond sonore, j'ai le thème de Mario. C'est Kenny qui nous envoie ça avec tes petites nièces. Le drapeau kabyle pour c'est le deuxième à mettre le drapeau kabyle là. C'est pour Idir qui va nous envoyer un message. Il y avait Hugo qui nous avait envoyé le même message tout à l'heure. Le drapeau des États-Unis pour Deadfall parce que tu le trouves joli. Shakira presque à poil en fond d'écran. Il y a Fresh Tea. C'est pour Try Love. Qui c'est donc une teuf de Caris en mode double fuck pour Fresh Tea. Ouais. PNL encore. Tiens, PNL en fond d'écran. Pas mal. Ouais, Dim, c'est son cheval. Après, il y a plein d'artistes, des concerts que vous êtes allés voir. On parlait du concert d'Eminem, d'Eminem tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, des fois, ouais, souvent ça. Mais pas que. Là, j'ai concert de Gradure. C'est pour Thibaut du Nord. Ah bah voilà. Thibaut du 59. Salut à toi, ami du Nord. Bon, pas mal tout ça. Et tu n'as pas une photo de la non mais elle est en noir et blanc pardon. Samy, tu n'as pas une photo de la j'attendais celle-là. De la dernière victoire de l'OM en Coupe européenne. Non écoute, j'ai arrêté. Mais elle est en noir et blanc. Ouais, il y avait pas de fond d'écran à l'époque sur les téléphones. Ah, ouais. Non, c'est vrai ouais. C'est que voilà. C'est vrai, désolé de te rappeler. Ah ouais. C'est non, ce n'est pas possible. C'est mauvais souvenir. Moi, j'ai des photos d'un gros pochon de bœuf. Cool. Bah cool. Ah ouais. Tu t'arrêtes faire gaffe parce que si tu te fais contrôler qui commence à regarder dans le téléphone, ils peuvent ils ont le droit de regarder dans ton téléphone. Je crois pas les Non mais quand ils prennent, ils regardent c'est ton fond d'écran, ils vont voir ça direct gros. Ils voient de la beuh. Parce ouais. qu'ils peuvent vérifier si ton téléphone il est volé. Non mais tu sais qu'ils peuvent faire chier hein. Bah, ça m'est arrivé de me faire arrêter à la douane comme ça avec une copine et elle avait bon c'était il y a très longtemps. Elle avait 20 grammes de coke sur elle. Non. Et alors elle avait 3 kilos de beuh. Mais non. Dans son cul. Oui. Dans son cul, on avait peur à la douane. Mais non mais on rentrait de la Martinique et elle avait une photo. Ouais c'était Big Red, tu sais qu'elle avait fait en fait des stickers, c'était un pochon de beuh, c'était Big Red et Ragasonic tout ça voilà. Exactement, derrière Ragasonic. Et le mec nous avait fait chier en disant ah ben vous fumez, vous fumez. Parce qu'il avait juste vu le sticker. Ah non, mais admettons, tu te trimbales avec un t-shirt où il y a une feuille de cannabis dessus. Ouais. Ils peuvent si faire le mec chier. Il veut te faire chier, il peut te faire chier. Ouais, c'est clair. Regarde Romano comment on est beau sur le fond d'écran d'avant là. Oh, mais on est magnifique. Mais on est magnifique, regarde, putain, on a un sourire, mais jusqu'aux oreilles. Je sais pas, on était contents ce jour-là. C'est une photo qui était faite dans le morning, ça, il y a pas longtemps en plus. Ah ouais. Regarde comment on est mignon. Ça sourit. J'ai l'air bête avec mon sourire. Regarde, il est mignon quand tout plein. En même temps, tous les deux, vous avez l'air bête. Sur la tête, tu as un casque. Je te remercie, Samy. C'est pas des cheveux, Romano, c'est un casque. Vous faites un sourire niais un peu. On était contents d'être là. C'est à la fin du morning, ça. C'est Lou qui nous a envoyé ça, 18 ans, Lou. Vous avez des sourires. C'est mignon, Lou, que nous avons reçu. Ouais, ça va, elle est belle, la photo. Sur fond d'écran, ouais. Clem, lui, s'est mis, lui, sur fond d'écran. Normal. Tant que faire. Cédric 91, moi, j'ai mis la photo, c'est écrit « Dommage, tu connais pas le code » sur fond d'écran. C'est pas mal, « Dommage, tu connais pas le code ». Fond d'écran Pikachu pour le gros lard. Bon bah écoutez, merci pour vos fonds d'écran. Envoyez-les là, c'est marrant de voir vos fonds d'écran là. Sur l'appli Skyrock, vous pouvez envoyer tout ça. Merci en tout cas pour le coup de fil, Elder. Allez l'équipe. Oui. Gros soutien à Cédric, parce que ce soir on va détruire Romano. Ah t'as trouvé que Cédric avait été meilleur que Romano ce soir. Non mais t'es sourd non. Mais comment tu... Non mais comment tu peux voter pour Cédric après une prestation aussi minable? Bon. Romano, je pense qu'il y a moins de cheveux que de personnes qui votent pour toi. Peut-être, on va voir ça, j'ai les résultats qui arrivent dans un instant. Pour la note du match de foot, combien tu mettrais au match de foot, Elder? Je t'ai pas demandé. T'as regardé ou pas? Bah, j'ai pas trop regardé, j'ai regardé le Portugal justement. Ah, t'as regardé le Portugal. Et voilà. Bon, alors pour les bleus, t'as pas de note, Noan, t'as une note toi? Moi j'aime pas le foot, donc oui. T'aimes pas le foot, mais quand même une heure, regarde Marie, elle y connaît rien, elle met des notes quand même. Hein. Je sais pas, allez, 11. 11, on a fait un 0, hein, tu peux noter le score. Ouais, ça va. On a marqué des points. Ouais. Et on est premier de notre groupe, et ça c'est de bonnes nouvelles. Et Bilal, tu mets combien toi? Moi je mets 12. 12. Et bien la note moyenne, tu vois Bilal, t'es de 20, hein. La note moyenne du match pour vous, elle est de 12 sur 20. Ah, ça a baissé. Bah, c'est normal, il y a pas de but. Vous avez fait comme nous. Avec les deux pucelles là qui ont dit que c'était mieux. Pucelles alias Karim et Samy. Ouais, mais oui, Samy, écoutez, ils connaissent rien au ballon. Bah, les auditeurs, ils connaissent rien non plus alors. Bah, vous connaissez rien, vous les influencez, gros. On influence. Ouais, voilà, c'est ça. Vous les avez influencés, ouais. Genre, vous êtes influençables, vous. Vous connaissez rien. Alors que vous êtes des auditeurs de Skyrock et ils osent vous dire que vous êtes influençables. Bah, ouais, ils sont là, vous les influencez, vous dites qu'on est con depuis tout à l'heure. Donc, on va les dire. Ah, ouais, c'est deux. Donc 12 sur 20, c'est vrai, ils sont cons. Mais d'accord, ouais. Ici. Bon, Bilal, comment faire cartonner une chaîne YouTube? Tu vas tout nous expliquer dans un instant. Attention, mais tu as une chaîne YouTube qui cartonne toi-même? Non, moi je peux pas encore commencer vraiment. Ah, vous conseillez. Mais j'ai un pote, il a déjà 3000 abonnés en un an. Ouais. Et je vais essayer grâce à ma méthode. Alors, c'est quoi ta méthode? Vas-y, donne-la tout de suite. La méthode miracle. Après, j'aurais des... Dites-nous d'ailleurs si vous avez des idées pour faire cartonner une chaîne YouTube. En gros, il y a pas mal d'idées que vous laissez, c'est la transformer en chaîne YouPorn. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Mais sur YouTube, c'est pas possible. Sur YouTube, tu peux pas mettre de beat, tu peux pas mettre de chat, tu peux rien mettre du tout sur YouTube. Non. Même pas un bout de sein, hein, ils enlèvent tous les Américains. Ah, par contre, tu peux mettre une tête décapitée, ça t'as le droit. Ouais, c'est super, ouais. Ouais. Alors, Bilal, quelle est ton idée géniale? En fait, dans YouTube, il y a des chaînes spécialisées dans ça, c'est les chaînes communautaires. Mmh. Tu leur envoies leurs vidéos, enfin tes vidéos que tu uploads. Ouais. Et par exemple, eux, ils ont 3000 abonnés, 4000 abonnés, et les abonnés, eux, ils vont garder votre chaîne en regardant la chaîne de communautaire. Parce que la chaîne communautaire va envoyer le lien de votre chaîne. En fait, tu vas piocher chez les abonnés des autres. C'est comme si, par exemple, toi, tu m'envoyais un truc et qu'on le mettait sur les réseaux de Skyrock, t'aurais les 2 millions, enfin sur Facebook, hein, t'aurais les 2 millions ouais, et demi. Mais c'est spécialisé dans ça. Ou sinon, t'as les forums de jeux vidéo, enfin de YouTube, comme Vidéas. Non, en fait, ouais, les gens, c'est que ta vidéo, elle est partagée et ça t'envoie des, ça t'envoie des nouveaux followers. T'as forcément 2-3 paumés qui vont venir te suivre, même si c'est un truc pourri. Oui, c'est ça, ouais. Après, c'est ça monte, quoi. C'est comme une pub, en fait. C'est une chaîne spécialisée pour faire des pubs d'autres chaînes. Mais ils te font payer, ça? Non, c'est gratuit. Tu demandes, tu envoies un message privé sur YouTube, et après, ils te demandent d'envoyer le lien, ils vont la télécharger, et après, ils mettront... Quoi? Et après, tu peux te la péter, tu dis, ouais, putain, regarde. 3000 abonnés. Tu fais ça, à chaque vidéo, tu fais ça, ben, ça va très vite, hein. C'est vrai que ça va vite, hein. Ok. Là, il y a Hills Kitchen, on pourrait essayer de t'appeler, là. Qui a fait Hills Kitchen? Lui, il a, alors, proposé du bon contenu, mais tu nous dis pas quoi. Lui, il a plus de 200 000 abonnés. 200 000, c'est 200 000, mais bien. C'est, gros, hein. C'est bien, 200 000 abonnés, hein. Sinon, ouais, une photo de ta meuf que t'es en train de baiser, tu vas voir, ça cartonne. C'est le message du fumeur sur SMS. Big up à toi, le fumeur. Big up. Non, des idées, faut être drôle et savoir faire des sketchs. Et comme ça, ça peut marquer. Mais après, ça peut marcher. Mais après, il y a trop de monde sur YouTube. C'est vrai que pour émerger sur YouTube, pas facile. Surtout avec des chaînes de jeux vidéo, c'était pour François qui appelait, tout à l'heure. Bah, c'est pas le truc le plus original, ouais. On vient de m'amener les résultats du Clash de la Drague juste après PNL. On les découvre ensemble. Combien tu veux faire, Cédric? Ah, franchement, 52, 53. Ça te suffirait pour ce soir? Ouais. Et Romano, combien tu veux faire? Ah, bah, j'aimerais bien faire plus de 60, ouais. Plus de 60. Eh ben, on va voir. Il y en a un des deux qui va être content. Vous allez voir. Les résultats sont là. Dans un instant, juste après, PNL est là. Les résultats du Clash. Et vous en direct aussi, hein, jusqu'à minuit. The Morning Show! Dans le Morning de Default sur Skyrock, elle t'offre 1500 euros toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Quelle est ta radio préférée? Skyrock! Eh ben, c'est gagné. Bravo! C'est gagné, Fabien! Ouais, Fabien! Bravo, Fabien! On apprend des nouveaux mots. Et on va où? Dans une. Une supérette. Une supérette. On appelle ça supérette. On teste des arnaques. De les 200 euros, on n'en parle plus. Hein. Eh ben, tu passes, je te ferai voir comment que je m'appelle, moi. On se fait de nouveaux amis. C'est Soprano. C'est qui, me Soprano? Soprambaba. Non, mais vous êtes un détraqué ou quoi, alors? Et on sort les dossiers. Vous avez déjà fait des trucs bourrés que vous regrettez aujourd'hui? Sortir avec Romano? Ah ouais. Oh. Toi aussi, réveille-toi avec le Morning de Default tous les matins entre 6h et 9h sur Skyrock. L'exclusivité Micromania, c'est quoi? Pour toute réservation d'un jeu comme Call of Duty, Infinite Warfare, Pokémon Lune et Soleil, Watch Dogs 2, Battlefield 1, Dishonored 2, Micromania vous offre des exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais Micromania va encore plus loin. Vous avez en exclusivité de magnifiques consoles. La PS4 1 Tera Collector Final Fantasy XV, la console Collector Xbox One S Battlefield 1 Vermilitaire. Offre valable dans la limite des stocks disponibles en magasin et sur micromania.fr sous condition de réservation. The Morning Show! Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Default. Tic-tac, tic, c'est l'horloge biologique qui s'emballe. Parents, au 71-777, quand aurez-vous un bébé? Très bientôt? Pas tout de suite? Parents, P-A-R-E-N-T, au 71-777. Nos experts vous diront quand, vous diront combien. Un bébé? Votre enfant? Parents, au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Et c'est reparti sur Skyrock avec le son de PNL tout de suite, c'est What the fuck? C'était la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Oh, et j'ai jeté un œil au résultat du Clash de la Drague. Je vous les donne. On les découvre ensemble dans un instant. Ils sont là. Oui, bon, ça va. Fais voir. Bah non. Bah Cédric, il voit pas, on s'en fout. Bah justement, je tiens à respecter une égalité parfaite, Cédric, t'as vu? On s'en fout, il voulait tes bien, résultats. Merci. Allez, PNL tout de suite sur Sky. Il y aura du Drake tout à l'heure. Drake en concert avec Skyrock, ça y est, c'est officiel. Ça va être cool ça, on va vous offrir des places, tout ça. Ouais. Voilà. Et PNL, on les écoute ensemble maintenant sur Sky. Mes coups de sueur ont l'odeur de l'enfer. Ça recommence, on finira par s'y faire. Nique ta célébrité, nique ton buzz. Sans ce putain de rap, t'es rien, putain creuse. J'veux pas qu'on m'invite, pardon. J'recompte. Mes rêves se ravis. Money. Leur offrir tous ses rêves, on va brûler. Sans tu commences à me plaire. Les billets bleus sont devenus violets. Les rouges sont devenus verts. Non, non, ok, je m'en balais. Je crame une clope dans la. C'est ta seule voix, ma. Je parle à moi. Le Yankee veut ça. En menotte. Au parler, je sens là. Je rappe que pour la. La street, ça pue là. Je vois le monde, je vois ça. En poster, j'ai là. Tu cours, je veux le. Et tout ce qu'il y a de. Sa mère là, AMD. J'suis total, elle m'en paie. NL sur Skyrock. Tifoul. Radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Ah, on est là avant minuit, je m'entendais pas, Romano, dis donc. Oui, mais c'est normal, tu n'avais pas allumé ton micro. Ah, bah très bien, c'est con. Tiens. C'est dingue les nouvelles technologies. Dans une demi-heure, la CTPNL, dans une demi-heure, on écoute Drake. Drake en concert avec Skyrock. On vous l'a annoncé, c'est officiel depuis aujourd'hui. Les places sont en vente en plus, vous pouvez les acheter très très vite. Drake, concert Skyrock, bien sûr, à ne pas louper. Hop là. Mise en vente, blablabla, ouais, mise en vente des places pour le concert de Drake. Ouais. J'ai vérifié parce qu'ils ont mis ça sur la porte, donc je suis obligé de sortir du studio. C'est bien installé. Pour voir où c'était écrit. Donc vous pouvez y aller pour Drake. Et nous, on va se faire plaisir en écoutant Drake tout à l'heure avant minuit. Avant minuit, qu'est-ce qui va se passer aussi? Ah ouais, question foot, ta question foot, Romano. Eh ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Tu es devenu un peu le Canal Football Club, le Skyrock Football Club. Je préfère autant téléfoot. Téléfoot parce qu'il regarde tous les dimanches. Alors tu es Radio Foot alors. Ah. Ouais, c'est Radio Foot. Roma Foot, oui. Alors, et Roma Foot, hein, pas foutre. Roma Foot. Roma Foot, ouais. T'as une question à poser, tu la poses dans un instant d'abord. J'espère que ça va pas te couper l'envie de la poser, la question. J'ai les résultats du clash. Très serré ce soir. Oh, putain, ça me dégoûte. Très, très serré malgré ta performance tout à l'heure. Putain, le clash qu'on a eu tout à l'heure, c'est super, ça. On remercie la famille, d'ailleurs. Ah, Cédric, t'as kiffé mes appels? Non, rien du tout. Ouais. T'as pas aimé? Étonnant. T'es recalé comme une merde. Mais t'as aucun goût, mon pauvre ami. Mais ta gueule, t'as rien fait. Connard. Oh, voilà, je un petit baisse. Mot d'amour juste avant que je donne les résultats. Les résultats j'espère du clash. Je te baisse, putain, comme ça tu fermes ta gueule. Alors, j'ai dit c'est serré, c'est assez serré d'ailleurs, ouais, même, on peut le dire, pour un clash. Putain, je déteste quand tu dis ça parce que tu sais, c'est des jours où je me fais niquer, quoi. Bon, ah, Romano, non, Romano, tu gagnes. Tu gagnes le clash. Bon, vous en doutiez peut-être. Vous en doutiez. Mais tu le gagnes peut-être pas comme tu voulais. T'as dit que tu voulais faire 60%, et eh ben je peux te le dire. Tu plus fais de 60, moi je voulais faire. Tu fais pas 60%. Tu fais 73 et Cédric 27. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Non, c'est ça va. Que t'appelles prouvé. Qu'est-ce que t'as dit, Cédric? Je n'entends pas ce que tu dis. C'est ça que t'appelles serré. Bah, c'est serré par rapport aux performances qu'on a entendues. Oui, ah, ça. Je pensais qu'on aurait du 90-10, moi, non? Moi, je pense que Cédric, tu vas encore pas chier normalement cette nuit. Avec ce que je viens de te faire passer par le lion. Ouais, c'est ça, allez, vas-y. Ah, je t'ai enculé, mais sévèrement, quoi. Putain. On t'a enculé toute la team Romano. Tu peux remercier la famille aussi que t'as eu au téléphone. Merci la famille, merci la team Romano. Merci. Exceptionnelle victoire pour un exceptionnel clash. Bravo, Romano. Merci à vous, mes amours. Merci. Tu me dégoûtes, j'ai envie de gerber. Et il y a Thomas, Thomas qui va peut-être déjà chier toute la soirée. Cédric, allez, vas-y, finis. Hein. Allez, régale-nous jusqu'au bout. Vas-y. Et sinon, il y a un nouvel auditeur de Skyrock, Thomas, qui demande comment on fait pour voter au clash. Mercredi, tu pourras voter avec le prochain clash. Si Cédric est encore là, ou. Ouais, t'inquiète, jamais, je suis là. Et ce qui peut lui arriver d'ici mercredi, le 41-759, comme pour nous envoyer des messages, pareil. Ou alors sur l'appli, c'est la même chose. Ah, et puis les concerts de Drake, hein, il y en a plein qui demandent les dates de concert d'Ifoul, les dates de concert d'Ifoul. Le 12 et le 13 mars, il y a deux concerts. 12 et 13 mars. Ouais, c'est un dimanche et un lundi. Très bien, Cédric. Et bah, Drake, en concert avec Skyrock. Un dimanche et un lundi. Donc le dimanche 12 et le lundi 13. Ouais, et le mercredi, c'est mon anniversaire. Et bah, ça nous fait de belles jambes. Ouais, non, mais faut pas vous oublier. Ah ouais, quoi. C'est vrai, ouais. Nous, on a plus envie d'aller voir Drake, mais bon. Bah, écoute. Drake. Je crois que tu me verras le jour de mon anniversaire, mon pote. Et les places sont en vente. Ah ouais, ouais, c'est Tu sais, au mercredi, ouais. Va, on sait même pas si tout ça est revenu, hein. C'est vrai. T'inquiète pas, je serai là, mon pote, pour mon anniversaire, je serai bien présent. T'as dit, si là, il sera pété autre chose. Bon, je le pas, cul, mais... au clash de la drague ce soir. Pété le cul. Eh, Cédric, je crois que t'as jamais démarré une saison aussi mal. Ouais, c'est vrai. Bah non, elle a rarement démarré aussi bien, dis donc. C'est bizarre. Ouais. Non, mais au niveau du clash, Cédric. Ah, moi, je parlais pas du clash, quoi, là, en général. On a jamais fait ça, hein. Le 11 octobre, et t'en es pas encore gagné, hein. Bravo, pas l'artiste. Un seul. Non, pas un seul. Ah non, pas un, t'as rien gagné, mon pote. Marie a gagné un clash. Ouais. Karim a gagné un clash. Exact. Samy, t'as pas gagné ? Non. Si, j'en ai gagné plusieurs. Non, il a rien gagné. Il a rien gagné, Samy. Clash en équipe, je les ai baisés par deux, par trois, je les ai tous retournés, ouais, quoi. Ouais, sauf nous, avec Karim. Samy, si Cédric est un peu en faiblesse un jour, faudrait que t'en fasses un contre. Vas-y, je me referai la main un peu. Ouais. Bon. Eh bien, écoute, Cédric, on te souhaite une bonne nuit, hein. Ouais, bah merci, putain. Sauf si tu veux rester avec nous dans l'émission, parce qu'on est encore là une demi-heure. Oh, mais reste un peu. Je suis là, tranquille. Reste avec nous alors. C'est quoi la vie d'un malade comme toi ? Ah bah il faut rien. À part chier, dormir, sortir, mais jamais entre 21h et minuit, si j'aurais dit. Le mec passe sa vie en vadrouille. Pour aller chercher à manger. Ah oui. Ça, non, Cédric, je vais juste te dire deux mots. Vas-y. Ouais. Si je te dis Champs-Élysées, tu me dis quoi ? Bah je te dis la plus belle avenue du monde. Non mais ce week-end. Ce week-end, Champs-Élysées. Quelqu'un t'a vu, Cédric? Ah, ouais. Tu m'as mangé, ouais. Ouais, parce que les auditeurs de Skyrock, ils enquêtent pour nous. On nous a dit. Non, mais on nous a pas dit où, non. Quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, désolé. Ouais, mais c'était sur les champs. Ouais, il y a quelqu'un qui t'avait vu sur les champs. Ouais. Bah, je suis parti manger, oui. Voilà, ouais. Mais tu sais que la radio, c'est pas très loin, les champs, hein. Non, la radio, c'est un peu plus bas, quand même. On est à peu près, allez. 2 kilomètres. Allez, 2 kilomètres. Mais là, il va te répondre que le samedi et le dimanche, on fait pas d'émission. Ah ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, c'est con. J'ai bien venu à la radio, mais il y avait personne. Ah, mais Cédric, pourquoi tu viens plus? Bah ouais, pourquoi tu viens plus? Est-ce que c'est parce que Romano t'a mis 73 encore ce soir? Non, rien à voir. Putain, franchement, rien que pour ça, je suis prêt à revenir. Ah bah, ça se voit, dis donc. On regagne des clashs. Mais pourquoi tu viens pas, là? Bah parce que connard, je peux pas venir. Tu viens me chercher? Quand tu vas sur les Champs-Élysées, excusez-nous, hein, on règle un truc de l'équipe et vous pouvez donner votre avis vous aussi. Hein, n'hésitez pas à vous petite réunion publique. Sur les champs, je conduis pas, c'est mon pote. Non, mais vous pouvez vous inclure dans la discussion si vous voulez avec vos messages, tout ça, au 01 53 40 30 20. Non, mais Cédric, sur les Champs-Élysées, Romano, il te porte pas non plus. Tu vas trouver le moyen. Ah non, j'ai pas fait. Non, c'est quelqu'un qui me ramène. Bah, tu prends un taxi ou un Uber. Parce que j'allais manger avec lui, le mec qui m'invite à manger, je vais pas lui dire non. Oh, on t'invite à venir travailler, nous. Bah écoute, Karim avec ta voiture. Non mais Karim peut te ramener, par exemple. Bah ouais, en plus Karim t'habite à côté de chez moi. T'es Karim, il a rien demandé. Non, attendez, moi tous les jours je me retrouve avec toi. Voilà, bonjour Karim. Non, mais t'habites à côté, Karim, tu fais un crochet, tu viens me chercher. Vas-y, demain soir, je suis là, mon pote. Non mais déjà, il te remplace, je sais pas si t'es au courant. Ah, le soir, non, il me remplace pas, le soir, il est déjà là. Si, je suis à ta place, je suis assis sur ton siège. Eh oui, il a pris ta place. Ouais, bah écoute, d'ailleurs, depuis ce moment-là, Romano, regarde à nouveau la télé qui est juste au-dessus de la tête de Karim. T'as vu? D'habitude, juste au-dessus de la tienne. Mais moi, tu me manques, Cédric, tu vois. Ouais, bah écoute, je vais revenir, t'inquiète. Oui, c'est vrai, ta gueule nous manque un peu. Non mais c'est vrai. C'est étonnant qu'on dise ça. Non mais je pensais pas dire ça un jour. Putain, ça me manque. Je te dis que le jour où tu vas revenir, ça va être ta fête toute la soirée. Ah bah ça, j'imagine bien. Ah ouais, ça me manque trop. Jérém Star viendra te voir avec sa baignoire. Ouais, on te fait un show à l'américaine. On fait venir Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau, c'est franchement aussi. Kikou les boys and girls. Kikou, c'est des cas. Kikou, c'est des cas. Non, ça va être sympa. Bon. Non, mais Karim, viens me chercher demain soir, tu me ramènes après. Ouais, Inch'Allah, ouais. Toi, la galère. Bon courage. Comme ça, je viens demain soir. Allez, question foot, là, tout de suite. On y va pour vous offrir le jeu FIFA 17. Vous le gagnez tous les soirs. Dans la radio libre sur Skyrock le matin aussi, vous pouvez le choper. Eh bien, c'est parti. Quelle est la question foot de Radio Radio Romano. Ouais. Romano Foot. Je sais comment Roma ça Foot. Roma Foot, voilà, c'est ça. Roma Foutre. Roma Foot. Non, mais... non, non, on va changer de nom parce que ça porte à confusion, ce truc. Alors, Roma, ah, Roma bien, Foot moi, vous pose sa question. Ouais, mais alors, attends, putain, je sais pas trop comment la poser. Bah... T'es con ? Avec ta bouche. Non, faut faire avec ta bouche. Pas avec ton cul, là, ça, c'est... Alors, à propos de Zlatan. Zlatan. Ouais. Un sportif... a proposé un défi à Zlatan. Aha. Quel est ce défi ? Marquer plus de buts que lui. Non. Ça, c'est un sportif, pas. Non, c'est pas, déjà, c'est pas un footballeur. Hein. Alors, vous avez bien noté la un question. Un sportif d'un autre sport. Alors, que le sportif. Football. Bah, le battre dans son sport à lui. Oui, mais quel sport ? Bah, je sais pas, moi, du tennis. Du ping-pong. Du volleyball. Non. J'allais dire de la boxe bizarre parce que lui il faisait des sports de combat. Ah bah écoute, envoie un message et il me casse pas les couilles. Mais de toute façon, c'est pas. C'est pas assez précis, mec. C'est pas assez précis. Il a trouvé la boxe. Donc allez chercher dans un sport de combat, peut-être alors. Peut-être. Je ne dis plus rien. Ah. L'autre me fait chier, me foutu. Ah merde, putain. C'est vraiment un connard. De toute façon, c'est pas bon. T'as pas la réponse. Je veux la réponse plus précise. Sinon, je ne dirai rien. Ah, c'est pas assez précis, ça. Faut dire quel sport, quoi. Ouais, faut exactement. Dire quel sport précisément. Okay. Quel sport précisément. Vous envoyez votre message dès que vous avez le sport précisément. Et je vous offre FIFA. Ah, c'est toi qui paye. Non, mais c'est Skyro qui paye, mais ça fait bien. Je vous offre. T'sais, j'ai vu, ils font ça à la télé. Ouais, j'offre. Ouais, c'est ça. Je vous mets bien, quoi. J'offre mon FIFA. Alors qu'il a rien du tout. Non, rien, mais jamais. Hein. Donc, allez-y, FIFA a gagné. C'est maintenant, c'est sur Sky. Vous envoyez vos messages très très vite. Et on a notre gagnant de FIFA dans un instant. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir à vous. Je vais peut-être vous redire que. Mais j'avais pas. Il n'y a pas un rendez-vous avec Pamela, là. Mais je sais pas, il y a un truc qu'il me semble qu'on oublie. Vous n'avez pas un mec à rappeler, là ? C'est un truc. C'est un non, truc qu'on c'était doit Pamela faire. Avec Cédric. Elle voulait témoigner parce qu'il la harcelait. On parlait Moshita. De harcèlement. Moshita. Ouais, Moshita. Moshita. On parlait de harcèlement tout à l'heure. Ah, le harcèlement, vous avez allô. Été. Oui, oula. Oui. Cédric Moshita est là. On parlait de harcèlement tout à l'heure. J'entends qu'elle est là, ouais. C'était pour Camille. On a filé un petit coup de main à Camille. Merci d'ailleurs pour les messages que vous avez laissés. Oui, Moshita, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais il est bizarre ton téléphone. Ah ouais, on t'entend. T'as une belle voix, Moshita, en tout cas. Hein. Oui, bah j'entends ça, ouais. Un problème de téléphone. C'est quoi ton téléphone ? Allô ? Aïe. Aïe. Alors. Allô. Oui. Oui, on t'entend. Non, mais raccrochez, on la rappellera un autre jour, c'est pas grave. Mais non, elle veut témoigner sur le harcèlement, c'est bien. Allô. On a donné des conseils tout à l'heure. Ah non, attendez, c'est encore bon. Putain, mais c'est quoi ? Bah alors, il a quoi ton téléphone ? Attends, je... Ah si. Allez. Allô. Ah. Allô, Moshita. Bonsoir. Bon. Eh ben, dis donc, on m'a oublié au standard depuis tout à l'heure. Excuse-nous, mais on a eu plein de choses ouais, à faire. Désolé, ah, oui. La fin du match de foot, le clash magnifique. Ah, j'ai entendu. T'es ah beau, bah, dis donc, qu'est-ce que tu l'as mis dans le cul encore à l'autre ouais, ta gueule. Ah, t'es là. On parlait des ouais, faux d'écran. Là, ma chérie. Qu'est-ce que tu as, Moshita, en faux d'écran ? Une photo de ton ex, Cédric ? Ah, certainement pas. Pourquoi ? Ah, quelle horreur. Ah, bah. Ah, quelle horreur. Je suis sûr que si, en plus. Ah, ouais, bah, c'est sûr, ouais. T'as déjà mis les photos de tes meufs, Cédric, sur ton téléphone ? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et alors ? Et alors ? Bah, c'était pas Moshita, non. Menteur. Ah. Mito. Non. Il rigole, il est content, il m'a mis ce con. Par contre, tes meufs, elles t'ont jamais mis en fond d'écran, Cédric. Si. Ça tient pas, c'est comme Kardashian. Et tu les as mis c'est comme le cul de Kardashian, ouais. Habillé, à poil, comment? À poil. Non, habillé la tête, Marie, hein. Je vais pas mettre la photo juste la tête. Mais ta grosse tête. Oui. Mais ça sert d'antivol. La seule photo que j'ai, tu veux pas vendre ça, la belle qui apparaît, c'est son cul, c'est carriole, en fait. Parce qu'un matin, j'avais pris son... Son string en photo, c'est son cul. Pardon, attends, pardon, j'ai mal entendu. Excuse-moi, je... ouais, passez Moshita. Excuse-moi, Moshita. Attends, c'est quoi cette histoire? En fait, quand Kariola m'appelle, il y a la photo de son cul en string qui... tu m'as enlevé ça direct, t'es un ouf, toi. Envoie la photo. Non, mais t'en vois rien du tout. Non, mais ta gueule. La mais à moi. Oh, Romano. Oh. Non, non, la photo, elle est Mais ça va. Et Kariola, elle a rien dit. Bah non, elle le sait en plus, hein. Oh, t'as rien dit, hein. Ouais, ça m'étonne qu'il y ait un embrouille. Des fois, quand elle m'appelle, j'y raccroche et rappelle-moi, s'il te plaît, j'aime bien. Je suis sûr qu'il y en a qui le prendraient mal. Tiens, par exemple, dites-nous, si vous avez, vous, votre pote, qui met la photo de votre, la photo du cul de votre meuf en fond d'écran, ou alors, quand elle appelle, c'est cette photo qui apparaît. Non, mais tu sais ce qu'elle me dit. Je suis sûr là, qu'il y en a plein qui le prendraient mal. En ce moment, la Karine, il vient le matin à la place de Cédric. Ouais. Et ce qu'elle me dit, c'est, elle me fait, putain, qu'est-ce que c'est agréable de pas se faire ploter toute la matinée, quoi. Ouais, me l'a dit aussi, là. Non, mais t'as un sadique. Non, mais ouais, mais tu te rends pas compte, mais aux États-Unis, toi, tu seras en taule. Ah, mais non, mais 15 clair. Ans. Ah, mais putain, bah, bon, Karine, il plotte le soir et pas le matin, Cariole. Bah, d'accord, merci. C'est sympa. Tu te laisses faire, Marie. C'est toi qui me demandes. Ah. Tu vois, ça serait mal pris, la photo du cul de ma meuf en fond d'écran. Je défonce mon pote. Ah bah oui. C'est le message de Bédo. Salut Bédo. C'est marrant, vous avez. J'attends que son mec qui réagisse. Ça va, je vais pas te péter la gueule, t'es déjà en vrac. Je vais pas t'amocher encore plus. C'est ça. Et puis tu l'as accessoirement. Non, mais là, je pourrais, de toute façon. Non, mais admettons, on se bat, je pense que je te baise, hein. Là, ouais, parce que là, j'ai le bras cassé, oui. Bah ouais. C'est normal, non? Vous entendez, Romano, il baisse de Cédric. Ouais. Il a Cédric, il a dit ouais. Après le hashtag de tout à l'heure qu'on a. Je suis sûr que avec une main, je te baise, en vrai. Hashtag Cédric est une victime. Non, mais de toute façon, franchement, mais, ouais, en ce moment, c'est clair que je te mets une calotte, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais que t'es monté en tête, Cédric, avec ton hashtag de tout à l'heure. C'était quoi? Hashtag Cédric est sale. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais. Ah bah bravo, bande de cons. Ah ouais, putain, reviens vite que je te mette une baffe pour voir comment tu réagis. T'inquiète pas, quand je vais revenir, on va voir si t'as mis une baffe à qui. Bon, on a la réponse à ton jeu. Tu peux rien faire, t'es complètement en vrac, mon pauvre ami. Donc, pour le harcèlement, la réponse au jeu, arrêtez vos messages. Je vous le dis, ça sert plus à rien. On a le gagnant qui arrive. Et Moshita qui est en ligne avec nous, qui voulait témoigner par rapport au harcèlement. Ah, mais vous savez que Cédric ne va pas lâcher. C'est pas étonnant. Même encore maintenant, il m'attend en bas de chez moi. Tu as un visage tellement particulier, Moshita, que ça ne m'étonne pas qu'il t'ait pas lâché. Il reste des traces, il défèque partout où il passe. Donc c'est que ça, je sais qu'il est venu dans le coin. Ah, le gros cochon. Cédric? Ouais, je suis là, ma chérie. Très bien, elle est partie. Cédric? Tu veux venir à la maison pour faire un petit câlin? Ah non, elle va partir, là. Allô, Moshita? Elle est partie. Désolé, Cédric. Ouais, c'est bizarre, ouais. Bon, en tout cas, pour l'histoire du harcèlement de Camille, on a eu des témoignages, on a trouvé la solution. Ouais, c'est bon. Solution, c'est, ou alors tu fais intervenir quelqu'un qui fait médiateur. Ouais, c'est ça, qui calme un peu. On essaye de calmer. On a, sinon, il y a la main courante. Hein. On a évité toutes les solutions de violence. Avec des mains qui tapent dans la gueule, tout ça. La main courante, on a accepté. Ah ouais, bien sûr. Attends, c'est hyper flippant. Et c'est même là-dessus qu'on s'est arrêté, sur la main courante. Bah, bien sûr. Et alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a également porter plainte, puisque Marie avait hurlé, porter plainte. Non, j'avais dit faire porter la main courante. Non, mais surtout, moi, j'avais dit, Non, mais si ça va vraiment trop loin, au bout d'un moment, voilà. Toi aussi, Romano, t'étais pour porter plainte dès le début. Mais je suis d'accord, mais moi, ce que j'avais dit surtout, c'est. Ah non, mais moi, on m'appelle jour et nuit, je sais pas, 100 fois dans la journée. Non, hier, Camille, c'était 10 fois. Ouais. Non, mais c'est déjà beaucoup. Oui. Tu sais, si c'est en pleine nuit, que ça te casse les couilles, ça te réveille et tout jour, ça. Jour et nuit, day and night. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Mais ce que je disais surtout, c'est, on sait pas pendant combien de temps Camille est restée avec ce mec. Et, je pense que, tu vois, si vraiment il fait un chantage, au suicide. Ouais, mais bon, etc., s'il a des problèmes, il a qu'à se faire soigner. Mais tu peux le dire au moins aux parents ou à des gens que tu connais, tu sais, qui sont en commun, ouais. Votre fils, il est complètement dingo. Mais moi, ça me rassurerait, tu sais, franchement, ça me rassurerait. Je veux dire, toute amitié, mais votre fils. Il est enfant. Non mais de dire voilà, moi je suis plus dans sa vie, mais simplement ça tombe plus rond là-haut. Il a des tendances suicidaires, donc je. Il a plus la lumière à tous les étages. Moi je sors de sa vie et en gros c'est démerdez-vous, mais enfin tu vas pas le dire. Allez, pour fêter ça, buvons un coup. Non mais au moins ça rassure, tu vois. Oui, puis c'est jamais. Puis au moins ouais, tu te dédouanes sur quelqu'un, ce qui est quand même exactement. Pas mal. Tu te dédouanes sur ses parents. Bah ouais, parents ou meilleurs amis. Et tu ou peux pas frères, larguer tes parents. Sœurs, Non mais après ça dépend, hein, parce que tu sais, moi j'avais été harcelé par un. En fait, il y avait un mec qui se faisait passer pour moi. Ah. Ah ouais, ça je m'en souviens. Mais il se faisait passer. Il y en a qui se font passer pour Justin Bieber. C'est vraiment. Et il y en a qui se font passer pour Romano. C'est le début de la célébrité, ça. Ah non mais c'est oui. Tu vas finir dans le Mad Max d'Energy 12. Ah. J'ai vu qu'il y avait de la place à prendre en plus. Il y a des remaniements. Apparemment. Et imagine la classe. Non, merci. Mais donc le mec se faisait passer pour moi, avait un t-shirt ou des blousons avec marqué Romano. Je l'avais vu. Et le mec, en fait, tu sais, il s'avait appelé parce que c'est, en fait, le mec se faisait également passer pour police secours. Oui, parce que parfois il était policier, parfois il était Romano. Et pompier aussi. Mais lui, et ils avaient appelé son père en disant, hey, votre fils. Et le mec, il avait dit, ouais, moi j'en peux plus, faites en ce que vous voulez. Parce que en fait, le père, il en pouvait plus. Le mec, il faisait que des conneries des problèmes. Et j'espère que ça va pas être dans ce cas-là pour notre cas. Ah bah j'espère pour Camille, oui. Non, parce qu'il y a des parents, ils savent que leur fils, il est, tu sais, ils savent plus quoi faire, quoi. Ils sont dépassés par les événements. Moi, je suis harcelé parce que je suis la plus belle du lycée. Très bien. Ah, ça va, et puis t'es modeste aussi. Et modeste. Ouais, c'est clair. Tu t'en racontes pas du tout. C'est Marianne qui nous laisse un message. Big up à toi, Marianne. La plus belle du lycée, c'est elle. Ah ouais. Et la plus modeste. Bon, la question foot de Romain Foutre. Oui, ma question foot, bah on a la réponse. J'ai la réponse avec Alexou qui est en ligne avec nous. Allô, Alexou. Allô? Comment va Alexou? Ça va et toi? Alors t'es où toi? T'as 17 ans et t'es au Mans, ça va bien Alexou. Salut Alexou. Alors, salut. Tu as entendu Romain Foutre qui t'a posé sa question? Alors la question était, un autre sportif d'un autre sport a proposé un défi à Zlatan. Ouais. Quel est cet autre sport? Quel est le défi qu'on lui a proposé en gros? C'est Danny Roberts, une star de MMA qui a proposé de faire un combat. Un combat, ouais. Un combat MMA, ouais. Un combat MMA, c'est la bonne réponse, Romano. C'est la bonne réponse et c'est gagné. Et tu as gagné. Bravo. Je t'offre de ma main, de ma poche, quoi, de ma poche de Skyrock. FIFA 17 de mon cœur. Bravo. C'est cool, merci. Skyrock. Merci Zlatan et bravo Alexis. Donc FIFA 17. Tu déchires sur FIFA, toi? Ah ouais, ça va, merci. Putain, moi j'ai fait des parties tout le week-end, j'ai niqué tout le monde. J'ai pas perdu un match. Pas un. T'as joué contre qui? Pas un. J'ai joué contre des amis. En réseau, contre Saint-Rentière. Je vous dis pas qui c'est, mais ils étaient à Clairefontaine, je suis allé voir à Clairefontaine. mon ami Antoine. Et sympa, Antoine. Toi, Antoine. Blaise aussi. T'es sympa, Blaise. Alors, Blaise, je l'ai défoncé 8 à 1. Waouh. 8 à 1 pour le match, Blaise. Du coup, il jouait avec Saint-Etienne et Blaise jouait avec le PSG en plus. Un indice. Comment tu sais? Ouais, je sais pas, je les connais un peu. Ouais. Cristiano aussi, un ami. Il est sympa, lui. Hein. Lui jouait avec le Real, lui. Ouais, il est venu avec son, avec son jet privé, comme ça. Ouais, ouais. À Clairefontaine, normal. Oui. Il est venu. Ouais, oui. C'est crédible. Pour faire une partie. Ouais, ouais, ouais. Alexou, quand t'as le niveau, on se fait une partie ensemble. En tout cas, bravo pour le FIFA 17, on va t'envoyer ça à la maison. Et on va voir si Zlatan va accepter. Hein. Est-ce que Zlatan va accepter? Bah ouais, on verra. Zlatan a fond dans l'actu avec l'histoire de l'entraîneur qui. Mais les ceintures noires de taekwondo. Ouais. Et en fait, le mec, il a dit j'aimerais bien le voir dans un octagone. L'octagone, c'est le a priori. Le truc de MMA. Cage, ouais, voir c'est... ce qu'il a dans le ventre. S'il veut se battre, ouais, voilà. Je suis prêt. On attend maintenant la réponse. Il va se casser la bouche, Zlatan. Ah ouais, il va se faire déglinguer. Les mecs du MMA, ils rigolent pas du tout. Le pire, c'est un client de. Ah ouais, c'est qu'il se fasse casser le nez. Ouais, ouais, alors. Ouais, tu m'étonnes. Bravo, Alexou. FIFA à la maison. T'envoies ça là. Bon, t'envoies ça. Bah, merci à vous. Tiens, et pour. T'as quoi en fond d'écran, toi? Rien, c'est le fond d'écran d'origine. Ah ouais, t'as pas eu envie de mettre une petite photo, un petit truc? C'est que moi, pendant longtemps, j'ai gardé une. Oui, aussi le fond d'écran d'origine. Et après. Une terre. Une terre. Ça, c'est le fond d'écran d'origine aussi. Voilà, ça. Ouais, ça. La terre sur fond noir, là. Ça, c'est joli. Oui, mais ça, c'est, mais ça c'est d'origine. C'est iPhone. Vous mettez, vous, des photos sur les. Je sais pas, sur les gens que vous avez dans le répertoire. Non, jamais. Ouais, ah, sur les. Ouais, moi, j'ai dit full. J'ai Cariole, je dois avoir Cédric. Moi, j'ai rien. T'as Cédric? Ouais, quelques-unes. Attends, je sais même pas parce que j'avais changé. J'avais pas fait tous les. Cédric, t'as vu? Ah, ça me touche, ça, dis donc. Ah, c'est mignon, hein. Ah mais non, mais je crois que attends, je vais regarder. Enfin, il a Cédric, mais c'est pas une photo de toi, quoi. Ah non, c'est un gorille, Romano, t'as mis un gorille. Non, même pas, je l'ai plus, tu vois. Faudrait qu'on en fasse une. Ah, pas de problème. Et sinon, pour ceux qui veulent, tu sais, qui veulent faire ça, là, il y a une application où ça te les cale directement. On ne comprend pas ce que tu dis, Cédric. Ils veulent faire ça, ils veulent faire quoi? Les photos. En fait, tu vois les photos quand tu peux les mettre dans ton, dans le répertoire. En fait, il y a une application qui existe et ça va chercher les photos sur les réseaux sociaux de tes amis. Par exemple, Marie, elle s'est retrouvée sur son Facebook et ça la met directement dans mon téléphone. Ouais. Après, c'est pas plus mal d'avoir une photo que toi t'as fait. Ouais, moi, c'est perso, ça, quoi. Tu choisis. Bah. Ouais, ouais, mais après, là, c'est juste pour t'éviter de se faire à aller chercher des photos partout, quoi, tu vois. Eh bien, merci pour cette idée de merde, Cédric. Elle était sympa. Ah, écoute, de rien. J'ai pas trop compris, moi. C'est quoi le recommencer? Par exemple, t'as 300 contacts. Plutôt d'aller chercher chaque photo à mettre dans 300. Les contacts. Ouais. L'application, elle va chercher sur les réseaux sociaux. Elle est connectée avec les réseaux sociaux. Et elle trouve, hein, elle va trouver Romano. Elle va prendre une photo, elle va la mettre sur ton contact. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas inutile, ton truc. Ouais, c'est pas cool. Ouais, c'est pas si con. Et c'est quoi l'appli? L'application, elle s'appelle SyncMe. SYNC.ME. Ah, genre, tu peux synchronize me. Synchronize me. Non, c'est S-Y-N-C. Non, S-Y-N-C. Tu pas le belge, j'en comprends pas. S-Y-N-C. Ok. C'est ça. S-Y-N-C. Voilà, c'est bien. Difficile de faire rouler avec une bite dans la bouche. C'est deux flèches qui tournent en bleu. Elle est gratuite. Une petite question, ça récupère les photos sur les réseaux sociaux des gens, mais c'est quoi la photo de profil? Ouais, en général, c'est la photo de profil. Ouais, ok. Non, mais c'est pas mal. Moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mes photos de profil, moi. Non, c'est clair, changer, je suis mieux de face. Ah, putain, je comprenais pas. En plus. Je l'ai piqué à Danny Blanc, bah, celle-ci, ouais, super. Allez. Magnifique. En fait, si t'as deux, trois contacts, t'aimes pas leur photo, tu peux mettre une photo à toi, tu vois. Mais au moins, ça te fait le gros du travail. Bah, écoute, c'est merci. Pas mal, encore un truc pour les feignants, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Alexio, de l'idée de Cédric? C'est nul à chier. Voilà, merci. Merci, Alexio. Il t'a cramé direct. C'est gentil. On t'embrasse. C'est bien, plus l'application, parce qu'elle rappelle les anniversaires aussi. Mais oui, ça Facebook, ça le fait. Ah bah oui, ça le fait. Ouais, c'est pas les premiers qui le font. Hein. Oui. Oui, mais là, ça sonne sur ton téléphone. Ah ah. Très bien, Cédric. Eh bien, écoute, merci pour cette belle appli. Pas mal. Alexou, tu verras, j'espère que tu diras pas mal et même mieux que ça pour FIFA quand tu vas essayer le nouveau FIFA. Il arrive à la maison, on ment, on t'envoie ça. Eh bien, bonne nuit, Alexou. Comment? J'ai dit bonne nuit. Bah, bisous. Bah, merci à vous aussi. T'as préparé Drake, Romano. On fête les concerts Skyrock de Drake. Ça y est, il débarque en France. On met One Dance. Oh, mais One Dance. Bah, allez, c'est bien, très bien. Et puis, on vous offre Jul tout de suite. Ah oui, c'est l'heure des inscriptions, il est minuit moins 4. Inscription pour aller voir Jul en concert. Si vous voulez aller voir Jul, eh bien, les concerts sont à gagner sur Skyrock. En plus, il y a plein de concerts qui sont pleins. Paris, c'est plein. Marseille, c'est plein. Nantes, c'est pas loin d'être plein, je crois d'ailleurs aussi. Hein. Je crois que c'est plein presque partout. Hein. Et Amnéville également. Marseille, c'est plein. Hein. Marseille, plein, plein, plein. Ah ouais, c'est plein, c'est blindé. Blindé de chez blindé. Direct. Et comme moi. Voilà. Ouais, mais oui. Allez, Jul, en tournée avec Skyrock. Vous voulez aller voir les concerts de Jul, inscrivez-vous vite. Vous envoyez roulette au 72020, roulette au 72020, et on se retrouve en direct sur Skyrock dans un instant. Vous gagnez vos places de concert, roulette au 72020 après Drake. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Skyrock et Drake en concert avec Skyrock le 12 et le 13 mars de l'année prochaine. Il vit en France, à Paris, Drake. Difool, Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et dernière ligne droite avec les places pour Jul à gagner dans un instant, mais dans 45 secondes, il sera minuit. Et à minuit, il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel. Ah. Il est avec nous, il s'appelle Nelson. Bonjour Nelson. Ah, tu vas avoir, tu vas être ton anniversaire. Tu te transformes. Ah ouais. Tu vas être ton anniversaire. Proposer Romano. Et oui, tu es ton anniversaire dans 20 secondes. C'est ça, ouais. On a l'impression que c'est jour de l'an, quoi. Ah ouais. Dans 15 secondes. Attends, dans 15 secondes. 14. Ah, viens, on te raccroche à 2 secondes. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Je n'arrive pas à compter. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Marie, elle l'a perdu en route. Ah ouais, je sais pas ce qu'il y a après 18. Non mais Marie, 22. Non mais lâchez l'affaire à 14. Ah, j'arrive plus. Attends, ça va trop vite. Non, c'est pas ça. C'est ça te fait quel âge, Nelson? 21. Ah ouais, bon anniversaire. La majorité bon américaine. C'est ça, voilà. Je peux rentrer dans des bars en state, quoi. T'auras fêté ton anniversaire sur Skyrock ce soir. Énorme. Ouais. Ah bah, regardez, on est les premiers à te le souhaiter, sûr. Et on n'est pas les seuls. Jules 02. Tiens, Jules qui est venu nous voir vendredi, là. Il te souhaite un bon anniversaire. Thomas également, bon anniversaire. Alves, bon anniversaire. Bon anniversaire de la part de A3. C'est A3. Eh ben, bon anniversaire. Les gars. T'inquiète, c'était pas cher. Ah bah non, non, mais t'inquiète. Ça fait plaisir. J'aime bien faire ça comme cadeau. Romano, tu voulais offrir un cadeau. Ah bah non. Tu voulais offrir un cadeau, Romano, à Nelson. Attends, t'as déjà dit bon anniversaire. C'est pas donné à tout le monde. Hein. On va te trouver un truc, oui. Oui, on va t'envoyer. Ouais. Pas un truc, Romano. Le t-shirt collector Skyrock. Attends. Bon anniversaire. À Marie Vianney. Ça y est, je reviens. Bon anniversaire. Non, mais je souhaite aussi un bon anniversaire à mon amoureux le 11 octobre aussi. Ah, celui-là, tu l'as appelé maintenant. Mais il aurait pas. Bon, il va attendre 5 minutes. Ce con. Bah, il est en rêve. Romano, c'est mon anniversaire aussi. On est à 11. Je suis né à 11. Moi aussi, je suis né à 11. On est tous nés à 11. C'est la meilleure date. Ouais, le 11. Non, Samy n'est pas né à 11. Non, 24. Tous les 3 en premier, moi. Non, mais Samy, on s'en fout. Mais non, bon, bah, bon anniversaire. Tu vas faire une teuf. Tu vas faire quoi, toi, Nelson? Ouais, je pense que je vais faire un petit truc. On va aller sur Paris ce week-end. Bon, bah, écoute, profite bien. Et éclate-toi comme un fou et tu auras ton magnifique t-shirt Skyrock pour faire beau gosse à Paris. Super, merci les gars. Bon. Et voilà. Salut à toi, Nelson. Il y a moyen de passer une dédicace ou pas? Vas-y, passe. Je passe une dédicace à ma chérie Mélène. Elle va t'offrir un cadeau? Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Dis-lui, parce que si elle écoute, profite-en. Oui, attends, t'aimerais bien quoi, ouais? Un saut en parachute. Un saut, putain, t'es un ouf toi. Un saut en parachute. Ouais, ça va. Non, mais franchement, un ouf, elle le fait pas en hiver là, tu vas cailler gros. On va attendre l'été prochain. Ouais, voilà, tu le fais l'été. Voilà. Ouais. Par contre, t'auras pas largué d'ici l'été prochain. Par contre, c'est ça le problème. Ah, tu prendras ton parachute. Ouais, tu... T'as ton parachute parce que je te largue. Mais ça coûte combien ça? Cher. En France, je sais pas, Marie, t'avais regardé. C'était 200-250. J'aurais dit plus quand même. Moi aussi, j'aurais dit 400-500. Ouais, j'aurais dit plus. Non, je pense pas à 400-500 balles. Bah, il y a l'avion. Mais non, mais ils font des prix quand même. Hein. Le saut en parachute, combien? 300-350 en fait. Ah ouais, c'est plus 350 balles, ouais. Bon, bah écoute, profite. T'as compris ce qu'on a dit, Marie? Si, le saut en parachute, ouais, parce que j'ai regardé il y a pas longtemps là. C'est pour ça, ouais. Ah, tu voulais y aller? Non, mais je vais le faire. Ah, tu vas le faire? Ouais, je vais le faire. Ouais, c'est comme ton tatouage, Marie, ça fait. Non, mais je vais le faire. Bah, Marie, depuis que je la connais, elle doit se faire tatouer, elle est toujours pas tatouée. Bah, tu sais que le tatouage, il y a des. Je vais me le faire faire quand je vais sauter en parachute. Non, c'est pas ça. Il y a des moments, j'ai plus trop envie de me le faire, donc je me dis, c'est pas la peine de le faire parce que c'est un truc indélébile, donc j'attends vraiment. Mais indélébile, comment? Mais comme c'est nul. Mais ils sont en parachute, je vais le faire. Marie, t'invite. C'est pas sûr que tu sois avec ta meuf l'année prochaine, toi d'ailleurs, Nelson. Hein. Mais parce que il t'invite à son parachute, Marie. Tiens, on nous dit 380 balles avec la vidéo. Ouais, voilà. Ouais, de 300 à 400 balles pour s'habiller, Thomas. Tiens, 380, pareil. Ouais, c'est avec la caméra, il nous dit. Une semaine. Hein. 350 parce qu'en fait, pour être filmé, c'est plus cher. Eh oui, parce qu'en fait, il y a un mec qui saute devant toi. Donc, tu fais sauter un mec, il faut le payer, tu vois. C'est un beau souvenir, en tout cas. Hein. Ah, par contre, le faire sans être filmé, pour moi, c'est dommage. Faut vraiment payer le supplément et être filmé. Ouais. Sinon, c'est certain. C'est frustrant. Vous savez, j'ai déjà sauté d'une fusée. Dans les mais c'est pas étonnant. Bah, ouais. Normal. D'une fusée. En chute. Mais il y a le mec, comment il s'appelait, là? Ah, avec Red Bull qui avait sauté, là. Ouais, c'est énorme. 11 km, je suis allé sauter d'eau, lui. Ouais, taré. Bon, bah, bon anniversaire, Nelson. Bon anniversaire, c'est votre anniversaire à vous aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Virginie, là, qui nous envoie un message. Bon anniversaire. Mais là, il y a pas si longtemps, là, il y a un mec qui a sauté de chez Padoue aussi. Alors qu'il a 20 ans aussi, bon anniversaire. On en a moins entendu parler, le mec a atterri dans un filet. Non. Dans un filet, ouais, j'ai vu ça. Ah ouais, je sais plus, mais c'est bizarre, on en a pas trop parlé dans le... ils en ont moins parlé qu'à l'époque. Mais genre il a sauté sans parachute? Ouais, sans rien, ouais. Dans et un filet. Dans un filet, ouais. Et le mec s'appelle Félix Baumgartner. Ouais. Non, non, c'est pas ça, le même. C'est celui qui a sauté. Ça, c'est le premier qui avait sauté. C'est 11 kilomètres, lui. Avec 11 kilomètres. Et dernièrement, il y a un mec qui a sauté pareil de super haut. Et lui, en fait, il avait pas de parachute. Il est tombé dans un filet, lui. Mais je sais pas comment il s'appelle, mais il est vivant et tout, hein, le mec. Ouais, le mec est ouf quand même. Ah ouais, ah ouais, non, mais c'est des barges, ouais. Bon, bravo, non pas bravo, mais bon anniversaire, Nelson. Non, merci les gars. Salut à toi. Moi, c'est pas mon anniversaire, nous dit Allez Lyon. Bah, t'as un droit, on en a tout ça, c'est bien ça. Et concernant le prix du parachute, il y a un auditeur là. Alors attends. Moi, c'est le 17 octobre. Pour Poteau. Et Kima, son anniversaire, c'est le 14 octobre. Prix, oui. Polska, 91, 150. Lui, il a payé 270 balles. C'était à Royan. Ah, mais si vous voulez la vidéo, c'était 100 balles de plus. Ah ouais, c'est ça. Voilà. D'accord, ouais, on est les mêmes prix en fait. C'est à peu près ça. Ouais. Et trentaine de kilomètres d'altitude, il a fait Félix Marchionner là. Ah ouais, carrément 30, putain. Ce que nous dit Adrien du 71. Ouais, mais ça va être ça alors. Moi, je pensais que c'était 11. Lequel L'Autrichien là. Baumgartner. Ouais, ouais. Mais c'est ça, ouais, ça doit être 30 heures. Putain, putain, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, mais il était où, lui? Il était monté, je sais plus où. Avec un ballon, en fait. Dans l'atmosphère, non? Ouais, au-dessus des avions et tout, ouais. Parce que tu voyais la courbure de la Terre, lui, c'était noir au-dessus de lui, c'était l'espace. T'as le ouf, t'imagines, il saute comme ça. Ouais. Tu voyais vraiment la Terre là, ronde, quoi. Et une fois, j'avais vu un reportage là-dessus, et tu sais, c'était diffusé en décalé à la télé. Ouais. Et en fait, à un moment donné, le mec a eu une galère pendant le saut. C'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à se stabiliser, et le mec, son corps, il faisait des toupies, quoi. Il tournait dans tous les sens. Et le mec disait, ouais, j'arrive plus. Et à ce moment-là, en fait, ils ont coupé. C'est des images qui sont pas passées en direct. Et le mec a réussi. Non, il le passe pas en direct pour pas qu'il meure en direct. Ouais. Justement, là, ils ont flippé parce qu'ils se sont dit, ouais, le mec, il arrivera pas à se. Bon, ce coup-ci, on coupe tout, là, c'est mort, le mec est parti en vrille. Non, mais c'est mais tu voyais, et ils ont montré les images. Oui, et même, il tombe dans les pommes. Ouais, c'est ça, et il revient à lui, et par miracle. Il revient à lui pour ouvrir le truc. Et réussit à stabiliser son corps, a pu faire des toupies, là. Et du coup, il s'en est sorti, mais. Ça, c'est un exploit de ouf. Ah ouais, ouais. Ça te branche toujours, Nelson, ne sois pas un chien. Bah, c'est moins haut quand même, hein. Ah, Nelson. Ça te branche. Puis quand tu sautes, il y a un mec avec toi au début de la Nelson, on l'a perdu, Nelson. Nelson, il a déjà sauté, mais il a sauté. Non, voilà, désolé, Nelson, non, ça là, il y a eu un truc. Il a sauté de sa fenêtre. On est peut-être allé trop loin, non? Peut-être. Bon anniversaire, Lanas aussi. Ouais, salut, ouais. Lanas, 19 ans aujourd'hui, bisous. Et Diabota lui dit qu'en fait, là. Ah, t'es un mec, Lanas, mais bisous quand même, allez. Il était à la hauteur des satellites. Oh, énorme. Et ouais, donc 30 il voyait le satellite de Skyrock. Bien plus haut. Il aurait pu s'en manger un dans la gueule, vu qu'il tourne. Ouais, je pense qu'il a son coup, quand même. Bon, allez, on fait tourner la roulette et on écoute Travis Scott. Dans un instant, Travis Scott sur Sky. Et oui, on avait promis un petit Travis Scott. Un pick up the phone, ça arrive, mais tout de suite, c'est parti, c'est Jul. C'est Jul. Skyrock t'offre Jul en concert dans la ville de ton choix. Qu'est-ce que tu chantes bien? Mais oui. Et Alexou est avec nous en direct du Mans. Salut Alexou. Bah, décidément, le Mans. Ah non, Alexou, c'est le Mans, c'est fini. Ah, attendez, bougez pas. Ouais. C'est qui pour la roulette? C'est Julien. Allez, Julien pour la roulette. Salut Alexou, hein, t'as quand même gagné ton FIFA. FIFA, ouais. Ouais, ouais, tu l'as. Ouais. Et on te prend tout de suite, tu bouges pas. Et donc, pour la roulette, Julien de Metz. Salut Julien. Salut. Salut à toi, Julien. Salut la Lorraine. Donc t'es en Lorraine, il passe à côté de chez toi en plus, Jul. Ouais, Amnéville. Eh bien c'est parti. Galaxie, ouais. On fait tourner ta roulette, Julien. Elle tourne toute la journée avec toute l'équipe de Sky, dès le morning et jusqu'à la radio libre. Score. Julien, est-ce que tu vas aller voir Jul? Ce qui est bien, c'est qu'avec la roulette, on perd jamais. C'est gagné, Julien. Julien va voir Jul. Jul va voir Jul. Ouais. Tu seras donc à son concert. C'est fin du mois de décembre, hein. Ça démarre le 18 Ouais, c'est juste avant Noël, ouais. Ouais. Et donc, c'est pour toi. Jul en concert avec qui tu veux, puisque t'as deux places pour toi. Bravo. Tu vas y aller avec qui? Génial. Avec ma femme. Et ben voilà, entre en amoureux, c'est beau. Voilà. Jul pour toi et pour vous, peut-être demain matin dans le morning, on fera tourner la roulette. Salut Julien, ciao. Salut équipe. Salut. On vous souhaite une bonne nuit, on vous donne rendez-vous demain. Bravo aux Bleus qui ont gagné 1-0. Bravo à Romano qui a gagné le clash. Ouais. Cédric, merci d'avoir passé cette soirée avec nous depuis 21h. Ouais, bonne nuit tout le monde. Eh bien, on est passé des toilettes de Cédric à son canapé. À mon lit. Oui. Non, mais il nous a fait rêver. On a eu la totale. Ma vie de merde. Des photos de merde. Enfin, on a eu la totale. Cédric, demain, on te retrouve, j'espère, dans l'émission, sauf si t'es arrivé une autre galère. Mais enfin, on te le souhaite pas quand même. Hein. Non, bah, c'est gentil, merci. On vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir passé la soirée avec nous demain soir, 21h. Bonne on nuit. Est là. Bonne nuit. Juste après le Planète Rap spécial Soprano, on découvre l'album de Soprano toute la semaine. Yes. Ouais, ne loupez pas le Planète Rap 20h-21h, ne loupez pas la Radio Libre 21h minuit et ne loupez pas le Morning demain matin dès 6h. Soyez là sur Sky, on apprend plein de choses. On a appris plein de choses. On a appris que des conducteurs de, des moniteurs d'auto-école en Bourgogne faisaient conduire la voiture complètement sous coke. Ouais, c'est ça. Pas mal. On a appris l'histoire du sperme de Ronaldo et de d'Ibra aussi. Aussi, ouais. Aussi, ce matin, on vous offre plein de cadeaux et des chèques de 1500 euros. Ben, 1500 euros dès demain aussi, dès 6h entre 6 et 9. Passez une bonne nuit. À demain matin, demain soir aussi. Et Prisca arrive. Oui. Après Travis Scott, qu'on écoute tout de suite avec Pick Up the Phone. Bonne nuit tout le monde et à demain. Ciao. Ciao. Ouais, salut. Ils ont tous gagné 1500 euros en répondant Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. La seule radio qui t'offre 1500 euros toutes les 30 minutes. Oh putain, ça fait tellement longtemps que j'attends. C'est Skyrock. Non, sérieux? Et non. Oh purée. Rendez-vous demain matin de 6h à 9h dans le morning de Default sur Skyrock. Je refais là. Yeah. Oh yeah. I go four, I call your hoe, just to fucking show up. I just went got my door, pull it off and I'm gone. Then I go up before, then I roll up, then roll up. Then I'm calling your hoe. Skyrock accompagné de Young Thug. On va écouter Pick Up the Phone pour attaquer le Minute 3 ensemble. C'est presque avec vous. J'espère que vous allez bien, que le week-end a été bon. Une nouvelle semaine ensemble avec du bon son sur Urban Music non-stop pour vous accompagner toute la nuit. Et on y retourne direct avec un des énormes cartons du moment. C'est le grand retour de The Weeknd avec un nouvel album qui arrive le mois prochain. On écoute le morceau avec les Daft Punk pour Starboy. Et juste après, DJ Snake, Aluna George, You Know You Like It sur Skyrock. What you gonna do? You know you like it, but it drives you insane. Mais oh, je suis médaillé. Pas mon lance, négro, allez, d'aller. La cuenta fut très très sale. T'as à l'âge, je vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton enfant, il sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Oh, mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai vite trahi comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, j'quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas un plat de thieboudienne. Même moi, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Faut mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R. J'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moula l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les massas, mama, cosa, FLO, mara, salva, trocha. Négro n'a pas vraiment de shot. Le boulet plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pourtant j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche à droite. Tyson Gribord de bombardier. Je vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté l'euro. Première ou arrière des merdes. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. je peux te montrer l'écran. Le nouveau Booba sur Skyrock, on va écouter DKR et on continue ensemble toute la nuit. Il y a du bon son, c'est Urban Music non-stop. Tous les numéros 1 Skyrock, plein de nouveautés également. Et on a deux là à suivre. Le nouveau Big Flo Oli avec Jean Dujardin en guest alias Brice de Nice. On écoute le morceau qui s'appelle Pour un pote. Ce sera juste après le tout nouveau Bruno Mars. Il est de retour lui aussi également avec un morceau qui a pris la tête ce week-end, enfin le week-end dernier, du Hit Skyrock et du Hit US. On écoute maintenant Bruno Mars avec 24 Karat Magic sur Skyrock. Quoi pour un pote? Pour un copain? Ouais, pour un pote quoi. Enfin, c'est important pour toi? Bah ouais, c'est même super important quoi. Ouais. Ah, c'est marrant. Quoi? Me fait un peu chier que cette question. Toi, tu ferais quoi? Moi? Ouais. Même si ça serait un drame de la perdre, pour un pote, je pourrais quitter la plus belle femme de la terre, lui laisser le choix du nom de mon futur gosse, partir 6 mois, apprendre le chinois en Écosse. Je pourrais dire non le jour de mon mariage s'il me demande, quitter une femme aimante et partir d'ici s'il m'emmène. On irait planter une tente dans une montagne au fond de la France, déclencher une avalanche, mais rire quand même. Gagner au loto, lui donner chaque centime, lui faire un résumé s'il part pisser pendant le film. Faire semblant de perdre pour lui faire plaisir, lui dire que ça me fait belle pour lui faire. faire plaisir. Je pourrais insulter un boxeur, draguer une bonne sœur pendant de bonnes heures et me faire claquer, faire la vaisselle de bon cœur, vivre dans un bon cœur. T'es qu'un imposteur, je t'ai cassé. Le suivre dans ses délires, lui porter ses valises, promener son poisson rouge et partir surfer à Nice. Si je m'y attache, c'est pour pas qu'il me lâche. Je le suivrai jusqu'au bout du monde, mais faut pas qu'il sache. Je pourrais sortir le katana, dormir avec des piranhas, ouvrir un bar dans le Sahara. Plus bien ça va si ça va pas. Pour le premier avion pour Rio. Pour un gardien dans le frigo. Pour un faire le tour de la terre. Pour mentir à sa mère. Je pourrais. Souvent arrête un peu. Tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi. On me dit souvent arrête un peu. Tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi. Je pourrais aller en prison même si j'ai rien fait. Aller face à mon patron pour lui dire t'es qu'un faible. Je pourrais supporter n'importe quelle pression. Transporter un cadavre la nuit sans poser de questions. Je pourrais voler la sucette à un gosse. Prendre un coup de crosse, enfiler un bikini et du gloss. Je pourrais choper la gale, avoir la dalle, passer des balles et me faire condamner. Lui péter 10 000 balles et qu'il me les rende jamais. Je pourrais mettre tout le coup sous la guillotine. Je pourrais mettre un coup de boule à ma petite copine. Désolé chérie, je sais, je fais des trucs bizarres. Mais dis-toi que je lui laisserai même la dernière part de pizza. Levé à 4h du mat pour aller le dépanner. Lui prêter ma chambre pour un mois et qu'il y reste des années. Je pourrais faire tout ça pour lui, même si c'est un con. Et je pourrais peut-être même lui faire un son. Je pourrais sortir le katana, dormir avec des piranhas, ouvrir un bar dans le Sahara. Pour dire ça va si ça va pas. Pour le premier avion pour Rio. Pour lui garder un rein dans le frigo. Pour lui faire le tour de la terre. Pour mentir à sa mère. Je pourrais. Arrête un peu, tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi. On me dit souvent arrête un peu, tu vas me mettre dans la merde. Tu sais la vie c'est pas un jeu. Tu crois qu'il ferait pareil pour toi. Alors les gars, expliquez-moi, un pote c'est quoi exactement? Un genre de frère présent à chaque moment quand parfois t'as la nausée, à deux doigts d'exploser, la seule chose sur laquelle tu pourras te reposer. Ouais, moi j'ai mon lit pour ça. Hein. Non Brice, tu comprends pas, ce qu'on te dit, ton ami, c'est ton seul rempart. Et la famille? Et la famille c'est pour la vie, mais y'a celle par défaut, et y'a celle que tu choisis. Mais ça me rapporte quoi? Rien, à part des rires et des galères. Donc pas de fric et de salaire? Non, rien, et écoute bien, si tu te perds en chemin, il donnerait tout ce qu'il a pas si t'en as vraiment besoin. Les gars, merci, je crois que j'ai compris la valeur d'un ami, le seul qui pourrait surfer avec moi le jour d'un tsunami. Mmh. Quand parfois j'ai la nausée, ouais, et que mon cœur pèse des tonnes. Donc les gars, on est potes. C'est vrai? Non, je déconne. Je vais pas être pote avec des rappeurs de merde. Big Flo et Oli. Rap and R&B. Rap and R&B. Rap et R&B. Skyrock, Urban Music. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I won't, you know, I won't let go. Skyrock et vous écoutez la première radio urbaine mondiale avec à l'instant le son de Major Lazer et Justin Bieber. On vient d'écouter Cold Water pour la suite du son. On y retourne, il y a le tout nouveau John Legend qu'on va découvrir ensemble qui s'appelle Love Me Now. Ça arrive juste après ça avec Egradure pour Andale sur Skyrock. Like it's all I have. I know it'll kill me when it's over.